Amén. Amen. Le Seigneur. Hosanna, mon roi. Thank you. Et quand même, vraiment, nous rendre visite, nous titre par des lettres, de partager avec nous les choses concernant le royaume de notre Père. Donc, Père, Père bien-aimé, Frère, Sœur, soyez les bienvenus comme toi. Amen. Bon. Merci le frère Junior. Le frère Junior du Cameroun. Et voici. Donc, ils sont parmi nous ce matin. En tout cas, comment c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce pour nous de les recevoir. Amen. Parce que les députés disent clairement que quand on reçoit une certaine de Dieu dans une localité, c'est une grâce pour la localité. Amen. Alors donc, vraiment, Dieu nous a fait grâce au matin, vraiment de recevoir notre frère bien-aimé et son épouse. Que le Seigneur les bénisse. Vous savez, on a l'habitude de l'entendre, de l'écouter. Ceux qui ont l'habitude d'écouter sur la chaîne Baba Iba, on a l'habitude d'écouter le frère, hein, les prédications, tout ça. Et il faut dire que, comme le disait le frère Achille du Cameroun, dans un de ses témoignages, il disait que, en fait, quand tu entends la voix du frère, quand tu entends le frère prêcher, quand tu peux passer sur les vidéos, sur YouTube, la chaîne Baba Iba, c'est une vidéo, mais c'est une façon sonore, c'est une façon, c'est par audio. Voilà, c'est-à-dire qu'on entend la voix de la personne qui prêche, mais la personne elle-même, on ne la voit pas. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Alors, donc, comme disait le frère Achille, il dit clairement que, il y a un contraste entre la tonalité de la voix qu'on entend et la personne elle-même. Effectivement, c'est pas pour le vivre cette expérience là, je pense que quelques frères d'entre nous avaient vu cette expérience là lorsqu'on arrive dans le mois, à quoi va. Quand le frère s'est présenté, bon, vraiment, on a vu effectivement que le témoignage du frère n'était pas faux. Parce que lorsqu'on entend la voix, on s'attend à voir quelqu'un vraiment de robuste, de grand détail, mais c'est tout autre. Mais que le nom du Seigneur soit béni, parce que les écrits disent clairement que Dieu dit les choses dignes pour comprendre les choses, les sages. Voilà, donc il a plu à Dieu de choisir son serviteur et de travailler avec lui. Donc que le bénéfice du corps, le bénéfice du corps qui est l'Église. Amen. Amen. Alors donc, ce qui importe, ce n'est pas l'homme qui importe. Voilà, mais ce qui importe vraiment, c'est le dépôt. Le dépôt que dans l'homme. Ce n'est pas le vase de terre qui est important, mais c'est le trésor qui se trouve dans le vase de terre. C'est ça qui est plus important. Amen. Alors donc, sur ce, je pense qu'on va donner la parole, laisser la parole à vous bien aimé. Peut-être qu'il y a une adresse à notre endroit. Donc, on avait tenu les réunions aussi dans cette salle. Je crois qu'on a besoin de bien voir par exemple les réunions. Pas de plus. Donc je viens de voir. Je viens de voir. Moi je suis pas venu d'aller expliquer. Je respecte les réunions. Je voudrais savoir. On a eu une réunion à une date pour venir aujourd'hui, le 21 juillet 2017, qui est dans cette salle. Bon, il y a une autre réunion qui est venue. Et toi qui as convoqué le frère, il faut que nous le recevions, nous tous. Mais pour le recevoir, nous tous, il faut qu'on soit informé par rapport à la date de notre réunion. On n'a pas qu'il y ait dérangé. Est-ce que tu as prévenu tous ceux qui ont été conviés à cette réunion qui ont reçu la date pour ne pas qu'ils soient surpris? Non, je ne t'ai pas posé la question. C'est pas toi qui es invité. C'est pas toi qui es invité. Tu es pressé pourquoi? Tu es pressé pour la participation. Je dis que. Non, non, non, non, non, non, non, C'est pas toi qui as invité le frère. Mais c'est pas ici. Écoutez. La réunion des dames. Non. Tu troubles là. Tu es en train de troubler. Moi, je vais venir dans un esprit de fou. Je sais pas ici. C'est mais arrête-moi, arrête ça. Je dis d'arrêter ça. Alors, il faut sortir aussi. Mais alors, tu es qui? Je pose une question. Lui qui a invité la dame de. Mais arrête! Arrête-moi ça! Alors, mais il faut bavarder. Alors, arrête-moi ça! Avant l'arrivée du frère Chino, j'ai tout le fait de s'embêter en notre frère de Dieu, notre frère Allah, frère. Mais je n'avais pas une idée de la date précise de son arrivée. Sinon, le précis de son arrivée, c'était mars. Et tout le monde est informé. Et lorsque j'ai reçu toutes les informations concernant la date de son arrivée, j'ai pris encore soin d'appeler et d'informer les frères. Ok, moi, tu m'as envoyé un message hier. Le message est encore là. Il y a eu une réunion du frère qui vient de, comment on appelle, du Congo. Avec, oui, voilà, du Cameroun. On a eu le nom à 9h. Bon, je n'ai pas d'idée, c'est moi qui me ferai appeler hier. J'arrive à, écoute-moi bien. Donc, comment on appelle, je t'ai dit de m'appeler et tu m'as appelé. Bon, tu ne m'avais pas, moi, personnellement, jusqu'à hier. Il y avait une réunion aujourd'hui. Mais c'est hier. Qui t'a donné mon numéro hier? Il n'y a pas trop longtemps. C'est pas hier qu'il y a eu le numéro. Bon, donc, bien, vraiment, nos excuses, c'est une incompréhension. En fait, je n'ai pas le numéro de tous les frères. En tout cas, les frères et les sœurs que j'avais le numéro, j'ai poussé la tête de tout le monde. Voilà. D'accord, moi j'ai compris. Pourquoi tu nous as compris? Bien. C'est pas une hypocrite dans le show. Bien, je pense qu'on va. Si après on va, c'est le plus près. On va lui donner la parole. Oui. Bonjour, ça va frère Yao? Oui, très bien, très bien. On est ensemble aujourd'hui alors. Et tu n'as pas fait chaud, si on coupe. Non, si on ne se fait pas au désir, il ne faudra pas chaud, d'accord? On ne pas chauffer. C'est pour l'enregistrement. Oui, oui. On peut mettre dedans ici. Non, oui, non, ici. Non. Oui. Bonjour. Bonjour. Que Dieu vous bénisse. Je suis content d'être dans votre milieu, dans mon pays. Vous savez, c'est mon pays ici, je vous le dis. Au nom du Seigneur, je suis mon pays. J'ai 4 pays dans le monde que Dieu m'a donné. Il y a mon pays natal. Il y a la Côte d'Ivoire. Peut-être un jour, vous allez comprendre pourquoi je dis ceci. Il y a la Côte d'Ivoire. Il y a le Nigeria et il y a Israël. Voilà mes pays. Donc je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que vous donc, on peut se tenir debout, on prie, puis on se salue aussi. Amen. C'est notre niveau, on prie. Comme ça, vous bénisse. Amen. Nous sommes à tes prions. Père, nous te sommes reconnaissants pour ce moment que tu mets au devant de nous. Amen. Merci pour ce que tu fais pour ce pays que tu m'as accordé. Merci Dieu de gloire pour tous tes enfants qui y sont, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Merci Père de gloire pour ces prémices, ô Dieu, que tu fais produire dans ce pays. Merci pour tous ceux-là qui sont dans les coins et recoins de ce pays, ceux qui t'aiment, et pour ceux-là qui te cherchent, pour ceux-là qui se vautrent encore dans la boue, que tu vas faire venir à toi. Merci pour ceux qui se trouvent ici. Seigneur, tu connais chacune de leurs situations, tu connais leur cœur. leur amour pour toi, leurs déboires, leurs chutes, et ce qui les fait chaque fois douter de toi. Merci Père de gloire, parce que c'est seulement toi qui ôtes ces fardeaux. Seigneur, je te les recommande entre tes mains, je recommande ce moment de tes mains au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. En vous saluant, en vous asseyant, saluez-vous les uns les autres. Et comme on ne se connaît pas tous, saluez-vous en demandant les noms alors. Moi c'est Frère Junior. Moi c'est Frère. Frère Angaï. Angaï. Bonsoir mon papa. Moi c'est Frère Junior. Bonsoir mon papa. Que Dieu te bénisse. Bonsoir ma soeur. Que Dieu te bénisse. Moi c'est le Frère Junior. Saluez-vous les uns les autres. Les uns les autres. Que Dieu bénisse. Oui, Frère Junior. Moi c'est Frère Junior. Que Dieu te bénisse, mon frère. Frère Crou. Mon frère. Oui, moi c'est le frère Junior. C'est le frère. Frère Dynastie. Dynastie. Frère Tano. Ça va pas être facile pour moi. Hein. Le frère qui ne gêne pas, il salue personne. Non, il a. C'est bon, je veux du pied. Je vais juste acheter une image. Veuillez vous asseoir bien, aimé, veuillez vous asseoir. Je crois que les sièges, comme les sièges sont trop serrés, s'il y a un rangé qu'on peut soustraire, on porte un rangé, on met sur une autre rangée pour que vous ayez des places. Comme ça, parce que ceux qui sont derrière n'ont pas assez d'espace pour leurs pieds. On décale le pied d'espace. Voilà. Si vous êtes au milieu de la foule, vous allez enregistrer, vous êtes derrière, ça ne sera pas clair. Donc vous envoyez le téléphone, on le met ici. C'est bon là non? Il n'y a pas de problème. Ça va aller. On a souvent plus chaud que ça. C'est bien. Parce que si on met le 27, vous n'allez pas entendre. Ça va faire bruit. Le bruit. Oui. Donc, comment vous allez? Je suis donc à votre service. Vous avez convenu que, je ne sais pas si vous êtes au courant, que nous fassions la réunion aujourd'hui, samedi. Demain, dimanche et mardi aussi, c'est ça? Oui, mardi. Donc, je ne sais pas comment le Seigneur va diriger ça. S'il permettra qu'on prie. Et on discerne ce qu'il en est pour les problèmes. C'est un problème qu'il y a au milieu de nous, n'est-ce pas? Amen. Je crois qu'il y a encore le téléphone là-bas. Vous savez, avant d'avancer, je vais vous dire quelque chose. L'Église, les chrétiens sont la lumière du monde. La lumière, n'est-ce pas? C'est la Bible qui dit. Et par conséquent, cette lumière est censée éclairer, comme le Seigneur dit. Donc c'est à nous de montrer le bon exemple au monde. Les guerres que vous voyez dans des pays sont causées parce qu'on ne veut pas écouter la voix de certaines personnes. Quand les couches de la population, les gens souffrent dans les quartiers, ils souffrent dans les maisons. Pendant ce temps, certaines personnes qui dirigent le pays se mettent à vivre dans le luxe et autres, et ça finit par fâcher. La sagesse voudrait que, lorsque cette condition se trouve comme ça, que les chefs écoutent les doléances. Que les chefs écoutent quoi? Les doléances. C'est-à-dire qu'il faut que les voix de chaque personne soient écoutées. Vous étouffez une voix, tôt ou tard, cette voix va s'élever. vous ne pouvez pas éteindre, parce que ça, c'est dans le cœur que ça se trouve. Vous me suivez, n'est-ce pas? C'est-à-dire, quand vous entendez qu'il y a une rébellion quelque part, et que les situations, ou bien les revendications de ces groupes-là ne sont pas tenues en compte, vous faites table rase là-dessus, et puis il y a la calmie. Ces revendications qui sont suscitées dans leur cœur, dans leur âme, vont tôt ou tard s'élever. Vous me suivez? C'est ça qui crée les guerres là, parce que les gens ne veulent pas entendre. Ils croient qu'en envoyant le militaire, par exemple, mater les gens, ça va résoudre le problème. Ça ne résout pas le problème. Il y a des gens qui préfèrent mourir. Que même s'ils restent seuls, ils vont en découdre avec vous. Et par conséquent, des groupes se lèvent, les gens qui sont bien établis les appellent maintenant terroristes. En réalité, ce ne sont pas des terroristes. Enfin, ce sont les mots qu'ils ont pris pour appliquer à ceux-là. Ils sont ici terroristes parce qu'eux, ils s'opposent à l'État. Enfin, ils ont quelque chose qui veut faire comprendre. Comme ils ne peuvent pas affronter l'armée comme il se doit, ils trouvent les moyens pour pouvoir se défendre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il sait qu'il ne peut pas aller au camp militaire, comme ça, lutter contre les militaires. Il prépare une bombe quelque part, mais quelque part, ça fait BOM! Pour qu'on fait entendre sa voix, pour qu'on sache qu'il est là. C'est son moyen à lui pour pouvoir se faire entendre. Au lieu de résoudre le problème, on dit qu'il est terroriste. On commence à voter les lois contre lui. Donc, il y a une revendication. D'accord, avant que je commence, donc, ça veut dire que s'il y a des revendications à faire, il faut que vous parliez. Sinon, vous ne pourrez pas vous dire que vous aimez les uns les autres étant vrai. Vous me suivez là? Donc il faut qu'on parle de cela. D'accord, donc si notre papa a des problèmes, ou vous avez des problèmes de ceci, résolvez cela. C'est ce que Jésus dit. Sinon vous n'allez pas prier avec le Père, ça ne peut pas marcher. Vous me suivez donc, ça veut dire que vous avez des situations, si nous sommes en famille, on peut parler de cela. Et s'il y a des sujets sur lesquels vous ne vous entendez pas, parlez jusqu'à ce que vous arrivez au niveau où vous pouvez vous embrasser, malgré que vous ne soyez pas d'accord. D'accord? C'est pas tout le monde dans tout le monde entier où je prêche, c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ce que je dis. Il y a des gens qui viennent et disent j'aime bien Junior, mais ce qu'il dit là, je ne suis pas d'accord. Mais c'est son problème avec Dieu. Vous voyez, vérifiez tout simplement qu'à chaque fois vous ne soyez pas en contradiction avec le Seigneur. Et vérifiez que quand vous posez un acte vis-à-vis de quelqu'un, que ce ne soit pas un acte que dont la Bible condamne. Parce que vous ne vous en sortirez jamais devant Dieu. Quand vous allez finir sans régler cet acte-là, comment vous allez vous tenir devant le trône? Parce que ce n'est pas la parole qui va juger. Et bien là, si vous laissez ces genre d'actes là, vous allez arriver quelque part, vous allez dire à quelqu'un, on va dire salut ton frère, dis-lui que tu l'aimes, tu vas lui dire que tu l'aimes, pourtant il y a quelque chose qui ne va pas dans le cœur. C'est pas vrai. Ne dites jamais à quelqu'un, vous l'aimez tant que vous n'y a pas de... tant qu'il n'y a pas l'amour vrai sur le cœur, d'accord, frère et soeur. Alors s'il y a un problème entre vous, souvenez-vous, le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Marc chapitre 11, verset 23 et suivant, que lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous souvenez que vous avez quelque chose contre quelqu'un, déposez-la votre offrande. Allez d'abord résoudre le problème. Donc il ne consiste pas. La vie chrétienne ne consiste pas seulement à bavarder devant Dieu, à citer Dieu. Vous pouvez citer Dieu du début jusqu'à la fin sans être avec lui. Vous pouvez lire la Bible, citer les versets bibliques droit sans être avec le Seigneur, sans qu'il ne vous connaisse. Parce que c'est pour les citer, Satan les cite. Mais Jésus a dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, donc qui met en pratique. Il dit, vous savez ces choses pourvu que vous les pratiquez. Et vous ne pouvez pas commencer entre vous à avoir des dissensions comme ça là. À combien de fois raison si un non-croyant vient donc s'asseoir au milieu de vous? Vous voyez, supposons que vous aviez invité un non-croyant qui se soit au milieu de nous. Il va voir ce spectacle. Qu'est-ce qu'il dira du nom du Seigneur? C'est vous qui serez coupable comme ça devant le Seigneur. Donc ne faisons pas ça, d'accord? Donc résolvons ce problème maintenant. Oui, frère, qu'est-ce qu'il y a comme problème? En fait, moi, je n'ai rien contre mon frère. On est toujours ensemble. Là. Oui. Il vient me voir à la rivière, quand on est là. Vous entendez derrière là-bas? Oui, en fait, c'est mon frère. En fait, on est beaucoup plus proches. Oui. Voilà. Avant-hier même, on était ensemble. Oui. Je crois. Voilà, on était, voilà, souvent il vient me voir. En fait, on s'aime. Oui. Comme ça. Bon, vous voyez, moi je crois que quand il y a un problème, il faut le résoudre d'avance. Il ne faudrait pas qu'on entre dans la maison du Seigneur pour venir devant des gens qu'on ne connaît pas poser ce genre de problème. Donc, c'est ce que je voulais faire savoir. Et sa façon de poser le problème, vous savez, on parle, mais le corps aussi communique. Oui. Voilà. S'il avait posé le problème, simplement. Mais c'est légitime parce que c'est le moment par excellence pour poser son problème. Parce que, d'après ce que j'ai compris, c'est que le frère Olivier Angoran a informé les gens et c'est hier dans la nuit qu'il a informé. Comment se fait-il que vous l'aimez, vous êtes avec lui et que lui il dit, parce qu'il a dit dans sa déclaration que c'est tout récemment qu'il avait son numéro. Et il a bien dit qu'il a pris le soin d'appeler les gens. Pourquoi dans ce cas-là n'a-t-il pas appelé? Donc, on a c'est parlé légitime. De ça oui. Quand il est venu me voir là-bas. Oui. On a parlé de ça là-bas que il y a le frère Olivier. Qui a Congo, en fait, qui dit qu'il y a un frère qui vient du Cameroun. Oui. Bon, moi, je crois que la chez nous, on a, c'est ce qu'on appelle la théorie de la connaissance acquise. Oui, donc ça n'est pas déjà, voilà, quand tu connais déjà la chose, oui. Toi, tu n'as plus besoin de venir sur la procédure. Tu peux oui. parler, ça dit qu'au passage, ah mais il fallait ça aussi. Frère Koun ne m'avait pas dit, ou bien Frère Gagne ne m'avait pas dit, toi, oui. je n'avais pas ça. Au passage, oui. ouais, si tu connais chrétien. Oui. Mais poser ça comme un problème, alors mm-hmm. que tu sais, bon, moi, tu vois, ça me fait un peu, parce que comme il dit, il n'est pas hypocrite. Oui. Moi aussi, je ne suis pas hypocrite. Mm-hmm. Ce que je sais, si ça, c'est lui qui a, qu'on appelle l'idée, oui. et que ça vient de mon frère, oui. ou bien ça vient de l'autre, bien ça vient de lui-même, mm-hmm. moi, je n'ai pas à me plaindre. Mm-hmm. Je viens, bon, ok, c'est ok. Mais on n'a pas le même, enfin, on a le même Dieu, oui. mais chacun a sa façon de voir les choses. Oui. Voilà. Et mon frère. Donc, moi, c'est un peu les choses. Sinon, c'est fini, hein, moi, on a... ce que je voudrais dire, ce oui. n'est pas parce que je vais prendre parti pour quelqu'un parmi les deux, mais en réalité, ça c'est un petit problème. Oui. Comme le frère l'a dit, c'est Olivier qui organise ces choses. Avant même la rencontre, quand tu es arrivé, tu pourrais même plus que si tu étais au courant depuis que tu nous as trouvé là-bas. Oui. C'est toi-même qui m'avais, toi par contre, même qui m'avais informé que frère arrive là-bas. Oui. Donc en ce moment là, tu es arrivé ici, tu appelles Olivier. Olivier, est-ce que tu as invité tous les frères tous les sont frères. Informés que, qu'un frère vient nous rendre visite oui. Et il va t'expliquer pourquoi certains frères n'ont pas... Ça, et puis, on arrive ici, voilà, je pense que ça, ça ne devait même pas être un problème. Oui. Et puis, la manière le frère a réagi prouve que sans doute, il y a un antécédent. Oui, c'est là justement que je vais en venir. Parce que Savron dit qu'il ne pourrait pas se fâcher seulement à cause de cet acte-là. D'où ma question que je voudrais poser. Y a-t-il pas un antécédent entre vous? C'est qu'en réalité, on devait tenir une réunion ici. Oui. Voilà. Ouais, on était là et puis je suis sorti. Oui. Je suis allé voir le frère avec l'autre. Mmh. Je vous dis tout. Venez, c'est le Seigneur. Oui. C'est le Seigneur. Normalement, il y a une réunion qui doit se tenir maintenant. Oui, non, pas maintenant. Mmh. C'est-à-dire, on devait se réunir ici pour discuter d'un certain nombre de choses. Okay. Voilà, d'un certain nombre de choses. Mmh. Et puis, le frère Olivier nous a informé. Ok, donc de la tenue de cette autre réunion. Voilà, de cette autre réunion. Oui. Et nous tous, en fait, moi, ma collègue, nous, on a préféré cette réunion. Avant, vous avez ajourné l'autre réunion alors? Voilà, en substance, on s'est dit, bon, tant qu'on va tenir la réunion, oui. c'est-à-dire qu'au lieu de tenir la réunion, comme c'est un frère qui vient de loin, et que, bon, c'est la chose, on va l'écouter, on oui. va échanger avec lui, oui. c'est de bonnes guerres. Nous sommes ici, on peut toujours tenir ces réunions-là. Réunion, oui. Il y a des frères même qui ne sont même pas... Et là, est-ce que jusque-là, dans ce cas, vous l'avez informé de tout cela? C'est-à-dire que il y avait une réunion préalable qui était tenue, oui, qui était censée être oui. là. Mais on lui a dit, ah, le frère vient, on va l'écouter. Oui. Et je n'ai pas fini. Oui. À mon sens, le frère détient quelque chose. Oui. Par la manière il a réagi là, c'est ça. Ça montre qu'il y a quelque chose. Quelque chose. Eh bien, dans ce cas, c'est mieux qu'on lui pose la question. Voilà, il faut qu'on lui pose la question. Parce que je voudrais pas. Oui, donc c'est mieux parce qu'il ne faut pas qu'on dise quelque voilà. chose de quelqu'un qui n'est pas vrai, il est présent. Voilà. Parce que s'il arrive qu'il a quelque chose contre quelqu'un, ou bien vous avez quelque chose contre lui. Le frère comme ça. Là. Oui. Cette manière, pas. On vous passe la parole. Oui, frère, je salue ton introduction au passage. Je salue bien ton introduction au passage. Je n'aime pas l'hypocrisie. Quand je pardonne, je le fais de tout mon cœur. Mais tant que je ne t'ai pas encore pardonné, je ne t'ai pas pardonné. Amen. Et ça, c'est de tout cœur que je le fais. Et le Seigneur Jésus a donné ce droit aussi à toute enfant de Dieu, à tout serviteur de Dieu. Ceux que vous pardonnez, ils seront pardonnés. Ceux que vous ne pardonnez pas, ils ne seront pas pardonnés. Mais nous devons pardonner. Parce qu'il a dit, si tu ne pardonnes pas, je ne peux pas aussi te pardonner. Oui. Si tu as offensé quelqu'un, donc nous sommes obligés à pardonner. Absolument. Chaque 2 mois, nous tenons une réunion ici, de forme apostolique, oui. qui réunit des serviteurs de Dieu de l'intérieur d'Abidjan. Oui. On discute des choses. On marche ensemble. Oui. Et la dernière réunion a été tenue dans le mois de mai 2017. Une date a été décidée. Et comme Olivier était pressé, il est parti et il n'a pas écouté la date. La date de cette réunion. Mais néanmoins, il a été informé oui. sur la date, par téléphone, de façon aussi physique. Oui. Ceux qui connaissent la date, ils l'ont rencontré. Attends. Olivier. Bon. Le frère arrive du Cameroun oui. avec une équipe. Il faut qu'on le reçoive. Oui. Et ce n'est pas devant lui, on va discuter. Voilà. Mais quand on vient ici chaque fois, il y a un cahier où chacun émarge. Son nom, son quartier, son numéro de téléphone. Oui. Attends, avant d'annuler cette réunion d'aujourd'hui qui était vraiment convenue, prends le cahier et prends le temps d'informer tout le monde. Et dans ces différents cahiers où nous émergeons, chaque fois, il y a mon nom. Pourquoi ne pas m'informer? Il y a le nom et le numéro de téléphone là-bas. Mon numéro de téléphone est chaque fois dedans. Oui. Pourquoi ne pas m'informer? Je ne suis pas informé. Mais je suis informé pour la réunion d'aujourd'hui. Oui, mais entre nous, là, je... là pourquoi vous particulièrement? Parce que c'est vous qui semblez être, n'est pas être au courant. Oui, quel est le fait. Vrai problème au juste? Mais je ne sais pas pourquoi il ne m'a pas informé. Oui. Et quand j'ai posé le problème, pour assister à la réunion dans un esprit paisible, il a dit que ça fait quelque temps qu'il a eu mon numéro. Oui. C'est pas hier, il a eu, oui, quelques temps, qu'il a eu mon numéro. Pourquoi ne pas m'informer? Et tu ne m'informes pas hier en m'envoyant le message que Frère Pacom, la réunion d'aujourd'hui, 22, il a été annulée. Hein. Oui. Tu mets pas ça en première ligne, mais directement tu me convies à cette réunion, oui, d'aujourd'hui. Là. Oui. Je n'ai rien compris. Donc, je tenais à poser le problème dans l'Assemblée. Oui. Pas entre lui et moi, oui, et mais dans l'Assemblée, oui, ce que j'ai résolu dans mon cœur, c'est ce que j'ai fait. Donc, en fait, vous voulez comprendre en réalité le pourquoi de tout à fait. Absolument. Donc, il faut qu'il réponde à cela. Il ne m'a même pas informé. Oui. Ok. Et au passage, tu as fait ton introduction que je salue. Et c'est ça qui a envoyé les brouilles. Mais lui, il a une partie. Il ne faut pas qu'il dise qu'il a une partie. Donc, ici, là, lui, il me dit directement, sors. Mais attends, le temple de Dieu, là, c'est ton temple. Il me dit, sors, c'est une foutaise. Et là, vous avez aussi répliqué. Non, je viens. C'est une. Oui, c'est de façon légitime. Hein. Oui, ça, c'est légitime. Voilà. Donc, ici, vous ne devez pas aller dans ce sens. Voilà. Donc, je demande simplement qu'Olivier explique le problème. Oui. Il finit d'expliquer, puis c'est tout. Bon, devant ce spectacle, vous êtes les dirigeants. Oui. Supposez qu'il y avait des non-croyants qui étaient au milieu de vous. Quelle image rentrerait-il avec cela? Non, de toute façon, moi je sais qu'à cette réunion-là, il ne peut pas avoir des non-croyants ici. Oui. Parce que c'est lui qui a invité, là, c'est le croyant qui l'a invité. Oui. Donc dans cette salle, je crois que c'est des croyants qui sont dedans. Donc le frère Olivier, je crois que tu dois devoir nous dire à l'Assemblée, puisque le problème est posé à l'Assemblée, le pourquoi le nom de notre frère est dans le cahier que vous émergez chaque fois et son numéro de téléphone. Et jusque-là, tu n'as pas pu le contacter. Quel est le vrai motif, mon frère? Excusez-moi. Oui. Dis à Pacom, de ne pas vouloir résoudre le problème des autres à leur place. Moi, je dis qu'on a informé Pacom avant même pour le lieu de l'appel. Donc, il était au courant avant les appels. Courant, lui-même, il a... Qu'est-ce qu'il veut, lui, là? Quand c'est comme ça, c'est là que je lui pose. Qu'est-ce qu'il veut? Il a parlé, je l'ai écouté. Écoute. J'ai fini de parler. Écoute. Tu poses la question à Olivier, qui est au centre de la chose. Donne le problème à Olivier, il va expliquer. Et puis tu continues. Non. Bon, attends. Donne le problème à Olivier, si tu continues. Parce qu'il a dit tout simplement, il s'attend que Olivier réponde et que le problème est terminé. Ok, d'accord. Donc le frère Olivier répond. Il maîtrise tout. Oui. Alors, ça ne peut pas être un problème capital. Oui. Parce que bon, le frère, c'est vrai qu'on tient l'événement ici. Moi, je n'ai pas le cahier où il y a le niveau de tous les frères. Donc, lui, son niveau, je n'avais pas. Oui. Mais le cahier, c'est entre main de qui alors? Parce qu'il dit qu'il y a un cahier où il y a l'ennemi. C'est pas dans la main de qui. On a parlé de ça. Donc, il veut que tu lui donnes une explication de pourquoi tu ne l'as pas appelé. Bon, qu'il m'excuse, s'il n'a pas eu le temps de l'appeler, il n'a pas eu le temps de l'appeler à temps. Oui. J'ai compris. Quoi qu'il en soit. Donc, ça règle le problème. Moi, j'ai compris. Donc, ça règle le problème. Voilà. Problème. J'ai compris. C'est non, ce que mais est-ce qu'il y a un. Enfin, on se côtoie habituellement. Donc, se demande le frère là. Donc, le frère, je l'ai oui. Fourni, mais, est-ce que vous me permettez de poser cette question-ci? En dehors de ces problèmes d'appel-ci, y a-t-il un problème que vous reprochez à quelqu'un ici? Peut-être qui est sous-jacent à cela? Non, de toute façon, nous, on a nos problèmes ici. Mais c'est parce que nous avons étalé. Oui, ok. On a nos problèmes ici, c'est parce qu'on va étaler. Ok. Donc, c'est ce problème, c'est pas de façon. Parce que là, j'ai pris ça, cette façon de faire là, j'ai pris ça, la réunion qui n'était pas prévue et qui est prévue aujourd'hui là, j'ai pris ça comme un esprit de dominateur. Oui. Voilà. Okay. Donc, c'est pas nos problèmes. Oui. Que nous allons y aller ici. J'ai posé ma question. Oui. Toi, tu dis quoi même? Attends, toi-même là, tu es rebelle. Hein? Bon, ça va. Tu es trop têtu. Toi. Ça va. Mais alors, tu es têtu, toi. C'est ton église ici, toi. Regarde-moi ça. Voilà pourquoi je ne veux rien imposer. Arrête-moi ça. Mais alors, si vous entrez au ciel. Tu viens me voir, la Riviera. Tu as une fois venu me voir, toi. Voilà, vous entrez au ciel. Il n'y aura pas Riviera. qu'est-ce que ça a à voir dedans? Très bien, moi, ça. Donc, vous entrez au ciel, il n'y aura jamais de problème là-bas. Vous savez, c'est pour cela que devant Dieu, devant au ciel là-bas, lorsqu'on va louer, il n'y aura pas de groupe de catholiques. Il n'y aura pas de groupe de pentecôtistes ni quoi que ce soit. Toutes ces choses, toutes ces divisions que nous avons sur la terre, il y aura seulement les enfants du Seigneur le célébrant de tout leur cœur. Et il n'y aura pas de dispute là-bas que tu as pétillé mes orteils. Tu m'avais refusé ta nourriture l'autre jour. Je n'ai pas venu me saluer. Il n'y aura pas ces choses là-bas. Nous devons résoudre tous nos problèmes ici. Et souvenez-vous, à tout moment, nos souffles peuvent être enlevés. Et si le souffle est enlevé et que nous ne sommes pas pardonnés, les péchés seront retenus contre nous. D'accord? Donc faisons tout pour ne pas être un pied d'achoppement pour les autres. Faisons tout pour ne pas être un pied d'achoppement pour l'avancement de la chose du Seigneur. Donc mais ce que je retiens, c'est que le problème qui était là est arrangé et que vous avez votre problème sous-jacent que vous ne voudrez pas étaler, que vous allez résoudre par la grâce du Seigneur. Justement. Amen. Donc dans ce cas, on continue. Nous sommes d'accord? Baissons encore la tête, prions. Amen. D'accord? Père, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour tes enfants. Merci Dieu de gloire pour tout ce que tu fais. Merci pour les cœurs que tu amènes vers toi. Je prie Dieu de gloire que tu diriges ta voix dans les cœurs directs de chaque personne ici au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc Dieu bénisse mes papas qui sont venus de nouveau aussi le frère Junior. Je vais me soumettre à vous selon ce que vous allez vouloir qu'on fasse. Si vous voulez les questions, vous posez toutes les questions que vous avez. Mais je souhaite travailler avec les femmes. Peut-être demain, Dieu voulant, je ne sais pas à quelle heure vous avez convenu qu'on commence. Les femmes ont certainement des préoccupations et j'aimerais travailler avec les femmes et que les hommes soient de côté, mais qu'elles écoutent. C'est-à-dire que je ne veux pas seulement les femmes seulement. Je veux que les hommes soient de côté, vous écoutez. Et que les femmes s'expriment. Elles posent toutes les questions qu'elles auraient à poser. Et qu'on voit à la lumière de la parole du Seigneur. Parce qu'on a tellement embrouillé des choses que l'un dit une chose, l'autre dit une autre chose. Il faut que la voix de l'autorité du Seigneur puisse parler. Oui, mon frère. Bon, en fait, moi, vous voyez, on ne se connaît pas. Oui. On vient de se... C'est la comme ça. On ne sait pas quel est le message. Que... C'est vrai que nous tous, nous sommes... qu'on appelle partie du message de William Marion Branham. Oui. Voilà. Mais donc, il y a les Branhamis ici, alors? Non. Non, il n'y en a pas. Oh, ok. Branhamis au sens du terme, non. Non. Mais voilà, okay. Il y a des groupes. Ok, de voilà. Groupes. Ok, vous avez essayé de toucher par là-bas, quoi. Voilà. Mm-hmm. Et vous êtes sorti de là. Voilà. Mm-hmm. Donc, ça dit, vous nous exposez quand même quelque chose. Oui. Et c'est au vu de ça que vous allez dire, voilà. Vous allez vous savoir maintenant. Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Dans ces cas précis, si vous êtes d'accord, on va dans cette direction comme il a posé. Voilà. Oui, mon frère. Moi, je. Bon, ce que vous venez de dire, bon, c'est que si vous êtes un invité, on s'attend à vous. C'est arrivé. Quand vous dites je m'intéresse d'abord aux femmes et les hommes n'ont qu'à rester écouter après. Je ne parle pas du programme d'aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui. Demain. Doucement. Non, il y a des études. Doucement, tu ne sais pas. Non, c'est pas ce que je dis là. Faut écouter en bas de ce que je dis avant de parler. Parce qu'il a dit je voudrais que les femmes s'expriment d'abord. Elles disent tout ce qu'elles ont avant que les hommes n'ont qu'à rester tranquilles. Or moi, ce que je voulais dire, pourquoi il fait cette différence entre les femmes d'abord et puis après les hommes? Pourquoi? Bonne question. Ce que je dis, c'est... Avant que je ne parle. Oui, oui. Voici ce qu'on me dit. Dans tout le monde entier où je passe, ce qui dérange l'église vient des femmes. Elles ont des messages de façon spécifique de la part du Seigneur à recevoir. Et la Bible m'interdit de permettre que les femmes parlent en assemblée ou se mixent. La Bible m'interdit cela. Alors je vais faire une séance de travail avec elles de façon spécifique. Mais je dis donc que vous les hommes, vous serez là de côté pour observer la façon dont on travaille. Et comme ça, s'il y aura des objections à faire, vous pourrez faire les objections de correction à amener, vous pourrez amener. Ou bien des reproches à faire. Pourquoi? Parce que je peux dire quelque chose à une femme. Elle sort pour les rapporter. Elle rapporte d'une certaine façon et que c'est pas cette façon dont j'ai rapporté. Vous m'avez suivi, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'elle dit, je travaille avec elle d'abord. Ça, c'est pas aujourd'hui. Okay. Dans les programmes d'autres jours. Donc, c'est les problèmes qu'elles ont, là, on va traiter de façon spécifique. C'est ça dont j'ai des questions. Je me suis exprimé, mon frère. Ok, il n'y a pas de problème. Non, mais je croyais que peut-être après ma réponse, il devait avoir question par rapport. Bon, mais. Comme c'est votre méthode de travail. Non, c'est pas ma méthode de travail. C'est de façon spécifique ici. Non, je sais. De façon spécifique. Mais quand on est là, disons que il faudrait qu'on suive l'esprit qui est dans la Bible. L'esprit qui est dans la Bible ne fait pas la différence entre la femme et les hommes. La Bible nous dit que lorsque on est en Christ, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus de libres. Nous sommes un. Donc la femme, quand vous mettez la femme de côté pour mettre les hommes de côté, donc ça c'est un peu le judaïsme. Bon, bon frère, qui préside la réunion? Non, attendez, attendez, non, ne vous inquiétez pas. Non, non, c'est nous sommes déjà en chose. Souvenez-vous, il faut que c'est quelque chose. Restez tranquille, laissez-le s'exprimer. Il y a des versets qui peuvent l'attester. Oui. Il voilà pourquoi je le dis, je ne sors rien. Parce que quand tu dis quelque chose qui n'est pas appuyé par un verset biblique, ne, attendez, ne parlez pas. Mais lorsque tu dis quelque chose, c'est par rapport, parce que nous, c'est un invité qui est arrivé. Oui. On doit le recevoir. On est venu, moi j'ai été convié pour dire que si tu as des préoccupations, voilà, viens les poser. Voilà. Mais d'entrée de jeu même déjà, il y a quelque chose justement, qui me dit que ce n'est pas normal. Donc c'est une préoccupation. Quand on prend dans Galates, on dit que non, quand bon, on est en Christ, il n'y a bon, plus de femmes. C'est bon, c'est bon, voilà, c'est bon. Vous avez compris là? Oui, j'ai bien compris. Merci. Donc, frère, bon, frère, là j'ai fini. Frère, nous sommes en pleine réunion. Ce qu'il en a de faire est dans l'ordre de la réunion. Voilà. C'est le Seigneur qui l'a voulu ainsi. Ne vous soyez pas dérangés. Les réunions du Seigneur ne sont pas conventionnelles. D'accord? Les réunions du Seigneur ne sont pas conventionnelles. Quand le Saint-Esprit veut que quelque chose se dise d'une certaine façon, il sait pourquoi il le fait. Amen. Vous voyez? Voilà maintenant. Est-ce que vous êtes marié? Moi? Oui. Moi, ce qui est sûr, je suis un enfant de Dieu. Bon, ben, j'ai une femme, je suis marié. Vous pouvez l'appeler homme. Ma femme? Oui. Non, dans le Seigneur, elle est la même chose avec moi. Non, vous pouvez l'appeler homme. Doucement. Aujourd'hui, ici, vous êtes là pourquoi? On est là pourquoi? Vous êtes venu pourquoi? Pour partager. C'est le spirituel ou c'est quoi? C'est le physique. Oui, c'est les deux, les deux. Ah, si c'est le physique, oui. Là non, mais si c'est le spirituel, parce que vous êtes venu, c'est dans l'ordre spirituel que vous êtes venu. Oui. Et tout ce que vous allez nous dire, c'est dans l'ordre spirituel. Oui. Or, le Seigneur dit, si c'est dans l'ordre spirituel, il n'y a plus d'homme, il n'y a pas de femme. Oui. Mais lorsqu'il s'agit de l'ordre physique, il s'agit du message physique, du message d'un homme. Oui. Là, on peut mettre la différence entre un homme et une femme. Bon. Mais j'arrive. Voilà pourquoi le judaïsme, Christ a mis fin à ça. Parce que dans le judaïsme, on mettait les femmes à part et on mettait les hommes à part. Oui. Or, dans le christianisme, l'apôtre Paul a dit dans Galates 3, 27, non, 28, qu'il y a 28, plus... 28. Oui, 28, merci, c'est la même chose. Non, 28. Je suis d'accord. Il y a plus... Quand on est en Christ, il n'y a plus de femme, il n'y a plus d'homme. Voilà. Donc, on ne voit plus la femme selon la femme. Mais si la femme te parle, si elle parle, ça dit que c'est l'esprit qui en elle qu'on voit. Okay. On ne voit pas la femme en tant qu'une femme avec des mamelles, non. Mais c'est l'esprit plutôt qu'on regarde. Parce je que quand on dit esprit, tout est spirituel. Oui. Okay. Donc moi, je ne veux pas qu'on aborde le côté physique. Ok, bon. Parce que si c'est je veux dire, le côté physique, oui, je vais aller devant les docteurs là-bas, dehors, ils vont m'enseigner ça. Okay. Mais si on a envoyé quelqu'un de spirituel, oui, dans l'ordre de Christ, quand oui, on dit Christ, c'est oui, quelque chose qui est spirituel. C'est bon. Donc c'est le spirituel que vous voulez nous dire. C'est très bon. Merci. L'église que nous sommes est physique ou spirituelle? Vous me posez la question? Oui. Pour moi? Non, non, pour la parole. La parole. D'après la parole. Ne dis pas pour vous. Parce que si mais oui, vous, moi, c'est d'après la parole. Oui. C'est spirituel. Donc, l'église est spirituelle. Ce n'est pas physique. C'est pas physique? Non. Donc, le rassemblement, si, est spirituel. Bien sûr. Si on se rassemble pour le Christ, oui, c'est spirituel. Les anciens d'église sont spirituels. Ah, ben, je ne sais pas, je vous ai répondu. J'ai non, dit non, c'est je, non, je vais aller, il va avancer. Il va avancer quelque c'est part. Spirituel. Non, non, c'est spirituel. Il quand a pas quand on est, c'est ce que j'ai dit, j'arrive, je reprends maintenant. Oui. J'ai dit, quand on est à Christ, oui, tout est spirituel. Spirituel. Christ n'est pas venu traiter l'ordre physique. Oui. Il n'est pas venu voilà pourquoi il a tué la chair même. Il n'est pas venu traiter l'ordre physique, il est venu traiter l'ordre spirituel, rien que les, spirituel. Les offrandes sont d'ordre physique. Quand vous prenez la pièce d'argent, l'argent là est spirituel. Vous le mettez dans la caisse est spirituelle, n'est-ce pas? L'offrande? Oui. Mais demandez-moi, est-ce que quand vous parlez d'offrande, oui, on met une caisse, est-ce que moi je ne fais pas ça? Oui. Quand vous donnez, laissons l'offrande. Quand vous faites je ne fais même pas ça. Oui, non, laissons ça. Offrande au dîme, moi je ne fais même pas ça. Vous faites quand même du bien, la libéralité. Vous faites du bureau frère, non? Bon, oui, je vais répondre. Non, laisse, je vais répondre. C'est lui qui est venu. Vous ne nous connaissez pas. Non, non, non, vous écoutez, je vous connais mieux que vous. Là où je me tiens. Non, non, non, laissez-le. Non, je vais répondre. Ne précisez rien. Je vais répondre. Je vous ai dit dès le départ ici, le Seigneur sait pourquoi il dirige comme ça. Je recommence encore maintenant. Cette instance, je vous connais mieux maintenant que vous. Amen. Donc, restez tranquille. Je sais qui est devant moi. Je dis. D'accord. Ah oui, c'est ça. Moi aussi, je sais. Voilà. Je sais qui est devant moi. Je dis à l'heure là. Oui. Quand je dis que moi, je me dis enfant de Dieu, oui. Tout ce que je fais est spirituel. Oui. Quand vous dormez, c'est spirituel. J'ai dit que je fais tout spirituel. Okay. Je ne vois rien maintenant comme physique. Oui. Même le Christ là, oui. Il n'est plus physique devant oui. Moi. Il est esprit. Il est esprit. Oui. Okay. Et il y a les versets qui l'attestent. Non, il n'y a pas de problème. Je peux vous donner tous ces versets. Les témoins de Jéhovah en disant qu'ils sont témoins de Jéhovah, ils attestent avec les versets. Bon, mon frère, il y a pas de problème. Tu voulais parler. Même les catholiques, ils attestent avec les versets mais dans, dans la prophétie. Oui. Oui. Oui. Oui. Ce que vous voulez exposer, exposez. Oui. Voilà. C'était parenthèse. Ah, voilà que j'ai fait. Je souhaiterais que. Vous pouvez expliquer ce que vous pouvez expliquer. En oui. Parlant de ça, je vais poser des questions. Oui, mais d'abord, je veux corriger des choses. Ça il faut que ça soit corrigé. Amen. Amen. Amen. Ok. Mon grand frère, quand il écrivait cette Bible-là dans Galates, il traite justement de la judaïnisation du christianisme, ou mieux de la christianisation des judaïques. Amen. Dans Galates, chapitre 3. Amen. Au chapitre 3, il dit, « Ô Galates, dépourvu de sens, qui vous a ensorcelé ?» Après avoir commencé par l'esprit, voudrez-vous maintenant achever par la loi? Vous, aux yeux de qui Christ a-t-il été peint comme crucifié? Celui qui produit des miracles au milieu de vous, le fait-il à cause des œuvres de la loi ou bien à cause de la foi? C'est la question qu'il leur a posée. Puis il explique justement le pourquoi la loi avait été là. Pourquoi la loi avait été donnée comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Christ étant venu, nous ne sommes plus sur ce pédagogue. C'est ce que le chapitre 3 explique. J'arrive, d'accord? Maintenant, la Bible dont nous explique, à partir de ce verset 27 jusqu'au verset 28, que si vous êtes à Christ, vous êtes donc héritier selon la promesse, les possibilités d'Abraham dont la promesse parlait dans Genèse. C'est ce qu'il est question. Puis donc, il dit, si vous êtes donc en Christ donc, il n'y a plus ni juif, voilà. Ni grec. J'arrive, j'arrive. Parce que voilà que vous dites là, vous allez dire non tout à l'heure. Allons-y. Absolument. Allons-y. Il n'y a plus ni juif, oui. Ni grec, oui. ni esclave, oui. Ni libre, ni homme, ni femme. Vous êtes un en Christ. Lorsqu'on se trouve dans le Christ. D'accord? Maintenant, voici des femmes ici au milieu. Je vais travailler avec les femmes. Vous êtes d'accord avec moi que c'est avec des femmes. Il y a les hommes et vous êtes un homme. Si vous allez quelque part, vous signez que vous dites que vous, tout est spirituel. Si vous prenez un cahier dans l'état où on vous dit homme ou femme, vous n'allez pas faire ça spirituellement. Vous allez mettre homme. Vous ne pouvez pas mettre indépendamment homme-femme en disant que vous, pour vous c'est spirituel. Vous n'allez pas aller vous devant un agent de l'état. On dit que sexe féminin ou masculin, lorsqu'on couche, tu couches femme. Vous ne pouvez pas lui expliquer que c'est spirituel. Au mieux, vous allez dire, maintenant, il ne veut pas comprendre. Vous êtes homme, là où vous êtes. Christ ne t'a pas transformé ta chair, ta nature physique, il n'a pas transformé. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Quand le Saint-Esprit vient dans quelqu'un, il ne transforme pas la personne. Ton sexe reste, ta nature l'intéresse. C'est ça qui est le problème. Donc, la nature d'une femme est une femme. La nature d'un homme est un homme. Même si tu es en Christ. Dit la Bible. L'apôtre Paul dit donc que je veux que vous sachiez que l'homme est le chef de la femme. Il a dit ça, le même apôtre, que l'homme est le chef de la femme. Il dit qu'il veut que vous sachiez que l'homme est le chef de la femme, que Dieu est le chef de Christ. Ça, c'est spirituel, c'est l'ordre dans l'univers. Dieu a mis cela. Il dit que femme, soyez soumise à vos maris. Il dit ça à l'église. Il dit que toute femme soit soumise. Il dit, Marie, aimez vos femmes. C'est l'apôtre pour qui dit ça. C'est l'ordre du Saint-Esprit. Donc, en Galate, il ne s'agit pas de l'ordre dans l'église, il s'agit de l'ordre du salut. On parle du salut à l'intérieur. Que ce soit juif, on entre dans le salut de la même façon en Christ. Que ce soit l'esclave, que vous soyez président de la République, vous soyez ministre des Finances, quelqu'un est pousseur, l'autre lave seulement le sol, la façon qu'ils sont chrétiens, ils sont chrétiens de la même façon en Christ. C'est ça dont il est question dans Galates. Pour ce qui est de l'ordre de l'Église, les épîtres dites pastoraux traitent des problèmes de l'Église. Pour ce qui est du salut, la Galate parle du salut et non de l'ordre dans l'Église. Il dit donc, maintenant, voici le peuple juif qui se trouve là-bas. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 9, dans chapitre 11 particulièrement, il dit, Dieu a-t-il rejeté son peuple loin de là? Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Il dit, je vous dis un mystère, afin que vous nous regardez comme ça, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit sauvée. Et alors, tout Israël sera sauvé. Alors, l'apôtre Paul dit que Dieu n'a pas rejeté son peuple. Il dit, lui-même, il est de la tribu d'Israël. Parce que Dieu n'a pas rejeté. Il y a un reste selon l'élection. Donc, Israël est toujours Israël. Les juifs sont toujours là. Les Grecs, il y a la nation qu'on appelle grecque, c'est toujours là. Il y a toujours les hommes aujourd'hui, il y a toujours les femmes aujourd'hui. Mais que dans chacune des nations, c'est le même évangile qui est prêché, et les gens entrent de la même façon. Il n'y a pas de différence, c'est ce qu'il est en train de dire là-bas. Donc Galates n'a jamais rien à voir avec l'ordre de l'église. Il n'y a pas de femmes apôtres dans la Bible. Il n'y a pas de femmes évangélistes dans la Bible. Il n'y a pas de femmes dans l'église, la femme, une prophétesse dans l'église du Seigneur Jésus. À moins ce que vous m'avez montré, parce que vous avez dit tous c'était d'après la Bible. Il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que la conduite de l'église, qui est de l'autorité de Dieu, n'a pas été confiée aux femmes. Voilà ce que la Bible a dit. Oui. C'est pour vous dire que vous n'avez pas compris ce que Paul disait. Vous n'avez pas compris le comportement des apôtres. Oui. Dans un premier temps. Il faut un quelqu'un qui va. Dans un premier temps. Non, le seul parler. Je vais vous dire aujourd'hui. Oui. Dans un premier temps. Oui. Dieu a donné le judaïsme, il a donné la loi à Moïse. Oui. C'est Dieu lui-même qui a donné la loi à Moïse. Oui. Or, la loi là, c'est la mort que Dieu lui-même a donné à Moïse. Mm-hmm. Ça, c'est un. Oui. Il faut que Dieu lui-même qui a donné la loi à Moïse vienne reprendre pour montrer la vérité. Oui. Hmm? Oui. Laissez de s'exprimer. 1 Corinthiens 15. La loi, c'est la mort. Oui, Dieu lui-même qui a donné la. Mm-hmm. Et pourtant, dit la loi est bonne, elle est sainte et elle est. Ah, qui a dit ça? C'est qui s'est trouvé être bien a produit la mort. La loi a produit la merci. Mort. Merci. La loi a produit la mort. C'est ce qui est écrit. La loi, c'est la mort. Non, non, non, laissez le s'exprimer. C'est une façon de parler. Laissez le s'exprimer. Sinon, on ne va pas comprendre. D'accord? La loi, je le dis, je le répète avant de. Oui, il y a pas de balayer. Je dis que la loi. Pourquoi ils ne vous comprennent pas? La loi. Pourquoi ils ne vous comprennent pas? Hey, oui. Ah, mais il y a d'autres qui me comprennent. Ok, avancez. Ceux qui ont le même esprit que moi me comprennent. Oui. Voilà pourquoi Jésus dit, quand Jésus dit que je connais mes brebis, oui. Et mes brebis me connaissent. Hein. Quand elles entendent ma voix, elles viennent. Oui. Quand il dit ça là, oui. C'est parce qu'il y a deux groupes. Oh, ok, ok. Il y a okay. Deux groupes d'hommes sur la terre. Absolument. Avancez donc, avancez. Donc, j'ai dit que Dieu lui-même a donné la loi à Moïse. Donc, il a donné la mort à Moïse. Mm-hmm. Et encore. Lui-même qui est le Dieu, il revient pour envoyer la grâce. Oui. Maintenant, il y a des gens qui étaient dans le judaïsme. Il était dans le judaïsme. Même Jésus, il est né dans le judaïsme. Même Jésus même là, il est né dans le judaïsme. On l'a envoyé le circoncis. Or, quand on parle du christianisme, oui. Je veux être clair, hein, c'est sur ce qu'il a dit que je m'en vais. Oui. Quand on parle du christianisme, c'est tout ce qui est esprit. Esprit, esprit, esprit. Rien que esprit. Oui. Or, le judaïsme, c'est ce qui est physique. Oui. La loi, c'est ce qui est physique. Oui. Donc, Jésus n'est pas venu traiter, le Christ n'est pas venu traiter l'ordre physique. Oui. Il est venu traiter l'ordre spirituel. Oui. L'ordre esprit. Oui. Maintenant, si nous parlons aujourd'hui, les pierres, oui. Les pôles, ils se sont repris. Paul même, les pierres même, ils baptisaient les gens dans l'eau, mais ils se sont repris. D'autant plus que, quand ils ont compris que dans le christianisme, c'était pas ça, ils se sont repris. Voilà pourquoi Paul dit, ils sont repris. Mais c'est ça, j'arrive maintenant, je vais te dire, quand on parle, quand il dit qu'il n'y a plus de, maintenant, ceux qui sont en Christ là, oui. Il n'y a plus ni grec, oui. Il n'y a plus ni juif, oui. Il n'y a plus ni esclave, oui. Il n'y a pas homme, il n'y a pas garçon, c'est-à-dire, vas-y, vas-y, explique. Jean 16, verset 7, dit que, oui. Il dit que, Jésus dit que, il est mieux pour vous que je m'en aille. Oui. Car si moi je ne vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Mm. Je m'en vais et je vous l'enverrai à mon nom. Il sera avec vous et il sera en vous éternellement. Mm. Donc, au jour d'aujourd'hui, un chrétien, un enfant de Dieu, c'est un petit Christ parce que tu as l'Esprit Saint en toi. Et c'est le Saint-Esprit qui nous dirige. Il n'y a plus de tête. Voilà pourquoi nous avons blâmé cet Américain qui est venu du nom de William Marion Branham. J'arrive, c'est le détail. Donc les pôles là, les pôles et Pierre ont eu le comportement. Et c'est parce qu'ils sont juifs. Voilà pourquoi Pierre, à tout moment, parce qu'il est juif. C'est comme, je prends l'exemple, un guéré qui rentre dans le christianisme. Mais forcément, on dit guéré fait masse. Forcé, il va faire des pas. Parce que ça, c'est sa coutume. Donc, la coutume juive, là, les pierres, les pôles étaient dedans. Voilà pourquoi il disait que les femmes n'ont qu'à rester à part et les hommes n'ont qu'à rester à part. Mais dans le christianisme, Paul a compris. Voilà pourquoi Paul dit, ceux qui sont en Christ, il n'y a pas femme, il n'y a pas homme. Donc, une femme, lorsqu'elle est prophétesse, une femme, lorsqu'elle parle, elle me donne un cours spirituel. Si elle a compris le si elle a compris le message avant son mari, elle va enseigner son mari. Or, la Bible dit que la femme ne doit pas enseigner. Mais celle qui enseigne là, ce n'est pas la femme en tant que telle, mais c'est l'esprit qu'on voit. Quand tu regardes dans 2 Corinthiens, s'il vous plaît. J'arrive. Non, je vais seulement appuyer que vous continuez. Donc, dans la Bible, là, la femme dont la Bible a entendu l'enseigner, là, c'est celle qui n'a pas le Saint-Esprit. C'est parce que Paul, en tant que juif, au départ, qu'il a dit ça. Mais quand il a compris. J'arrive. Oui. J'arrive, il y a des passages qui le disent. Oui, oui. Quand Paul a compris. Donc, voilà pourquoi maintenant, il a dit que. Je pose la question. Il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'hommes. Oui, attends. D'après, suivez très attentivement. Mmh, après, je vais essayer de restituer la chose pour vous passer encore la parole. Mmh. Parce que ça nous édifie, nous tous ici. Moi, je ne suis pas venu écouter. Non. Ouais, on attend les. Non. Bon, d'accord, ok. Non. Voilà, mon ami, il faut donner ton message. Oui. Et après, on va donner. Hein? Lui il parle d'esprit. Qui dit quoi? Est-ce que lui il pouvait pas rester chez lui là-bas? Non. Et puis, ne faites pas comme ça. Ne faites pas comme ça. C'est les œuvres de l'esprit. Ne faites pas comme ça. J'ai été. Toi, tu viens ton corps. Regardez. Mais mon corps. Tu n'es pas venu. Suis mon frère. Mon cher frère. Mon cher frère. Ben je sais où. Et puis nous on a tout cité le. Non. On va dire. Mon cher. On est où? Et puis Jésus nous a dit. Et quand Jésus était là, on était là. Mon cher. Mais c'est les sept esprits qui nous enseignent. Mon cher. Allons-y. Permettez. Oui. Frère. Oui. Olivier. Oui. Frère. Oui, mon frère. Tu es venu nous convaincre. Je suis venu transmettre quelque chose. Ok. Oui. Cette chose. Oui. Je crois qu'il faut la transmettre. Oui. Tu cherches à convaincre. Non. Parce que tu as dit aussi, nous qui sommes ici. Quelque chose les dérange. Tu dis, nous qui sommes ici, oui. Tu nous connais tous plus que nous-mêmes. Oui. Tu es venu convaincre. Si tu n'es pas venu convaincre, si tu as quelque chose, tu es venu pour donner quelque chose, il faut donner ça. Voilà. Oui. C'est ce que j'ai à dire. Voilà, merci. Permettez-moi de me tourner vers lui. Il va dire que. Oui, papa, tu voulais dire quelque chose. Bon, je ne sais pas, parce que. C'est mon humble avis. Oui. C'est des frères. Oui. On les a plusieurs fois entendus. Oui. On les a plusieurs fois écoutés. Oui. On ne sait pas. Oui. Parce qu'ils ont une idée arrêtée de la chose. Oui. Bon, je ne sais pas comment. Non, peut-être eux peuvent dire que c'est vous qui avez une idée arrêtée. Ils ont raison aussi de la même façon. Peut-être c'est plutôt vous qui ne le comprenez pas. Aujourd'hui, ils nous ont invités. On a écouté. Je viens de Cagnoua. Oui. Je suis venu spécialement à ce que vous êtes arrivés. Oui. Oui. Ceux-là. Oui. S'ils ont quelque chose à nous dire, oui. Nous le dirons après. Non, pour l'instant, oui. D'accord. Moi, c'est vrai, c'est lui qui t'avons invité. Oui. Donc écoute ce que nous te disons. Oui. Permettez-moi de finir avec lui en lui posant des questions pour que ça garde dans son esprit comme ça quand lui et moi va s'asseoir. Non, il ne faut pas riposter. Donc j'étais sur le point de dire ici. Est-ce que vous pouvez dire devant l'Assemblée et devant le Saint-Esprit que l'apôtre Paul a enseigné le judaïsme aux chrétiens d'abord avant de rectifier hein? D'après ce que vous avez dit ici. Suivez bien ma question. Est-ce que vous pouvez dire devant le Saint-Esprit que vous dites avoir que l'apôtre Paul qui dit lui dans son témoignage que l'évangile que je vous ai enseigné n'est pas d'un homme. Je n'ai réuni le récit d'un homme ni appris d'un homme. Mais c'est par révélation. Et il a dit clairement en prenant sa plume, il dit Paul, serviteur de Dieu, appelé par, non par un nom, en écrivant. Vous, aujourd'hui, à Abidjan, vous dites que l'apôtre Paul a enseigné le judaïsme. À un moment donné, ils ont corrigé parce qu'ils ont vu que ils étaient en train de faire le faux dans le judaïsme. Ils ont compris le vrai christianisme. Ça, c'est la première question que je pose. La deuxième question que je pose, c'est est-ce que tu peux montrer dans le Nouveau Testament une prophétesse, une pastrice, une pasteuse, ou bien ceci, parce que ceux qui sont dans la Bible là-bas, dans le Nouveau Testament, sont des spirituels, parce qu'ils ont le Saint-Esprit. Actes des Apôtres nous montre clairement comment eux tous ont reçu le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux montrer parmi eux donc des femmes prophétesses, des femmes apôtres, des femmes pasteurs, pour montrer que c'est la même chose aujourd'hui? Ouais, un exemple. Ça, c'est la deuxième question. La troisième question. J'ai entendu, tu as dit tout à l'heure là, que c'est pour ça que l'Église n'a pas de tête. Mais la Bible déclare que Jésus-Christ est la tête du corps de l'Église. Ah, oui, autre chose. Donc, voilà seulement les petites questions que je pose. Merci beaucoup. Oui. Merci, je vais répondre rapidement. Hein. Oui. Quand j'ai dit que l'Église n'a pas de tête, mm-hmm. parce que les hommes ils ont le cou raide, ils se font des leaders. Oui. C'est de ça que je parle. Oui. Les hommes se sont fait des leaders à tout moment. Oui. C'est parti même, ça part de William Marion Branham. Mm. Branham, en Côte d'Ivoire, il y a des gens, les Kakou Philippe, les Kone Bakari. C'est-à-dire les gens se font toujours une tête. Oui. Une tête, c'est-à-dire la tête qui va donner des ordres. Et quand, quand vous parlez de tête, là, vous ne touchez pas, vous parlez de Christ. Christ n'est pas la tête de l'Église. C'est différent, mon ami. Ok. Non, non, si c'est Christ. Mon très cher frère, j'arrive. Non, non. Si tu Christ, comprends au moins ce que si je dis. Si Christ est la tête, ça va. C'est ce qu'il veut non, savoir. Non, mais j'arrive maintenant. Mm-hmm. Non, non, avancez à la deuxième question pour qu'on continue. C'est le seul qui est la tête. Amen. Il n'y a pas un homme qui est tête. Amen. Non, oh, les gens, ils font des hommes comme tête. Non, non, c'est un sexe. Là, tu es d'accord avec moi. Je suis très d'accord. C'est ce qu'il veut savoir. C'est ce qu'il veut savoir. Tu as compris. Christ est la tête. Tous les autres sont les membres. D'accord. Non. Oui, tu l'as mis un messager. Tu es le 8e messager? Je le suis? Ah, ah, pas, non. Ah, vous êtes 8e messager? Oh, écoutez. Vous déviez ce qu'on a dit. Non, je vais qu'il confirme. Écoutez maintenant. Non. Écoutez, je vais vous dire. Oui. J'ai dit. Oui. Je vais vous déclarer ce que vous voulez attendre là. Oui. Moi là. Oui. Moi qui suis là. Oui. Si vous voulez là. Oui. Si j'ai l'esprit en moi, c'est le Saint-Esprit qui est en moi. Oui. Donc tout ce que je dis là, c'est spirituel. Oui. Donc ceux qui ne sont pas spirituels comme moi, ils ne peuvent pas comprendre ce que j'ai dit. Vous comprenez, non? Oui. J'ai le Saint-Esprit. Et je l'ai avant ma fond... avant même que je sois né, même là. Dieu m'a donné ça. Oh, ok. Et donc maintenant. Oui, bon, non, il ne peut pas comprendre. Bon, d'accord. Voilà, j'ai quelqu'un devant moi. C'est très bien. Alors, donc, on peut avancer. Oui, maintenant, je vais répondre à votre question. Oui. Ce que j'ai dit, tout simplement, c'est pour vous dire. Oui. Depuis un certain temps, les hommes cherchent des têtes. Oui. Ils cherchent des têtes. Si vous connaissez que, à part Christ, il n'y a pas de tête, tout le monde est même chose. Ça, c'est clair. Ça, c'est un gain. Mm-hmm. Donc, c'est que c'est un gain pour moi. Mm. Deuxièmement, je vous dis. Les pôles. Non, mais c'est pas un gain pour vous, parce que la Bible dit que Christ est la tête et nous sommes les membres les uns les autres. Non, mais les autres, eux, ils n'ont pas compris ça comme ça. Si vous avez compris, je dis ok. Mmh. Ou bien vous ne voulez pas aussi comprendre. Si vous ne voulez pas comprendre, là, c'est un autre. Non, c'est bon. Non, deuxième question maintenant. Maintenant, j'arrive. Oui. J'en viens. Oui. Et vous êtes pressé. Mmh. Je vous dis que Pierre et Paul, en tant que juifs, ils ont mis le judaïsme là. Ils ont mis ça dans le christianisme. Montrez quel passage le dit. Quand Paul dit, quand Pierre dit, quand Pierre dit oui. de baptiser les gens, oui. il les baptise. Ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, il faut les plonger dans l'eau. Oui. Je ne sais pas, c'est en plongeant quelqu'un dans l'eau qu'il reçoit l'Esprit ou bien il reçoit il a l'Esprit. Attendez, vous interprétez, ou bien, je dis, montrez, dans le judaïsme, on baptisait les gens. Montre, attendez, je vous montre. Je dis, attendez, oui. Dans la loi, on baptisait les gens. Il y a un passage de la Bible qui dit dans l'Ancien Testament baptiser les gens. Oui. Où ça? Le baptême se faisait. Où ça? Dans quel verset? J'ai dit. Oui. Le baptême là. Oui. Quand on prend même le déluge de Noé. Oui. Ça c'est un. C'est pas Dieu. Attendez mon frère, attendez. Il faut qu'on se comprenne. Est-ce que ce sont les judaïques, ce sont les juifs qui ont baptisé? Attendez, suivez attentivement, suivez-le. Non, papa, on a dans 5 minutes, on va faire une autre étape pour rien. Oui, je viens avec lui. Suivez attentivement ici. C'est un baptême qui dit. Frère, est-ce que vous êtes venu pour dire que vous êtes la tête de quelque chose? Non, c'est pas ça. Vous allez comprendre, à la fin, je vous dirai ce qu'il a mené. On le connaît depuis. Non, à la fin. Non. Il a trois questions à répondre. Quelle va répondre, ça sera terminé. Il va répondre après deux questions ici. Non. Mon cher, est-ce que sous Noé. Les pierres, les portes se sont comportées comme des juifs. Donc, puisque... si tu prends le baptême, le déluge comme étant le baptême, est-ce que ce sont les juifs qui ont baptisé la terre avec l'eau de Noé? Il y avait les juifs autant de Noé. Des baptêmes jusqu'à, jusqu'à Jean-Baptiste. Non, il y a des. Jean-Baptiste a baptisé les gens. C'est que vous parlez. Même Jean-Baptiste a baptisé les Jean-Baptiste gens. Jean-Baptiste n'est pas un légaliste. Il n'est pas un légaliste. Donc c'est quelqu'un qui était entre les deux. Et toi, tu dois savoir ça. Ce que je suis en dire, c'est qu'il y a-t-il une prescription dans la loi qui donnait aux juifs sur le sacerdoce de baptiser? Y a-t-il ne me parle pas des types. Il y a les types qui montrent n'importe quoi dans la Bible. Soit c'est l'ombre. Je pose la question. Dans le judaïsme, est-ce que les sacrificateurs, les lévites, baptisaient quelqu'un? Non. Parce que tu sembles nous dire ici que l'apôtre Pierre chez Corneille, après qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, a fait le rang en disant qu'on les baptise. Oui. Est-ce que l'apôtre Pierre, avant que Jésus-Christ ne vienne, ou Jean-Baptiste ne vienne, on baptisait quelqu'un dans le judaïsme? Mais c'est ce que je dis. Je dis le baptême, c'est une action juive. Non, c'est non. un comportement des juifs. Non, il n'y a pas de problème. Quel qu'en soit ce que tu vas citer, oui. même le baptême Saint-Esprit, c'est un comportement juif. Non. Le Saint-Esprit, ça vient de là. La Bible, ta Bible dit que le salut vient des Juifs. Frère Junior. Oui, mon cher. Frère, pas même si c'est un peu ces Juifs. Doku. Attends, tout ce qui vient de Dieu spirituel vient de chez Juifs. Frère Junior. Oui, mon frère. Frère Junior. Doku. Attendez un peu là. J'ai dit. Le Saint-Esprit. Donc, Dieu est Juif. Tout ce que tu connais de Dieu, mon cher. Donc, Dieu est Juif. Mon cher, j'arrive. Adorez votre Dieu qui est Juif. Mon cher, mon cher. Je ne peux pas adorer Dieu. Mon cher. Tout ce que tu peux citer, vient des Juifs. Tout. Tout ce que tu vas citer, ça sortit de la bouche là maintenant, vient des Juifs. Tu ne peux pas régner ça. Amen. Frère Junior, oui. Je dis, comment on appelle Olivier. Je dis, tout ce que tu vas ouvrir là pour parler de Dieu, ça sort des Juifs. Je dis, vous n'êtes pas au programme. Oui, absolument. Moi, quand quelqu'un parle, j'écoute. Et puis, je n'écoute pas seulement, mais je cherche à savoir écouter. Amen. Parce qu'il y a écouter, il y a savoir écouter. Toi, tu as dit, tu nous connais plus que nous-mêmes. Oui. J'ai salué tout à l'heure ton introduction au passage. Tu as réglé un problème. Je t'ai posé une question. Est-ce que tu as quelque chose à nous donner? Tu dis que tu es venu nous donner quelque chose. Oui. Donne la chose. Oui. Tu veux à tout prix le convaincre. Non. Non, non, écoute. Vous ne m'avez pas compris. Mais par ce qui dure là, oui. Ça fait une heure de temps, on est dedans. Hein. Oui. Ça fait une heure de temps. Ça fait une heure de temps, on est dedans. Oui. Et on est dedans, on va aller à la deuxième heure. Hein. Oui. Mais moi, je suis en train personnellement de te découvrir. Oui. Donc, si tu as quelque chose à nous donner, ça arrive. Il faut donner la chose. Ne vous inquiétez pas, vous allez manger. Ce que je voulais te dire. Oui. Amen. Mon cher. Oui, ouais, non, il n'y a pas de problème. Vous avez fait un naufrage. Hein? Vous avez fait un naufrage. Ah bon? Oui. Parce que tout ce que vous allez connaître de Dieu vient des Juifs. Ça, c'est un. Donc, tu ne peux pas aller prendre le baptême. Tu dis que ça, c'est le comportement des Juifs. Les maisons à maison, la façon dont tu fais, lavage des pieds, tout ce que tu vas dire vient des Juifs parce que la Bible enseigne que le salut vient des Juifs. Dieu a choisi. Si tu ne fais pas, mais tu sais quand même que ça vient de là. Tous les renseignements que tu vas avoir de Dieu viennent d'abord des Juifs. Dieu a choisi le peuple juif sur la terre d'abord comme oracle au travers duquel il va monter ce soir. D'accord? Ça, c'est un. Maintenant, je veux. Il y a une troisième question qu'on n'a pas encore répondu. Allez-y. Les femmes des prédicateurs, femmes prédicateurs, allons-y. Hein? Les femmes prédicateurs, j'ai posé la question. Mais une femme peut évangéliser. Non, je ne demande pas votre avis. J'ai demandé que vous montrez qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Une femme peut. Suivez bien la question. Une femme peut donner un enseignement. Non, suivez. Ce que tu appelles là, une femme peut faire ça. Non, suivez très attentivement. Le Saint-Esprit. Non, suivez bien le problème. Oui, allons-y. Ils ont reçu le Saint-Esprit dans chapitre 2. Oui. C'est le modèle là-bas. Je veux que tu me donnes le nom d'une prédicatrice là-dedans. Le nom d'une apôtresse là-dedans. Le nom d'un pasteur là-dedans. Un exemple, un seulement. Et puis, allons-y. Il y a chose, où on dit Agabus ou quoi là, il y a une prophétesse. Il y a une prophétesse. Allons-y. Ça est dans quoi là? Ça est dans Galate, non? Je ne me retiens pas du... Hein? Consultez-vous. Non, j'arrive. Oui. Je vais te lire des versets. Oui. Je voudrais même que... Il faut prendre tout Romain. Oui. Romain 16. Oui. Je te demande pardon. Hein. Oui. Prends tout Romain 16. Il faut lire ça correctement à la maison. Oui. Tu vas voir. Vois quoi? Les femmes, elles ont joué le même rôle que les hommes. Il recommence. Tu vas lire ça. Oui. Tu veux lire ça. Je vais lire le prophétesse. Mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, lisez Romain 16. Verset 7. Ouvre le verset 7. C'est verset 7. Doucement, j'arrive. Mmh. Romain 16. Là. Oui. Ça est dedans. Tout est dedans. Oui. En tant que compagnon de Paul, même. Oui, il n'y a pas de problème, lisez. Verset 7. Et plein de femmes qui ont travaillé. Oui. Plus que même des hommes. Oui. Hein? Jésus qui est venu résoudre le problème spirituel n'a pas choisi une femme apôtresse. Jésus qui est venu résoudre le problème spirituel. Il n'a pas choisi. Mais Jésus qui est-il? Jésus de Nazareth, c'est un juif. C'est un juif. Et les apôtres, tous sont les juifs. Oui. Oui. Mais Christ est venu. Le Christ est venu travailler. Il est... Voilà pourquoi, tu vois. C'est là qu'il y a le problème. Oui. C'est là qu'il y a le problème. Mmh. Je vais doucement. Donc Jésus lui-même a fait l'erreur. Jésus n'est pas la vérité absolue. Jésus. Vous pouvez venir me donner la Bible. J'ai comme je vais te donner ça. Non. Il dit, il y a le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Non, j'ai compris. Vous voyez effectivement là où on devait arriver. Jésus n'est pas la vérité absolue. C'est bon, mon cher. Non, c'est bon. Non, s'il vous plaît. Mais si Jésus n'est pas. C'est bon. Non, ça va. Il n'y a plus de commentaires. Jésus n'est pas mort. Non. Jésus n'est pas mort. Donc, si Si l'auteur de la vie qui dit je suis le chemin, la vérité et la vie n'est pas la vérité absolue, hein? Et qui est notre vérité absolue, c'est un problème. Cet esprit. Voilà. Essayez de bien comprendre. Celui qui dit je suis la vérité, je suis la vie éternelle, voilà. C'est le Saint-Esprit. Oui, c'est bon. C'est ce que j'ai dit clairement. Donc on est allé jusqu'au bout maintenant. On est allé jusqu'au bout. Voilà. Bon, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Je pense que il y a où on est, il y a deux esprits. Oui. Comme vous êtes venus, oui. Donnez le message. Oui. Donnez le message que vous êtes venus donner. Oui. Sinon, nous, on a été conviés. C'est parce que on était ensemble avant. Oui. Et on s'est séparés. Mm-hmm. Comme l'a dit Bossombro. Oui. On était ensemble avant. Oui. On avait reçu le message de choses. De Branham. Branham, nous tous. Oui. Et après. Quand on a reçu le Saint-Esprit, le véritable Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, qui est la vie éternelle, qui dit je suis le chemin, il n'y a pas de chemin. Donc avant de suivre Branham, là, on n'avait pas encore le Saint-Esprit. On l'a, j'arrive doucement, on l'avait, mais ce n'est pas encore manifesté. On n'a pas, c'est la parole. C'est par la parole qu'on. J'ai dit, c'est par la parole que ça te manifeste. C'est par la parole. Dans Actes chapitre 2, là, quand il a reçu le Saint-Esprit, c'est la parole qu'il avait reçue. Dans Actes chapitre 2 de la Bible, là. Mais quand, on prêche là. Non. Il dit ceci. C'est la parole. Il y a la parole, c'est l'esprit, c'est l'apôtre Paul Pierre prêchait. Le Saint-Esprit est descendu. C'est ça. Donc, c'est en prêchant que l'esprit descend. Donc avant, quand vous étiez chez les. Vous suivez Branham, vous aviez le Saint-Esprit ou vous n'aviez pas. C'est ce que je te dis. Ou que quoi? Moi, quand je suivais Branham là, oui, à ce temps-là, oui. J'avais l'esprit. Mais je n'avais pas. Oui, non, attendez. Oui. Et maintenant, tu dis maintenant tu as reçu le véritable Saint-Esprit. Doucement. Non, j'essaie de comprendre. Je ne le contredis pas, j'essaie de comprendre. Je reprends ce que je dis. Oui. Dit. Oui. J'ai le Saint-Esprit avant ma fondation, avant que je sois né. Oui. Ça, c'est ça. Oui. Tu vois, non? Oui. Par exemple, Dieu sait ce qu'il fait. Oui. J'ai le Saint-Esprit avant ma naissance. Oui. Maintenant, l'Esprit qui est à moi là. Hein? Oui. C'est pas. Je suis Branham. Oui. Avec le Saint-Esprit de la naissance là. Il est à moi. Oui. Il est à moi. Oui. Il ne peut pas quitter. Oui. Et toi, tu vois. Oui. Maintenant, lorsque j'ai reçu le vrai message par l'évangélisation de quelqu'un, ça s'est manifesté. Oui. Et Dieu, l'Esprit qui est à moi, Dieu a commencé à me montrer des choses. Donc c'est comprendre très bien, n'est-ce pas? L'Esprit qui est à moi là. L'Esprit qui est à moi là. Hein? Oui. Le Saint-Esprit qui est à moi là, oui. Ça a commencé à se manifester. Bon, attendez, regardez. Donc, d'après ce que vous expliquez, écoutez, non, j'ai compris, les conclus. C'est l'esprit de dispute. Non, je comprends très bien. Je vais seulement voir. Écoutez, assemblée, vous êtes d'accord avec moi? Écoutez très attentivement. Ça part du Saint-Esprit. Il avait dedans. La parole, une véritable évangélisation est venue allumer ça à l'intérieur. C'est sorti de l'intérieur. Les apôtres marchaient avec Jésus, ils n'en avaient pas. Jésus dit, si je m'en vais, je vous enverrai. Eux, ils attendent dans la chambre, ça vient pour entrer. Chez lui, c'était dedans pour sortir. Voilà. On appelle ça la Kundalini. C'est ce que je vous ai dit. C'est ce qu'il a vient de dire là maintenant. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Oui. Donc il a dit qu'il est né avec elle, a écouté le vrai, c'est sorti de l'intérieur, c'est manifesté. Bon, d'accord, okay. C'est ce que vous avez dit. Non, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Bon. Quand quelqu'un dit que j'ai l'esprit de Dieu à ma naissance là, quand tu lis le livre de Éphésiens, on dit, il a mis ça en nous avant notre naissance. Nous sommes enfants de Dieu avant que le monde même. C'est nous qui avons fondé la terre et le monde avec Dieu. Mmh. Ça, je te dis ça. Oui. J'ai ça. Oui. Maintenant, il y a la manifestation. Dieu lui-même, j'arrive. Donc dans la chambre haute, le Saint-Esprit est sorti de l'extérieur pour entrer au ministère à l'intérieur. Dans la chambre haute. Les disciples qui étaient avec Jésus là. Ils avaient le Saint-Esprit, oui, demeurant en eux. Ils ont le Saint-Esprit avant la naissance. Réponds pas oui ou pas non. La Bible dit oui. Ils ont ça avant que dans les Jean, soient nés même là, ils ont ça. Quand Jésus a dit recevez le Saint-Esprit, attendez jusqu'à ce que la puissance du Saint-Esprit vous soyez revêtu. Quand il disait ça, ils avaient d'ailleurs ce revêtement. Ah, donc la Bible ment dans Éphésiens. Répondez. Non, je ne sais pas à quoi ça. Donc la Bible ment dans Éphésiens en disant que car vous êtes enfant de Dieu avant la fondation du monde. Mais c'est pas une question d'esprit. Non, j'ai dit ça. L'esprit de Dieu. Moi, j'étais enfant de Dieu. Vous avez l'esprit là. Il sera en vous et il est en vous éternellement. C'est pas Paul qui a écrit ça. Non, c'est le même problème. Donc Dieu. Donc vous voyez qu'il y a un problème, n'est-ce pas? C'est pas Paul qui a écrit. Parce que la Bible enseigne que chez Cornel, le Saint-Esprit est sorti de l'extérieur pour entrer dans tous les endroits où il y avait le Saint-Esprit. Et Jésus lui-même, le Saint-Esprit dit dans Jean chapitre 7 que il dit cela de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, parce que l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et vous vous dites que pour vous était dedans, c'est sorti plutôt de l'extérieur, de l'intérieur. Vous avez dit que vous avez ça à l'intérieur, c'est sorti. Qu'on a éveillé par la prédication. Ah, voilà ce que vous dites. Non, tu as dit que le Saint-Esprit est venu avant ma naissance. Oui, mais tu as dit que c'est la prédication qui l'a révélé. Maintenant, tu as dit que la prédication a réveillé cela. A réveillé, c'est ce que tu as dit. Oui, c'est ça. Donc, tu n'es pas venu. Ça, oui, c'est ce. Donc, en fait, c'est vous qui avez donné la bonne conclusion. Il y a deux esprits ici. Votre esprit, le Saint-Esprit, que vous appelez le Saint-Esprit. Et pour nous. Absolument, ça c'est clair. Oui. Voilà. Donc, par l'esprit que je vais dire là maintenant, je comprends les choses par cet esprit-là. Vous comprenez les choses par cet autre esprit-là. Clair. Et il y a deux esprits sur la terre. Il n'y en a que deux. Non, non, c'est deux. Il n'y a pas plus. Oui. Le musulman, oh, oui. Avec le milieu qui va à l'Akbar, oh, celui qui va à National, oh, celui qui sont même les évangéliques, tout cela. Oui. C'est le même esprit qui les anime. Oui. C'est une sorte d'une grande maison, oui. Mais il y a beaucoup de chambres. Absolument, absolument. Voilà. Or, oh, pour le Saint-Esprit-là, l'évangéliste, il est unique. L'évangéliste. Il est la vérité. J'aimerais voir le Saint-Esprit. Bon, voilà. Bon, frère Olivier. Bon, je maintenant, pense que, je vais prochainement, comme vous avez donné votre message, moi je vais partir. Je vais revenir. Le message est long, c'est jusqu'à 18h. C'est ça, il dit je vais revenir mardi. Oui. Vous voulez, on prend rendez-vous. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà, comme vous êtes là, oui. On va prendre rendez-vous. Il n'y a pas de problème. Et on va parce chose. Que. Hein? Comme ça, en aparté, on pourra bien parler. Moi. Voilà. Voilà. Tu as tout dit. Ouais, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Parce que tu comprends ce que j'ai dit aussi. Mmh. C'est déjà bon. Oui. Oui, on va se voir. Et puis tu vas rester. Moi, je vois. Ils ont le numéro. Ils ont quelqu'un à vous demander. Ah, il n'y a pas quelqu'un qui ne me connaît pas ici. Lui me connaît. Le 8e. Quand il est venu, oui. Je lui ai dit que. Je lui ai dit que Bram, c'est un menteur. Oui. Quand il est venu chez moi là, oui. Je lui ai dit que William Madame Bram, c'est un menteur. Oui. C'est après ça, il a fui. Oui. Donc, parce que tu as cité Branham. J'ai dit que Branham, c'est un menteur, c'est pas un 8, c'est pas un 7e messager. Oui. Quelqu'un dit messager Paul, Éphèse, tout ça, c'est du mensonge. Quand il a dit ça, c'est là qu'il a fui les plus vieux. Oh, écoutez, j'ai le Saint-Esprit, moi je vais vous enseigner tout ce que vous voulez, mais vous n'allez pas comprendre. Oui. Je suis un messager. Bon, la prochaine fois alors. Je suis un messager. C'est tellement élémentaire. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit là, il va vous enseigner. L'Esprit produit des œuvres de l'Esprit. Si tu veux, le corps produit les œuvres du corps. Oui, toi tu as le corps. Normalement, tu devais rester là-bas et puis savoir tout ce que. Non. Même le génie là, c'est comme non. Ça, il est là-bas. Non, mais c'est pas comme ça, regarde. La foi, tu dis que tu as le meilleur esprit de Dieu. Non. Et tu es obligé de prendre ton corps pour venir t'asseoir ici pour pouvoir parler et tu dis que non. Tu as fini? Non. Tu as fini? Shalom, shalom, shalom. Moi, je ne suis pas venu pour dire shalom. Jamais. Beaucoup de païens. Oui, je suis un païen, c'est vrai. Je dis même un vérité, on dit que les gens achètent. Regarde ce qu'il dit, Jésus. Il dit Jésus est bon. Il est 100% pour Dieu. Il a dit ça devant tout le monde. Mais on consiste à produire en longtemps. C'est ça le vrai problème. C'est ça, on dit que vous avez dit à vous. Là, je vous pose une question. Vous l'aimez? Lui, on l'aime. Depuis que vous le connaissez, vous avez prié pour lui? Si, on prie pour lui. Vous êtes non, pas on. Est-ce que vous avez prié? Vous avez prié pour lui? Pour lui. Qu'est-ce que Dieu vous a dit à son sujet? Qu'est-ce que Dieu vous a dit comme étant son problème? Mais il est endurci. Non, il n'est pas endurci. Il a un esprit. Voilà, c'est clair. Mais donc, vous avez posé des questions. Je vous ai dit, Je ne sais pas si la sorcellerie ici chez vous c'est comme le pain. La sorcellerie c'est comme le pain chez vous ici. C'est-à-dire que beaucoup, vous qui me voyez là maintenant, vous me regardez là maintenant, vous savez quand vous voulez sortir dans une maison, on fait comme ça là. On vous tire. Vous avez le background de sorcellerie, c'est fort. Vous allez avancer avec le Seigneur, vous tournez en rond comme ça, vous ne savez pas où le problème se trouve. Lui, il a hérité d'un esprit qui sort d'un arbre. Mais il n'est même pas au courant. C'est l'arbre, c'est l'esprit, c'est une divinité de l'arbre. Mais il faut l'aider. Maintenant, ouvrez la Bible. Amen. Ouvrez la Bible, je vous montre quelque chose. Gueule Timothée. Gueule Timothée. Prends ta Bible désormais, d'accord? Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. Mais pour quelqu'un de vous, la bouche pour dire que Jésus n'est pas l'absolue vérité, c'est faux. Vous êtes dans 2 Timothée. Second épître au Timothée. Quand vous allez ouvrir, je vous donne les passages. Nous allons lire les versets 23 à 26. 2 Timothée, chapitre 3, chapitre 2. Oui, versets 23 à 26. Suivez attentivement dans votre Bible, d'accord? Ce qui va être écrit. Allons-y, allons-y. Il est écrit, repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Oui. Il doit, au contraire, avoir de la condescendance envers tous, être propre à enseigner, doué de patience. Oui. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Oui. Et que, revenus à leur bon sens, oui, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Amen. Donc, quand il me tient devant vous, il vous dit, laissez le Saint-Esprit faire. Vous pouvez avoir votre manière, parce que vous le connaissez, comment il fait comme ça. Mais je dois faire ce que Dieu lui demande de faire. Vous voyez? Vous avez peut-être des choses de dispute, vous dites, non. Si le Saint-Esprit n'est pas à l'œuvre, vous allez bavarder de midi à 14h sans avoir quelque chose. Alors, en poussant, le Saint-Esprit parle à son esprit. Le Saint-Esprit parle à son cœur pour qu'il dise les mensonges. Il dit des mensonges. Les vérités qui sont données maintenant dans son esprit, ça demeure là-bas. Et un de ces jours, il sera affranchi à cause de cela. Vous voyez? On dit qu'il ne faut pas qu'un serviteur de Dieu. J'ai dit 2 Timothée chapitre 2, verset 23 à 26. Il dit qu'il ne faut pas qu'un serviteur de Dieu ait des querelles. Il dit repousse des discussions folles. Quand c'est une discussion folle, vous devez repousser. Vous voyez cela, n'est-ce pas? On ne peut pas rester ici comme ça, discuter de la politique. Alassane Ouattara est bon, c'est Gbagbo qui est bon, il faut qu'il rentre des Pays-Bas et autres. Parlons même de cela même. Priez, donc c'est pas le je suis encore là pour longtemps. Mais je dis ça vers la fin quand il est parti, quoi. Amen, amen. C'est ça, non? Amen. Voilà. Alors, il dit il faut qu'on aura des contradicteurs. Il faut redresser avec condescendance. Vous voyez, car il faut qu'un serviteur de Dieu n'ait pas de querelle. Vous ne devez pas avoir de querelle, des éclats de voix, vous ne devez pas avoir cela en tant que serviteur du Seigneur. Mais on doit redresser avec condescendance les adversaires. Puis on explique là-bas que dans l'optique que Dieu leur accorde la repentance. Ce sont les adversaires, mais on leur parle en priant. La bouche, s'y parle, l'autre bouche en train de prier. Que Dieu leur accorde la repentance et que revenu à leur bon sens. Là où il est là, il sera sûr qu'il sera dans la vérité. Quand les juifs venaient confronter Jésus, quand les pharisiens venaient confronter Jésus, ils étaient sûrs qu'ils étaient dans la vérité. Parce qu'ils pouvaient citer certains passages de l'Ancien Testament. Mais chaque fois qu'ils étaient à la vérité, Jésus leur dit que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la parole. Vous voyez là, n'est-ce pas? Ni la puissance de Dieu. Alors lorsque vous confrontez ces personnes, c'est la vérité que vous prêchez. Jésus ne les insultait pas. Il leur disait la vérité. Et la Bible dit que quand ça les réduisait en silence, ils partaient d'abord, l'autre groupe venait. Donc ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mais ce qu'il faut faire, c'est que il faut qu'on dise la vérité, pas dans l'irritation. Il faut dire la vérité étant dans l'esprit. Et quand la vérité est dit dans l'esprit, ça pousse l'autre à la repentance. Parce que là, il est qualifié. Vous ne pouvez pas le dire le contraire. Parce que tout ce qu'il va dire, quelles qu'en soient les sectes, quelles qu'en soient les hérésies qu'on puisse enseigner sur la terre, ça doit tirer le souffle de la Bible. Il a les passages bibliques pour soutenir cela. Mais le problème, c'est qu'il ne comprend même pas ce qu'il dit. Il dit qu'il était à la création avec Dieu. Il a dit qu'il était à la création avec Dieu, il a créé la terre avec Dieu. Vous voyez cela? Mais si vous avez... Oui, tu dis, hey, non. Tu n'as pas écouté. Non, mais il a dit. Tu étais sorti dans la réunion là. Alors, vous allez lire certains passages bibliques, ça va sembler dire cela. Mais c'est parce que la Bible en train de dire. Donc en réalité, il n'a jamais écouté la voix de Dieu, il n'a jamais entendu la voix du Seigneur. Vous voyez? Alors, la Bible déclare donc maintenant que ces adversaires là, quand Dieu va leur raconter la repentance, ils vont se dégager du piège de Satan qui les a soumis. Donc toute personne qui contredit la Bible est sous le joug de Satan. Toute personne. si vous dites, si on dit la Bible dit telle chose, vous contredisez un peu. Parce que normalement, votre esprit est construit pour recevoir la parole de Dieu. Si vous rejetez la parole de Dieu en voulant sortir d'autres raisonnements contre la parole du Seigneur, ça montre clairement que vous allez lutter contre le Seigneur Jésus et vous êtes son adversaire. Par conséquent, vous vous êtes soumis à Satan. Donc Satan vous a captivé. C'est ce qu'il en est pour lui. Et vous ne pouvez pas dire le contraire. Il a un esprit. Et cet esprit-là même lui parle. Il peut s'appeler maintenant Saint-Esprit. Vous allez sur Internet, il y en a plein qui ont des visions de l'enfer et du paradis. D'autres vont dire même qu'ils ont vu Judas Iscariote au paradis. Que Judas Iscariote qui a vendu Jésus se trouve au paradis. Mais il a vu un esprit lui a parlé. Comment un esprit lui parle? C'est pour ça que cette personne peut le dire cela, bec et on en défendant ça, parce qu'il l'a vu. Quand la personne a vu, on ne peut pas dire le contraire. Vous voyez? Quand vous allez chez le marabout dit la vérité, il vous dit les choses de votre famille qui soient vraies. Malgré que c'est le marabout, il vous dit les choses qui soient vraies. Là, ce qu'il dit, c'est la vérité. Mais la source n'est pas la source divine. Vous suivez, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'avec eux, il faut avoir pitié. Parce que quand quelqu'un est sous le joug de l'esprit, c'est pas facile. La chair ne peut pas le dire. Même si vous le tapez, il ne dira rien. Il dira que c'est vous qui êtes dans le fond. Vous ne le comprenez pas. C'est pour ça qu'il faut que je joue souvent le jeu comme si je suis avec lui pour qu'il comprenne. Pour le mettre en confiance. C'est comme ça que Dieu m'a enseigné. Souvent, je parle avec même les musulmans. Ils croient que je suis d'accord avec lui. D'accord avec lui. C'est à la fin qu'il comprend qu'il s'est dirigé sur une voie. Je me dirige sur une autre voie. Vous voyez? Il faut le pousser à bouche parce qu'il dit ces choses, si vous comprenez. Sinon, vous allez continuer à discuter sur les versets par-ci, les versets par-là. Donc, souvenez-vous, lorsque vous avez quelqu'un devant vous, si vous n'êtes pas armé de la parole, dans le livre de Tite au chapitre 2, prenez ici ça. Vous êtes dans 2 Timothée, ouvrez directement Tite. Tite chapitre 1. De verset 1, de verset 5 au verset 11. Le livre de Tite. Vous voyez, vous allez rencontrer, si vous voulez suivre le Seigneur, vous allez rencontrer comme ça plusieurs groupes. Vous avez vu, je lui ai dit shalom exprès. Il a dit qu'il n'est pas juste pour dire shalom. Parce que shalom veut dire la paix. Vous voyez, ça veut dire la paix. Pendant qu'il se rend délivré comme ça, il y a un autre groupe qui dit que si vous ne dites pas Yeshua, si vous avez tort. Donc pendant qu'il lui a défié le judaïsme, d'autres l'ont amené dans le judaïsme. Ouais. Et ce sont ces groupes que vous allez rencontrer. Il y a des gens qui vont dire que si vous dites Jésus-Christ, vous avez tort. Il faut qu'ils vous disent Yeshua HaMashiach. Que tant que tu ne dis pas Yeshua, c'est que ce n'est pas le même Jésus. Pas vrai? C'est vrai. Mais en tout temps, si tu lui dis ça, il dit que non, il n'est pas juif. Ils sont même en Côte d'Ivoire ici. Ah, ils sont en Côte d'Ivoire. Donc, bienvenue à l'homme. Bonjour Abidjan. Tite chapitre 1. Je vais rapidement avant que j'entre dans le message. Tite chapitre 1, verset 11, verset 5 à 11. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes de l'ordre ce qui reste à régler. Oui. Et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Et si tu trouves quelques hommes irréprochables, maris d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qui ne soit ni arrogant, ni colère, ni abonné au vin, oui. Ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, sain, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. Vous écoutez ce bout de phrase. Afin d'être... Attendez. Il doit être attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. Et il dit, voici la condition. Quand cette condition est respectée, il dit, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Donc quand la vraie parole est en vous, vous avez deux volets. Vous allez pouvoir travailler comme Dieu le veut. Et puis, quand il y a le contradicteur, vous pourrez lui dire exactement là où il y a la faute. Amen. Vous voyez cela? Mais au préalable, il faut que les conditions initiales soient respectées. Oui. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, oui, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs, oui, et de séducteurs, oui, auxquels il faut fermer la bouche. C'est bon. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc, il faut d'abord que la parole habite en vous. Si la parole n'habite pas en vous, on ne peut pas tenir compte de ces personnes-ci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Fermez la Bible, on parle maintenant des vraies choses. Vous avez convenu que ça va se. Quand je vous regarde, je ne sais pas si vous pouvez tenir 18 heures de temps ou 26 heures de temps avec moi pendant l'enseignement. Oui, je suis là. On peut vraiment enseigner, il peut avancer. Moi, je suis là. Vous êtes là? Ça, ça dépend de vous. Si j'avance, et vous voyez que vous êtes fatigué, on fait une pause. Vous tirez un peu, tirez le pied et puis on avance. Il est quelle heure maintenant? Vous avez prévu une pause, hein? À quelle heure? Dans combien de minutes? Il est quelle heure maintenant? Il est midi. Il est midi. La pause, c'est quel moment? Vous avez prévu pause quel moment? 14, c'est bon? 14, la pause que tu as programmé, c'est à quelle heure? Tu avais prévu qu'on ferait une pause à quelle heure? 14h. Donc, je peux avancer jusqu'à 14h, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Donc, on prend à 14h, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes assis là? Est-ce que quelqu'un aurait-il des questions? Souvenez-vous, s'il y a des gens ici qui ne sont pas baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, demain il faut que. Il y a le Yupougon ici, il y a le coup d'eau. Il y a le coup d'eau, n'est-ce pas? Oui. Si les gens voudraient se baptiser demain, je crois qu'on va baptiser aussi demain. D'accord? Mais je prie que le Seigneur nous donne la grâce de prier. D'accord? On prie vraiment. Comme ça, s'il y a des cordes qui vous tiennent, que ça soit détaché. Vous êtes d'accord? Amen. Je vous regarde encore une fois de plus. Je regarde au-delà, je vois que chaque... C'est comme ça. Mais c'est terrible. Vous pouvez avancer avec le Seigneur comme ça. Vous allez tourner en rond. Tourner en rond. À un moment donné, vous allez vous lasser. Vous allez voir comme si les choses de Dieu, ça devient des tournures. Non. Vous devez être délivré pour servir bien le Seigneur. D'accord? Vous devez faire les choses du Seigneur avec la joie. Vous devez faire les choses du Seigneur avec l'argent. Vous n'allez pas forcer que les choses y arrivent. Les choses du Seigneur, c'est pour ça qu'on appelle ça grâce. Les choses viennent par elles-mêmes. Vous devez servir le Seigneur de cette façon-là. Ce n'est pas un fardeau de servir le Seigneur. C'est le lieu de liberté. D'accord? Vous devrez être vraiment, vraiment libre. Si vous n'êtes pas libre, vous ne pouvez pas servir le Seigneur. Vous allez lire la Bible là. Tenez la Bible là. Votre Bible va vieillir pendant 25 ans. Vous allez savoir que depuis 25 ans, vous vous piétinez sur place. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est l'une des missions qui incombe à ma personne. D'accord? Délivrer les captifs. Voilà. Vous êtes d'accord, non? Donc demain, on prie. Demain, on prie. On parle et on prie. Donc au moins, ça, c'était le jour de l'imprégnation. Donc demain, nous, en venant, on se prépare. Donc on risquera de durer. C'est à partir de quelle heure déjà? Donc vers 10h, début. Ok, c'est bon. 10h jusqu'à. À cause des embouteillages. Mais demain, c'est dimanche, il y a aussi les embouteillages. Non, demain, il y a. Okay. La francophonie, là. Non, il y a rien. Ok. Donc, y a-t-il des questions? Quelqu'un a-t-il des questions? Sentez-vous libre de poser des questions avant qu'il avance. Pour moi, il y a une question. Oui. En fait, dans le même verset, là, oui. Au chapitre 11, là, au chapitre 10, et au verset 10, on dit, il y a en effet, surtout parmi les circoncis, oui. Beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et des séducteurs. Oui. Bon, les séducteurs, les discoureurs, c'est de qui on parle? C'est ceux dont on parle. C'est ceux, on dit qu'il y a parmi les circoncis. Ah, parmi, ok. Parmi, il y a surtout parmi les circoncis. Okay. Tu vois? Donc, on en a trouvé un exemple. Un exemple de qui sont là. Oui, des questions, des questions. Posez des questions. On n'a pas encore en pause, le frère c'est en train de dormir comme ça, il est en premier banc. Il est comme ça. Il ne dort pas. Ok, quand vous fermez les yeux, vous écoutez quand même. C'est ça. Oui. Bon, moi je voudrais que, frère, vous nous parliez un peu de la nouvelle naissance. Oui. C'est vrai. Je parlais pour que les gens écoutent la gueule. J'aimerais que le frère nous parle de la nouvelle naissance. Oui. C'est-à-dire, présente brièvement la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, brièvement la nouvelle naissance. Merci pour la question. Autre personne, autre chose? Quelqu'un a-t-il d'autres préoccupations? Mais normalement, on n'a pas de cahier, vous avez noté des questions aussi. Moi, par exemple, je vais poser la question à savoir, qu'est-ce que c'est que l'Église? Oui. L'Église? Oui. C'est quoi? Bonne question. Mais je crois que pour l'autre, là, il y a des enseignements simples. Ça, c'est les rudiments. Mais voici déjà des questions que l'Église a besoin de savoir vraiment cette heure-ci, hein, la nouvelle naissance. L'Église, et puis la seconde, c'est ta vie. Est-ce que la polygamie est publique? Bonne question. Est-ce qu'un chrétien doit avoir plus de femmes? Tu es déjà marié, mon frère? Non, je ne suis pas marié. Donc tu cherches à aller même à trois même? Non. C'est pas mon choix. Non, c'est pas mon choix. Non, c'est une bonne question, d'accord? C'est une bonne question, c'est vrai. Et puis, le dernier, c'est est-ce qu'un chrétien peut boire l'alcool? De l'alcool. Mais tu ne pas. Pas ça saoulé. Ouais, pas saoulé. Tu bois l'alcool, frère? Non, ça fait 2 ans, elle est ça. Pourquoi? Bon, ça me sert à un choix. Ça va à un choix, oui. Donc, là, on va toucher nouvelle naissance, polygamie, église, alcool. Voilà. C'est bon. Y a-t-il encore d'autres sujets? Pour le moment, on n'a qu'à finir avec ça. Oui, oui, j'arrive. J'achète. Oui. Tout à l'heure, quand vous avez parlé, pour moi, selon la Bible, je ne savais pas d'abord que la femme devait pas donner des prophéties, être pasteur, tout ça. Pourtant, je ne savais pas. Oui. Je savais pas. Mais tout à l'heure, j'ai appris une nouvelle chose. Oui. J'ai appris. Et j'aimerais avoir plus d'éclaircissements. Ok. Vous voyez, on doit travailler les femmes, non? Donc, on va voir ces cas-là particulièrement lorsqu'on va travailler. Vous allez poser vos questions, d'accord? Donc, commençons par la nouvelle naissance. Commençons par donc la nouvelle naissance. Disons d'abord ce qu'elle n'est pas la nouvelle naissance. Donc, disons d'abord ce que je veux dire maintenant, ce n'est pas la nouvelle naissance. Lorsque les gens grandissent dans la religion, il y a des gens qui vont de porte en porte, ou bien à la télévision, ou n'importe quelle façon, ou même dans des campagnes d'évangélisation. Le prédicateur finit de donner ce message, puis il dit que qui veut donner sa vie à Jésus? Que ceux qui veulent donner la vie à Jésus Christ viennent à l'autel. Les gens avancent. Il dit avance en pleurant, ou bien même la main sur ta poitrine, tu pleures sur le feu. Vous avancez, il dit que ferme tes yeux, il dit que dis Seigneur, je t'accepte aujourd'hui. Et viens dans ma vie, écris mon nom dans le livre de vie. Demande pardon pour mon péché. Après, il dit quand tu ouvres, il dit amen. En même temps, on entend jouer le piano derrière. Foum, ça te fait pleurer bien même. Après, quand tu ouvres les yeux, tu avais les larmes, il dit ne pleure plus ma soeur, ton nom est écrit dans le livre de vie maintenant. Tu es né de nouveau. Ça, c'est pas la nouvelle naissance. Ça n'a rien à voir avec la nouvelle naissance. C'est les techniques d'appréhension ecclésiastique pour pouvoir amener les gens dans le prosélytisme. Ce sont les techniques pour pouvoir te dire que tu es chrétien alors que tu n'es pas. Voilà les techniques. Ça pouvait être vrai d'une certaine façon, mais la vérité sera toujours vérité, le mensonge sera toujours mensonge. Parce que la Bible n'a pas changé. Il a écrit, quand il a dit à Jean, il dit que prends ta plume, écris, envoie-le aux 7 églises qui sont en Asie. Il savait pourquoi, à qui les destinataires, à qui ces paroles étaient destinées. D'accord? Donc si quelque chose est écrit dans cette Bible-ci et que c'est pour notre instruction, nous devons l'admettre. Et il n'y a pas de raccourci. On ne peut pas aller chez Dieu autrement que comme il a dit. On ne peut pas tracer des routes pour aller chez Dieu alors qu'il a déjà donné la route à lui. Là où il y a la confrontation de la nouvelle naissance, où il parle de nouvelle naissance, il faut qu'on lise d'abord ces passages-là. D'abord, où Jésus parle de la nouvelle naissance dans Jean chapitre 3. La confrontation qu'il a eu avec Nicodème, d'accord? Donc, si vous prenez catholique, la façon dont ils naissent de nouveau, ils disent qu'ils versent, quand ils versent l'eau du baptême sur la tête de l'enfant, l'enfant naît de nouveau. Vous allez chez les évangéliques, on dit c'est quand tu répètes comme ça, quand tu nais de nouveau. D'autres personnes ont beaucoup de façons de naître de nouveau. D'autres, vous entrez dans la religion en mystère, on dit que lorsque tu fais comme ça, quand l'intérêt explose et tu découvres le vrai Dieu qui est en toi, tu es né de nouveau. Ils disent que c'est ce que les chrétiens appellent par nouvelle naissance. Maintenant, la personne qui a parlé de nouvelle naissance, interrogeons-le pour qu'il nous dise lui-même ce que c'est que la nouvelle naissance. Lisons dans Jean chapitre 3. Jean le chapitre 3, vous y êtes, à partir du verset 1. Mais il y eut... Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème. Nommé Nicodème, qui... chef des Juifs, voilà. Voilà. Il vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car... personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Arrêtons-nous d'abord là-bas. Donc, quand il a parlé de nouvelle naissance, le docteur d'Israël a pensé que l'homme devait encore entrer dans le sein de la maman et ressortir. Jésus a dit non, ce n'est pas de sens de question. Ce qui est né de la chair est chair, donc telle est la naissance naturelle, la naissance spirituelle est spirit. Regardez très attentivement, il dit que ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc la nouvelle naissance est la naissance de l'esprit. Vous voyez? Si donc la nouvelle naissance, donc c'est la naissance de l'esprit, définitivement quand on te fait répéter quelque chose, ça n'a rien à voir. Vous voyez là, n'est-ce pas? C'est vrai, on dit que quand on verse l'eau sur la tête des catholiques pour dire qu'elle est née de nouveau, c'est le mensonge. Parce qu'il a dit, la nouvelle naissance, c'est la naissance de l'esprit. Donc, c'est de l'esprit que quelqu'un est né de nouveau. On dit, il dit la naissance de l'esprit, ce qui est né de l'esprit. Esprit là, le Saint-Esprit est esprit. Donc, en réalité, on fait quitter les gens de la naissance charnelle vers la naissance spirituelle. C'est ça dont la nouvelle naissance. Or, dans l'Ancien Testament, Dieu a prophétisé la nouvelle naissance. Il a parlé de façon claire comment la nouvelle naissance devait se passer. Et ici, il dit, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit. Le pentecôtiste dit que non, d'eau, ça veut dire que tu entres dans l'eau, le baptême, puis le Saint-Esprit vient dans toi, tu es né de nouveau. Non, ça n'a rien à voir non plus. On ne parle pas du baptême là-bas. Vous comprenez cela? Bon, ouvrons donc le livre d'Ézéchiel. Prophète Ézéchiel, aidez quelqu'un à ouvrir rapidement, on avance. Livre du prophète Ézéchiel. Vous y êtes? Tu as trouvé? Ok. Au chapitre 36. Ézéchiel, chapitre 36. Oui. Nous allons lire verset 24 au verset 28. Ézéchiel 36, verset 24 au verset, 30, verset 28 là. Ok. Écoutez très attentivement, ça c'est l'Ancien Testament. Il est écrit. Oui. Je vous retirerai d'entre les nations. Oui. Je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure. Et vous serez purifiés. Vous entendez ce que Dieu dit? Ça, c'est la prophétie qu'il a dit. Oui. Je vous purifierai de toutes vos iniquités et de toutes vos idoles. Oui. Je vous donnerai un cœur nouveau. Oui. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Oui. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous obéissiez et pratiquiez mes lois. Amen. Donc, de façon claire, Dieu parle ici de la nouvelle naissance. Donc, il s'est écrit noir et blanc dans la Bible comment il devrait faire. Et vous remarquerez que dans ce verset-là, il parle de « je ferai ceci, puis je ferai ceci, puis je ferai ceci. » Dieu ne demande pas l'aide de quelqu'un. Donc la nouvelle naissance consiste en Dieu faisant la chose dans l'être humain sur la terre. Vous êtes avec moi là? Donc Dieu dit ici qu'il va les faire sortir de toutes les nations où il les a dispersées. Quand il les fait sortir, j'aurais souhaité prendre le temps pour parler maintenant de Canaan. Canaan, la terre Canaan, l'héritage Canaan, c'est ce que ça signifie pour les chrétiens. Alors il dit qu'il va les faire sortir, il va les purifier, les laver avec une eau pure. Vous avez vu un jour Dieu a fait la pluie descendre du ciel pour laver les gens purifiés? Non, c'est pas ça dont il a parlé. Il va donner une parole qui va les nettoyer. Vous voyez cela? Il va les nettoyer de les idoles. L'apôtre Paul, quand il a prêché, les gens ont abandonné les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Oh, c'est la parole qu'il a annoncée. Il a annoncé la parole, les gens ont dit, ah! Ceux qui ont dans ceux qui ont entendu l'apôtre Pierre ont eu le cœur vivement touché. Et ils ont accepté la parole. Vous avez vu, n'est-ce pas? Alors ici, Dieu promet qu'il va faire. Il s'en occupe presque sept fois là-bas, il va parler de je ferai ceci. Je ferai ceci. Je ferai ceci. Puis il va ôter le cœur des pierres qui est à l'intérieur. Il mettra le cœur des pierres. On parle de la circoncision donc du cœur. Puis il va dire, je mettrai mon esprit en vous. Afin que vous gardiez ma parole, je ferai à ce que vous gardiez ma parole. C'est pour ça que si quelqu'un est né de nouveau, il est une nouvelle créature. Donc ici se trouve donc le processus même de la nouvelle naissance. Et c'est Dieu qui fait la nouvelle naissance. Dans Jean chapitre 1, verset 11 et suivant, il a dit, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, le privilège, les océans, de devenir enfants de Dieu. Vous voyez, lesquels sont nés non du sang. C'est-à-dire que si ta maman est chrétienne, ton papa est pasteur, ou un, ils ne vont pas donner la nuit là un enfant qui est chrétien, chrétien chevronné. Parce que ça, la naissance n'est pas vaginale. Vous voyez cela? Il dit, ils ne sont nés ni du sang, ni de la volonté de l'homme. Donc si tu te vois comme ça, je dis, oh, celui-ci va aller en enfer. Ouais, il faut que tu naisses de nouveau. Je n'ai pas le pouvoir. aucun prédicateur n'a le pouvoir de faire que l'autre naisse de nouveau. Toi-même, même si tu souhaiterais naître de nouveau, tu n'as pas le pouvoir pour te faire toi-même naître de nouveau. Vous voyez, lesquels sont nés non du sang. Ça veut dire qu'un papa et une maman, ils vont ensemble, ils ne vont pas accoucher un chrétien. Quelqu'un qui est né de nouveau. Ils peuvent accoucher un religieux. Ça veut dire que quand il grandit, il dit allons à l'église. Lui, il va à l'église comme ça, c'est une chair. Mais pour ce qui est des naissances spirituelles, c'est Dieu qui doit décider. Vous voyez cela, n'est-ce pas? La nouvelle naissance ne dépend d'aucun être humain sur la terre. Donc personne n'a le mécanisme sur la terre pour faire naître quelqu'un de nouveau. Il dit, lesquels sont nés dans Saint Jean, chapitre 1, verset 11 à 13, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc la nouvelle naissance, première chose, Dieu doit vouloir. C'est 1 Jean, chapitre 1. Non, c'est Jean. Jean, chapitre 1. Jean, chapitre 1, les versets 11 à 13. Et souvenez-vous encore, c'est ce que le prophète dit là maintenant dans ce livre des Jean. Il dit, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté. Donc, ça veut dire, la volonté, ça veut dire que je désire faire quelque chose, n'est-ce pas? Il dit, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, c'est Dieu qui veut pour faire naître quelqu'un de nouveau. Ça veut dire, si je viens en Côte d'Ivoire et que je dois prêcher pour que quelqu'un naisse de nouveau, Dieu a tout programmé. Le processus est destiné à la parole qui va faire naître la personne de nouveau. Quand les gens ont été habitués avec la fausseté, vous allez voir quelqu'un va dire, quand il va annoncer la parole de Dieu à quelqu'un, comment il va savoir que celui qui a cru ou pas? Vous voyez là, n'est-ce pas? Ce n'est pas à nous de savoir qui a cru. C'est Dieu qui sait ce qui a cru. Parce qu'il a dit, il sait, il connaît ce qui lui appartient. Vous êtes avec moi là, frère? Ok. Maintenant, Jacques, chapitre 1. Jacques, le livre de Jacques. Jacques, chapitre 1. Le livre de... Jacques, chapitre 1. Le verset 18, qu'est-ce que ça dit? Jacques chapitre 1, verset 18. Oui. Il nous a engendrés selon sa volonté. Stop. Vous avez entendu? Mm-hmm. Il nous a engendrés. Il nous a engendrés selon sa volonté. Donc quand Dieu veut faire naître de nouveau, même si vous avez votre enfant, votre mari, vous désirez prier pour lui pour qu'il naisse de nouveau, il n'y a pas de possibilité. Dieu ne fait pas naître quelqu'un de nouveau parce que tu as trop prié pour lui. Dieu ne fait pas naître de nouveau quelqu'un qui donne sa vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus, tu t'assois à quelqu'un, on prêche, on dit que donne ta vie, c'est à toi qu'on dit. Lève-toi, donne ta vie à Jésus. Ceux qui veulent donner, vous voyez, vous allez quelque part dire, les nouveaux ici, levez-vous. Approchez le comité d'accueil, on va voir que j'ai les nouveaux, on va vous conduire dans la voie de Christ. On ne conduit pas les gens dans la voie de Christ comme ça là. Non, c'est pas comme ça se passe. Dans Jean chapitre 6, verset 45, il a dit, il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a reçu son enseignement et regardez, ayez à côté sa voix, viens à moi. Si les deux conditions ne sont pas réalisées, vous, tout ce que vous écoutez, c'est le livre. Vous pouvez faire l'école de dimanche, du matin jusqu'au soir, grandir là-dedans, devenir prédicateur à plein temps, après à temps partiel, après être apôtre postulant, après apôtre plein, archibishop, on met tous les yeux sur toi, tu n'es pas né de nouveau. Souvenez-vous de cela. Parce que la connaissance biblique, avoir la connaissance de la Bible ne fait pas que tu sois né de nouveau. Là, il dit dans Saint Jacques chapitre 1, verset 18, il dit qu'il nous a engendrés selon sa volonté. Virgule. Jacques, il nous a engendrés selon sa volonté, virgule, par la parole de vérité. Stop. Vous avez vu la façon dont il fait naître de nouveau, n'est-ce pas? Il engendre par la parole de vérité, le moyen par lequel il fait naître de nouveau. Vous voyez? Ça ne vous semble pas bizarre que Jésus arrive quelque part chez nous, par exemple chez Zachée. Il se tient là-bas, il dit, Zachée, c'est toi qui vais manger aujourd'hui, descend. Il descend celui-ci comment? Il entre dans la maison, un seul anotiment. Oh, Zachée était un collecteur d'impôts, donc les gens qui vivaient dans la corruption, ils ne lui prêchent rien. Il reste seulement là-bas, il mange. Après, Zachée se lève. Qui lui a demandé de commencer à restituer les choses? Il dit, Seigneur, si j'ai fait de toi à quelqu'un, je repars. Si j'ai fait de toi, je repars. Jésus dit, non, dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Parce que celui-ci était aussi un fils d'Abraham. Le fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Écoutez très attentivement. Ce n'est pas tout le monde qui était perdu qui venait sauver. Non, c'est le fils d'Abraham. Les enfants de la promesse. Il vient pour les appeler. Il vient, il s'assoit là. Voici la vérité qui se trouve là-bas. Il sait que tu es dans le mensonge. Mais la sémence qui est en toi te dit clairement que la personne qui est devant toi n'aime pas ce genre de choses que tu fais. Zachée est transformé à partir de là. Vous voyez, à partir de cet instant, Zachée est transformé. Mais pourtant, il y a d'autres groupes maintenant qui vont vous mettre quelque part. Vous prêchez du matin jusqu'à 16h pour que tu écoutes toute la loi. Quand vous écoutez, ils disent que vous êtes né de nouveau. Écoutez la loi, mettez la Bible. Haussez le volume pour que rien ne vous dérange. Écoutez toute la Bible, de Genèse 1, Apocalypse 22, 19 là-bas. Vous ne serez pas né de nouveau. Quand vous donnez l'explication avec les projections, vous comprenez là où l'âge de Noé se trouvait, où comment c'est que la loi, c'est que les sacrifices devaient faire. On devait entrer dans la corne d'huile, c'est qu'on devait verser le sang, qu'on devait verser bouc émissaire, qu'on devait envoyer Azazel, ainsi de suite. Comprenez tout ça, ça ne nous fera pas naître de nouveau. Parce que s'il y avait des gens qui devaient être nés de nouveau, c'est les Juifs là eux-mêmes. Ils connaissent les oracles. Ça ne les fait pas naître de nouveau. Et ici, il dit qu'il nous a engendrés selon sa volonté. Donc, Dieu engendre d'abord selon sa volonté. C'est le premier principe là-bas. C'est Dieu qui veut faire naître de nouveau. C'est pas parce que nous sommes bons, parce que nous sommes nés dans une famille chrétienne, parce que nous lisons la Bible, c'est pas ça qui nous fait naître de nouveau. Dieu a ses enfants sur la terre. Il leur accorde la nouvelle naissance comme il le veut. Il dit par la parole de vérité. Continue, c'est pas fini, la phrase n'est pas finie. Par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte toutes les prémices de ces créatures. C'est de cette créature dont là, c'est de né de nouveau qu'on appelle, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc si quelqu'un est né de nouveau, en fait, si il est né de nouveau, tu es une nouvelle créature. On te voit de la façon extérieure, tu es identique, mais l'intérieur a été transformé. Parce qu'un autre a pris place à l'intérieur, comme il a dit dans Ézéchiel. Donc, est né de nouveau, celui en qui l'Esprit de Dieu est venu prendre place. À cette tabernacle. Ce n'est pas en récitant que Seigneur, je te donne ma vie aujourd'hui. Quand il a fait ça, il sentit la chair des poules. Mais en écoutant les musiques mondaines, vous avez la chair des poules, non? Les musiques mondaines dans le Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas ça. La nouvelle naissance ne consiste pas à l'émotion. Ça consiste à la transformation de l'être spirituel à l'intérieur. Dieu vient faire son tabernacle. Je serai même en vous. Vous voyez cela dans Jean 14. Donc, la nouvelle naissance consiste en l'Esprit de Dieu venant habitant dans le corps, dans le cœur. Avant cela, il y a eu transformation du cœur. C'est ce que Dieu a dit dans Ézéchiel. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je mettrai un cœur de chair. Je ferai à ce que vous entendez ma parole. Je mettrai mon esprit en vous. Voilà le processus. Il y a d'abord la circoncision. Vous appelez ça conversion. Donc, la nouvelle naissance a lieu au moment de la conversion. C'est ce que la Bible enseigne. Vous voyez là, n'est-ce pas, frère? Et c'est le Saint-Esprit qui doit faire ça. Si ça ne vient pas d'en haut, oubliez tout ce que vous faites sur la terre. Tout ce que vous allez faire sur la terre, même si c'est bien, vous évitez de pécher. Vous évitez, vous allez à l'église, vous priez. Ça ne vous servira absolument à rien. Parce qu'il a dit, tout ce que vous faites sur la terre là, si vous le naissez de nouveau, ça ne vous servira à rien. Donc il faut naître de nouveau. Et même si tu te fâches, je peux dire que merde, j'ai fait tout ça, il faut que Dieu me fasse naître de nouveau. Il dit qu'on ne mérite pas ces choses là. Ouais, donc d'un côté, c'est pas la grâce. De l'autre côté, tu ne peux pas forcer. De l'autre côté, c'est lui qui doit faire. Hein? Donc la nouvelle naissance, c'est la volonté de Dieu de faire naître de nouveau. Et ceux qui doivent naître de nouveau sont préparés depuis avant la fondation du monde. Amen, amen, amen. L'autre là maintenant, ça peut encore être choquant, mais c'est la vérité. Amen. Vous voyez? Donc ceux qui sont nés de nouveau sont prédestinés avant la fondation du monde. Donc, quand ils mélangent ça, parce qu'ils ne comprenaient pas justement que Dieu a un temps. Quand, remarquez très exactement, vous êtes en plein ici, j'ai parlé de la sorcellerie tout à l'heure là. La Bible déclare clairement que Christ a dépouillé les dominations et les autorités, les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'elle par la croix, n'est-ce pas? Il a triomphé, c'est de Satan. Il a détruit cette puissance, n'est-ce pas? Amen. Mais cette même Bible dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et contre le sang, mais contre les dominations, voilà. Contre les autorités, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Yes. Donc, pour maintenant, Dieu a réglé le problème sur la croix. Mais il dit, restez encore dans le camp ennemi. Vous voyez? Jusqu'à ce que cette trompette, la dernière trompette, saute dans, comme Apocalypse 11, verset 15 le dit. Quand la dernière trompette va sonner, le royaume sera remis maintenant entre les mains du Fils. Tant que ce n'est pas remis, nous sommes sous la domination de Satan. Pourtant, on l'a dépouillé à la croix il y a 2000 ans. Il continue toujours. Il y a des gens aujourd'hui qui disent qu'ils servent Dieu. Attendez qu'on va commencer à prier. Vous allez voir quelque part. Quand on va commencer à prier, quand vous allez voir, je vais vous dire donc que c'est ce que vous disiez hier. D'accord? Vous me regardez comme ça. Eux-mêmes, ils me regardent. Vous me regardez. Je vous regarde. Ils me regardent. Je les regarde. Vous comprenez ce qu'il dit? Oui. Vous comprenez bien? On se regarde. Ok. Donc, les yeux sont collés là. On se regarde entre nous. Alors, vous pouvez être comme ça sans vous en rendre compte. Sans vous en rendre compte qu'il y a un être qui habite en vous. Après, on prie un jour, tu vois ton pif, on se dit, hey, mon pif fait quoi comme ça? Parce qu'il veut sortir, pas vrai? On envoie de tous les couleurs dans le monde entier. Or, souvenez-vous de ceci, si le Saint-Esprit vient pour vous délivrer, dites seulement gloire à Dieu, parce qu'un être qui vous empêche de marcher comme il le veut, doit être délogé. D'accord? Voilà. Donc, la nouvelle naissance consiste en Dieu donnant son esprit à un être humain sur la terre. Pour faire quoi? Dans cette Ézéchiel chapitre 36 que nous avons lu, il dit que quand cet esprit sera là, je ferai à ce que vous marchez d'après ma parole. Donc d'après la parole du Seigneur, vous ne pouvez pas marcher vraiment comme Dieu veut sans être né de nouveau. C'est pour ça que la vie chrétienne devient lourde maintenant. Chacun essaie. Tu entends? Il dit qu'il était chez le Branham. Pas vrai? Il était, avant d'être chez Branham, peut-être il était catholique. Peut-être après il était catholique, il était même musulman. Il marchait, il cherchait quoi? Si tu es né de nouveau, personne ne peut plus te convertir. tu es né de nouveau. Puis quand il a dit cela, Dieu dit dans cet Ézéchiel là-bas, je vais vous donner le pays, mais personne ne pourra vous chasser de là. Quand la nouvelle naissance est là, c'est définitif. Dieu ne donne pas la nouvelle naissance pour prendre encore pour donner l'ancienne naissance. Ouais, ça n'est-ce pas? Quand le poussin sort de l'œuf, il ne peut plus rentrer là-dedans. Quand il coque, la coque sort, c'est terminé. C'est une nouvelle création. Il marche maintenant en grandissant. Il ne peut plus rentrer pour rentrer dans le coque. Quand tu es né de nouveau, c'est définitif. Définitif. C'est le passeport pour l'éternité. Il peut donc voir le royaume. Et il peut comprendre donc les choses du royaume. Il peut donc maintenant comprendre ce que Dieu a destiné pour lui, pour sa gloire. D'accord? Voilà ce qu'il en est de nouvelle naissance. Des questions encore? Il y en a plein là-dedans. Il y en a plein. Souvenez-vous encore, je veux que ça soit bien dans votre esprit. Aucun prédicateur, l'imposition des mains ne font pas quelqu'un né de nouveau. Même si un prédicateur ou un de l'esprit n'est pas comment, il peut te faire naître de nouveau. Même s'il dit, ouais, la sœur se souffre, c'est le fait qu'elle naisse de nouveau, non. Il n'y a pas de négociation. Là-bas, on ne négocie pas. Il décide des gens qu'il a mis à part dès la fondation du monde pour les faire naître de nouveau sur la terre, le moment venu. C'est ça que la Bible enseigne là. Vous me suivez là derrière? C'est ça la nouvelle naissance. Donc la nouvelle naissance ne consiste pas en il me demande pardon à Dieu, il me baptise dans l'eau, le Saint-Esprit, c'est ça, c'est le choix là qu'on appelle la nouvelle naissance, c'est pas ça. La nouvelle naissance vient avant le baptême là. Voilà. Oui. Oui mon frère. Tu viens de donner des textes bibliques qui ont été lus. Oui. Sur que ce n'est pas parce qu'on a prié pendant des années pour quelqu'un qu'il naît de nouveau. Oui. Ce n'est pas quelqu'un qui a un mécanisme et qui fait naître de nouveau. Quelqu'un de nouveau. Par ce mécanisme de nouveau. Absolument. Bon, ce sont ces versions, on vient de lire. Oui. Mais pour que quelqu'un même naisse de nouveau, oui. Qu'est-ce qui doit être fait? Comment ça se fait? Bonne question. Romains chapitre 10. Vous voyez, voici pourquoi c'est les séances des questions de réponses qui peuvent bien expliquer ces choses-ci. Si il continue à parler là, vous allez commencer à dire, un moment donné, vous allez dire, mais notre langage, vous allez dire, qu'est-ce qu'il raconte là-même là-devant. Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Verset 14 à 17. Romains chapitre 10, verset 14. Permets que les gens puissent trouver d'abord, il faut que chacun ait cela devant soi. Tout le monde a trouvé déjà. Allons-y maintenant, mon frère, lis. Il est écrit. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Mais là, on va commencer quelque part. On va commencer plus haut, d'accord? On va commencer plus haut parce que là, dans ce Romains chapitre 10, se trouve le passage où les gens disent que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité entre les morts, tu seras sauvé. Donc, commençons par le verset 9. Oui. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Oui. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Au salut. Selon qu'il est dit, selon que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Voilà. Il n'y a aucune différence entre, en effet, entre le juif et le grec. Vous entendez? Voilà le passage. Donc, ça dit que la façon de croire entre le juif et le grec, c'est ça dont on parle encore dans Galates. Quand vous croyez en Jésus, vous croyez de la même façon. Il n'y a pas deux cœurs. Ça doit venir de la même façon. Chacun doit naître de nouveau. Oui. Entre le juif et le grec. Puisqu'ils ont un même. Puisqu'ils ont tous un même Seigneur. Voilà. Qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Oui. Comment donc invoqueront-ils celui en qui n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Oui. Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Oui. Et comment il aura-t-il... Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? S'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qui sont beaux. Qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Non. Oui, oui, oui, la paix. Oui. De ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Oui. Voilà le mécanisme. Mais tous. Non, ça va. Tous n'ont pas eu que ainsi Israël, Esaïe épouse à Dieu jusqu'à dire j'ai été trouvé par un peuple contradisant. Alors écoutez très attentivement. La question c'est voici donc. D'après ce que notre frère dit, il dit j'ai dit. Alors, oui. La question. Oui. Prends un peu. Éphésiens 1, 13, comme dit ça. Voilà, non, on va y aller. Oui, on va y aller, je comprends. Donc, notez Éphésiens chapitre 1, verset 11 à 14, là, pour être complet. Donc, vous voyez effectivement le mécanisme. Éphésiens chapitre 1, verset 11 à 14, c'est là où ça se trouve. Il sait de quoi il en veut parler. Verset 11 à 14. Voilà. Alors, ici, l'apôtre Paul a dit que c'est prévu dans Joël chapitre 2, verset 32, en lisant le verset 13 là, que quiconque invoquera, c'est dit dans les Écritures, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc ça veut dire qu'en principe, n'importe qui peut invoquer le nom du Seigneur, il est sauvé. Là, une question vient directement au verset 14. Donc, comment tu peux invoquer quelqu'un à qui tu n'as pas cru? Donc pour invoquer, il faut d'abord. Donc, enfin, ce n'est pas n'importe quelle invocation. Écoutez très attentivement. C'est l'invocation pour être sauvé. C'est ce qui est prévu là-bas. Donc quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Dans ce verset 13 du chapitre 10 de Romains. Puis il dit là, verset 14, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Donc pour croire, pour l'invoquer, pour être sauvé, premièrement, il faut d'abord croire en lui. Or, la Bible explique dans Éphésiens chapitre 2, versets 6 à 9, que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et c'est un don de Dieu, ça ne vient pas de vous. Ça ne peut pas les œuvres. Donc même croire là, il faut que Dieu te donne de croire. Si Dieu ne te donne pas de croire, tu ne croiras pas. Sinon, on va annoncer comme ça, tu vas dire que c'est des chemins. Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas? Donc, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu parler? Donc, au préalable, il faut qu'il y ait des prédicateurs. Envoyés des dieux, pas n'importe quel prédicateur. Envoyés des dieux pour qu'ils annoncent des bonnes nouvelles. La nouvelle de la paix qui concerne le Seigneur Jésus. Comme pour le cas de l'ennemi éthiopien, on dit allant de là, il a annoncé la bonne nouvelle concernant le Seigneur Jésus. Alors, et on doit annoncer la chose concernant le Seigneur Jésus, et puis Dieu fait naître quelqu'un de nouveau pour qu'il puisse croire. Dans Actes des Apôtres, chapitre 16, sous les yeux du verset 13 à verset 15, la Bible déclare que quand Jean et l'apôtre Paul allaient dans un lieu de prière, en bordure de la mer là-bas, ils ont cherché à savoir là où il y avait le lieu de prière. Ils ont trouvé un groupe de femmes là. Parmi elles, il y avait un marchand de pourpre appelé Lydie, de Thyatire, de la ville de Thyatire. La Bible déclare que l'apôtre Paul s'est mis à parler. Il a commencé à parler de la bonne nouvelle. La Bible déclare que le Seigneur ouvrit le cœur de Lydie afin qu'elle fût attentive à ce que disait l'apôtre Paul. Pourtant, il y avait plusieurs groupes là-bas, il y avait plusieurs femmes là-bas. L'apôtre Paul a commencé à parler. Vous voyez que l'apôtre Paul a été envoyé là-bas dans la ville de Philippe, conformément à Romains chapitre 10, qu'on vient de lire. Il est envoyé. Quand il est envoyé, il a un but. Quand il marche, il est censé annoncer la bonne nouvelle aux nations. Donc, c'est ça qu'il vient. Il vient, il se trouve là-bas, il y a des gens parmi eux qui doivent être sauvés. L'apôtre Paul ne connaît pas si c'est Lydie distinctement, si c'est telle ou telle personne. Il parle, le renseignement qu'on nous donne, l'apôtre Paul ne connaît pas ça. Ce renseignement que vous lisez dans la Bible, que le Seigneur lui ouvrit le cœur, lui ne connaît pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Il voit seulement le résultat de sa prédication. C'est le Saint-Esprit qui écrit au travers de Luc, longtemps, plus de 30 ans après, que le Seigneur ouvrit le cœur, que c'est le Seigneur qui a ouvert le cœur de Lydie afin qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Puis elle a cru, elle a été baptisée, elle et sa famille. Vous voyez là, n'est-ce pas? Donc, le papa, il a fait. Ce qu'il vient de dire, Acte chapitre 16. Vous êtes, à ce rythme-là, vous allez prendre tout là, ici, là, maintenant. Acte chapitre 16, verset 13 à 15. Au verset 15. Voilà. Alors, lorsque l'apôtre Paul prêche, et c'est comme ça, c'est le modèle de la Bible, nous avons vu d'abord, premièrement, Jacques, l'apôtre de Jacques, lui, il a dit, dans le Jacques chapitre 1, que nous allons lire verset 18 aujourd'hui, il dit, il nous a engendrés selon sa volonté par la parole des vérités. Donc, les prédicateurs envoyés, on a en eux, par le Saint-Esprit, qui se trouve les paroles des vérités. La parole de la vérité, ce n'est pas une suite de phrases agencées. Ce ne sont pas les phrases préconçues que je vais prêcher la parole maintenant, à un moment donné, je vais m'arrêter pour donner cette phrase pour que ça fasse naître des gens de nouveau. Parce que vous allez voir donc, dans toutes les prédications des Actes des Apôtres, les prédications ne sont pas conventionnelles. Les prédications ne sont pas identiques. Il a l'air de parler d'une chose. Si vous lisez Actes des Apôtres, vous voulez prendre encore là, non? Prends une fois. Actes chapitre 17. Si vous lisez Actes des Apôtres, je vais citer, d'accord? Je vais dire, vous pouvez vérifier par la suite. Dans chapitre 17, si vous lisez le verset 20 jusqu'au verset 33, l'apôtre Paul attendant Timothée dans la ville d'Athènes, il va voir qu'à l'Athènes, il y avait beaucoup de statuettes. Ils avaient beaucoup d'idoles, qu'ils appellent monuments là, dans leur ville. Et là, ils avaient dressé une autre statuette là-bas à un dieu inconnu. L'apôtre peut rencontrer les gens en route, leur parler de Jésus et de la résurrection. Vous savez, ils étaient dans la rue, chaque fois, ils écoutaient seulement les journaux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils ont pris l'apôtre Paul, ils l'ont mis à l'aéropage. Que tu nous as tellement raconté des choses là. On veut savoir. Pardon, la façon dont je parle français là, vous me comprenez bien? Ça va. Parce que moi-même, je peux enlever les articles. Si, non, bon, si j'enlève l'article là, vous allez comprendre. Bon, oublie, je parle comme ça droit. Non, bon. Parce qu'il faut qu'il m'avance, sachant que vous allez écouter. Ok. Alors, l'apôtre Paul est amené à l'aéroport. Il se tient là-bas. On dit, explique-nous vraiment ce que tu nous dis depuis là. Parce qu'il nous semble bizarre. Tu annonces des doctrines étrangères, des divinités étrangères. La Bible déclare Paul, debout devant l'aéroport, a commencé à leur parler. Vous avez vu, c'est eux qui ont demandé à l'apôtre Paul que expose-nous ce que tu es en train de nous dire. Il n'est pas allé lire la Bible, prépare les prédications que. Où sont les versets sur l'idolâtrie? Il y a trop de statues ici. Deutéronome chapitre 4 dit quoi? Non. Jésus avait dit, quand vous avez le Saint-Esprit, on vous pose la question, il va répondre. Vous voyez? Ok. Alors il se tient là-bas, on lui pose la question, il dit, dis-nous, qu'est-ce que tu veux au juste dire? Il dit, le Dieu qui a fait les cieux et tout ce qu'il trouve, le monde et tout ce qui se trouve, n'habite point dans le temple fait des mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains d'hommes comme s'il avait besoin de quelque chose. Lui qui nous a créé, qui a donné, qui produit en nous le mouvement et l'être. D'accord? Il a voulu que les gens sortent d'un même sang habitant sur toute la terre, ayant déterminé la durée et la distance de leur borne. Vous voyez cela? Il dit, ce Dieu-là, longtemps, a toujours donné les pluies, les saisons, en manifestant leur amour. Il a voulu que les gens les cherchassent en tâtonnant. C'est ce qu'il en a expliqué. Vous voyez qu'il n'y a pas un verset biblique comme ça qui dit ça. L'apôtre leur explique normalement ce que c'est que ce Dieu et ce qui n'est pas. Parce qu'ils ont posé la question. Il leur explique donc, il dit, ce Dieu donc, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant. En tout lieu, à tout homme, qu'ils aient assez repenti parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde. Ce dont il a donné le preuve en le ressuscitant d'entre les morts par l'homme qu'on appelle Jésus là, n'est-ce pas? La Bible déclare à cet instant que lorsqu'ils ont entendu parler de la résurrection des morts, la prédication est arrêtée là-bas. L'église s'est arrêtée. Chacun commence à partir, ok, c'est la résurrection, hein, ok, on va te voir la prochaine fois. Les personnes ont commencé à partir parce qu'ils comprenaient maintenant ce que Paul disait. Il leur parlait de le mystère de Dieu et de la rédemption du Seigneur Jésus-Christ pour le salut des gens qui s'est acquis. Vous êtes avec moi? Amen. La Bible déclare qu'à cet instant-là, quand il a parlé de résurrection, lorsqu'il a entendu parler, à partir du verset 30 là, lorsqu'ils ont entendu parler de résurrection du monde, ils ont dit oh, nous, on t'écoutera la définition, prochaine prédication, viens la prochaine fois. On dit cependant, certains d'entre eux ont cru s'attacher à l'apôtre Paul. Vous voyez? Et en aucun moment, l'apôtre Paul ne s'est arrêté maintenant que qui croit ça? Lève la main. Maintenant, tu crois maintenant, baisse la tête, bien Seigneur, je renonce à Zeus. Non. On ne se passe pas comme ça. Ces paroles qu'il a annoncées étaient suffisantes pour faire quelqu'un naître de nouveau. Amen. Vous voyez, ils sont attachés à lui. Et là, maintenant, ceux-là, de façon indélébile, sont attachés à l'apôtre Paul au point où ils suivaient maintenant l'apôtre Paul avec la doctrine chrétienne. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas une parole, c'est ça, je vais prendre ça pour vous dire, il n'y a pas une parole qu'on appelle parole de vérité spécifique qu'il faut naître des gens de nouveau. Parce que Jacques chapitre 1 dit, il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. Voilà. C'est quoi donc la parole de vérité? Dans Éphésiens qu'il a donné aussi, ça se trouve encore là-bas. Allons-y là-bas. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Donc le mécanisme est simple. Un prédicateur doit être là, envoyé de Dieu. S'il est envoyé de Dieu, il est loin de l'esprit. Et ici, il a envoyé à un peuple qui se trouve au milieu, mixé parmi les gens. Il vient, il déclare les paroles. La Bible appelle ces paroles-là les oracles. Il déclare les oracles. Ces oracles, à travers ces oracles, les gens sont nés de nouveau. C'est ça donc la question, c'est simple là. Nous sommes là, Éphésiens chapitre 1, verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Vous entendez ce qu'on dit ici? Voici les passages choquants de la Bible. Et en lui, il nous a élus, il nous a prédestinés, selon la volonté de celui qui opère toutes choses selon sa volonté. Donc ça veut dire que, avant qu'il ne dise que la terre soit, il a choisi telle ou telle personne, telle ou telle personne. Il ne demande pas ça à quelqu'un. Amen. Donc il veut dire, en réalité, l'apôtre Pierre veut dire, Paul veut dire ici là que, si vous voulez sauter, calez en l'air. Oui, continuez. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Oui. En lui. Vous aussi. Donc là, il a d'abord parlé nous. Puis maintenant, en lui, vous aussi. Il parle comme ça aux Éphésiens. Que vous aussi. Après. Après avoir entendu la parole de la vérité. Stop. Vous avez suivi ça? Après avoir entendu la parole de la vérité. Maintenant, vous permettez, je fais un stop si je vous explique quelque chose donc. Ok. La Bible, le chapitre que vous avez devant vous, le livre, ou mieux, le livre que vous avez ouvert devant vous, c'est le livre aux Éphésiens. N'est-ce pas? Si vous lisez Actes des Apôtres. Et vous lisez Apocalypse, chapitre 1 et chapitre 2. Vous allez voir que dans Apocalypse, quand l'Esprit vient, il demande à Jean d'écrire, il dit envoie-le aux sept églises qui sont en Asie. Il commence par l'église d'Éphèse. D'accord? Écrit à Éphèse, à Sardes, à Philadelphie, ainsi de suite. Vous voyez jusqu'à l'Odyssée. C'est ce qu'il dit là-bas. Maintenant, si vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 16, vous allez remarquer que l'apôtre Paul cherchait à aller annoncer l'évangile en Asie. Cette même Asie où la lettre est adressée plus tard, le Saint-Esprit va aller empêcher d'entrer, pas vrai? Ils vont arriver maintenant, traverser, ils voulaient entrer à Éphèse, le Saint-Esprit va les refuser d'entrer. Pourquoi? Pourtant, il y avait les gens là-bas. Et voici donc l'église d'Éphèse à qui il en est décrit ici. Il dit qu'en lui aussi, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité. Dans 1 Timothée et 2 Timothée, c'est spécifiquement à l'église d'Éphèse qu'il est temps de raconter. Parce que Timothée s'y trouvait. Ouais, la communauté qui était là-bas. C'est eux qui avaient tellement grandi au point où il les enseignait maintenant le niveau spirituel des dominations qui sont dans les lieux célestes. Là où Jésus avait empêché qu'il parte annoncer l'évangile. Parce que ce n'était pas encore le moment. Mais nous, aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous sortons aller à Bogo. Alors à Djamé, au marché d'Adjamé, là, prêchons, achetons le micro, allez prêcher. On va vous envoyer la magie derrière votre dos, vous allez confirmer. Bon, je vais dire quelque chose. Ce qu'il veut dire, c'est ceci, c'est que observez Éphèse, il y avait des gens là-bas. Le moment où l'apôtre Paul voulait, ouais, l'être humain, non? Nous disposons à entrer. L'Esprit de Jésus ne nous permet pas. Vous avez vu la marche, n'est-ce pas? Donc ça veut dire qu'il n'y a personne là-bas à faire ni de nouveau à ce moment-là. Vous voyez? Maintenant, l'apôtre Paul, maintenant, quand ils sont nés de nouveau, l'apôtre Paul explique comment ils sont nés de nouveau, par la suite. Allons-y. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, oui, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Ouais, c'est le même scénario. Qui avait été promis. Qui avait été promis. Ça va. Regardez. Et lequel est un gage pour de votre héritage de ceux qui se disent à qui. Alors, regardez. Donc, c'est après qu'ils ont entendu l'évangile, n'est-ce pas? La parole de la vérité, l'évangile de leur salut. Ils ont cru. Ils ont été scellés du Saint-Esprit. Donc vous voyez qu'on annonce d'abord. Ils croient et Dieu témoigne de leur foi en leur accordant l'Esprit. Amen. Ça va? Voilà la nouvelle naissance de notre royaume. Voilà la nouvelle naissance. Pas le jour où le Saint-Esprit entre avant que ta mère ne vienne voir ton père. Ça n'entre pas comme ça. Même Jean-Baptiste au moins était dans le ventre. Avant que c'est venu sur lui, pouf! C'est bon avec la nouvelle naissance, oui. Je viens comme ça, oui. Comme tu viens de le dire, le prédicateur vient se tenir là, il annonce des oracles de Dieu. Oui. Et comme la Bible me parle, après avoir entendu l'évangile de votre salut, il avait cru. Oui. Donc, comme tu viens de le dire, le prédicateur vient, il se tient là et il annonce les oracles de Dieu. Absolument. Et ce sont ces oracles-là qui suscitent la nouvelle naissance. Absolument. Un exemple que je donne. Oui. Je viens, je me mets en place publique. Oui. Je dénonce en public l'église, comme on appelle le baptême d'eau de l'église catholique. Oui. Par aspersion. Oui. Au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Oui. Je continue pour dire, oui, vous les églises évangéliques, oui, méthodistes, adventistes, vous ne le faites pas par aspersion. Oui. Mais vous le faites au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, mais par immersion. Oui. Donc en cela, par immersion, aspersion, vous êtes différent de l'église catholique. Oui. Non, on ne doit pas le faire par. Au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus. Ni par aspersion, oui, on le fait au nom de Jésus-Christ. Oui. Et c'est tout l'oracle que je donne. Oui. Et je donne les passages bibliques. Oui. Les gens ayant écouté, ça donne la nouvelle naissance. Absolument. Ça donne la nouvelle naissance. Oui, ça peut donner la nouvelle naissance, n'importe quoi, que tu annonces dans le royaume. Non, je n'ai pas dit est-ce que ça peut donner la nouvelle naissance. Oui. Je pose une question qui est directe. Est-ce que ça donne la nouvelle naissance? Attendez, attendons. On va plus bien comprendre. Absolument, oui. Il y a les gens qui peuvent être dans la nouvelle naissance, mais sans dans la totale vérité. Suivez attentivement ce qu'il veut dire. Parce que dans ce que nous venons de lire, là, dans Actes chapitre 17, où l'apôtre Paul a parlé à l'aréopage, en aucun cas, remarquez-le, ici, dénoncer les idoles. Ici, dénoncer le fait qu'ils étaient en train de servir les dieux selon les rudiments du monde, parce qu'ils ne connaissaient pas. Il a annoncé le Seigneur Jésus-Christ, et puis la résurrection d'entre les morts et le jugement dernier. Il a annoncé cela. Lorsqu'il a annoncé, les gens ont cru. Pourtant, ces personnes n'ont pas voulu entendre, qu'elles ont entendu une résurrection. Parce que la philosophie juive ne parle pas de résurrection. Donc ici, il en est dénoncé leur doctrine d'anti-résurrection. Et en présentant la résurrection, ils ont cru. Alors, vous dites, vous rencontrez quelqu'un. Il y a des gens qui peuvent croire justement en acceptant que, oh, donc ça veut dire qu'on nous a trompés dès le départ. Qu'est-ce qui lui donne donc de comprendre maintenant? Excuse-moi, que... interpellation. Oui. Tu dors ou bien tu dors pas? Je dors pas. Il a dit qu'il ne dort pas. Il a dit ici. Il a ici depuis là. C'est comme ça. J'ai d'abord. Bon, dans la nuit, alors vous dormez comment? Si vous faites comme ça, vous ne dormez pas. Dans la nuit, vous dormez comment? Dans la nuit, vous dormez comment? Dans la nuit, vous dormez en faisant toujours les yeux comme ça. Dans la nuit, vous dormez comme ça, là, toujours, avec les yeux fermés. C'est un mauvais système, ça c'est gêne. C'est pas pour rien, j'ai posé la question. Oui. En fait, ça gêne. Donc, en fait, ton système, c'est que quand tu es comme ça, tu es plus attentif. Il a tout regardé, il faisait comme ça, il était contaminé. Il peut te contaminer alors, dans ce cas, peut-être que tu vas le passer. Lui aussi, il dormait. Oui. Mais vous m'entendez bien, vous m'écoutez bien, n'est-ce pas? Ce matin, il est fatigué. Fatigué. Bon, on va prendre une pause, je crois que vous allez reprendre l'énergie pour qu'on puisse bombarder là. Je t'en ai dit ceci. Le simple fait que vous prenez n'importe, parce que la Bible déclare dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16 que toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. N'importe quoi que vous prenez de l'écriture, vous pouvez annoncer la bonne nouvelle avec cela. Toute chose, même le suicide de Judas peut amener quelqu'un à naître de nouveau. Le suicide de Judas. Même le serpent qui a avalé le serpent de Pharaon peut amener les gens à la repentance. C'est ça qu'on appelle donc la prédication. Même le miracle. Il y a des gens qui juste n'ont pas parlé. La Bible déclare qu'il y a certaines personnes qui ont vu le miracle, ils ont cru. D'autres ont vu le miracle. Dans Marc chapitre 5, la personne qui avait 6000 démons en lui, quand Jésus a chassé le démon, ceux de ce village sont venus supplier seulement Jésus, s'il te plaît, on sait que tu es trop fort. Va dans notre village. Pas, on ne veut pas te voir ici. Ils sont partis. Et Jésus qui est parti les a laissés. Or, d'autres personnes, lorsqu'ils ont vu le miracle, ils ont plutôt cru. Pourtant, personne n'a parlé. Donc, toute chose qu'on annonce de la parole, parce que c'est la parole de Dieu, si c'est la parole de Dieu, Dieu peut le faire naître de nouveau au travers de cela. C'est pas qu'il veut dire que, comme il a dit, que les méthodistes baptisent comme ça, le vrai baptême, selon le Seigneur. Il y a des gens qui sont dans le vrai, concernant le baptême, mais ils sont totalement faux. Vous demandez à celui-ci, par exemple, il va dire qu'il est baptisé au nom du Seigneur Jésus. Il va vous dire clairement que le baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus. Après un temps, il va même dire que le baptême n'est même pas biblique parce que ce sont les juifs. Lui, c'est ce qu'il m'a dit, pas vrai. Mais si vous le regardez très bien attentivement, dès le départ, il a été baptisé au nom du Seigneur Jésus. Oui. Maintenant, il dit maintenant que le baptême, on n'est pas obligé de baptiser. C'est la tradition juive, pas vrai. Maintenant, quand il va dire cela, vous pensez qu'il n'est pas dans le vrai, d'après lui, il est dans le vrai. Parce qu'il a aussi le baptême au nom du Seigneur Jésus. Ça ne fait pas qu'il soit dans le vrai. Vous prenez Kakou Philippe, vous l'avez demandé, lui a été baptisé au nom du Seigneur Jésus. Pas vrai? Mais le voilà dans le faux maintenant, totalement plus faux que le vrai F. Ouais. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on en dit? C'est vrai que la nouvelle naissance n'est pas la qualité du message qu'on annonce. Puisque les miracles ne parlent pas. On observe les miracles, des gens croient. Vous voyez ce que Jean lui dit, n'est-ce pas? L'apôtre Paul, par exemple, prenons-le, l'apôtre Paul. Quelqu'un lui a annoncé un message pour qu'il soit né de nouveau. Est-ce que quelqu'un a prêché à l'apôtre Paul? Il a écouté une parole pour être sauvé. Vous avez un problème là maintenant. Vous voyez? Christ l'a rencontré en route. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Il te sera difficile de rejoindre contre les aiguillons. Lève-toi, entre dans l'avion, on te dira ce que tu dois faire. Il lui reste là-bas 3 jours comme ça. Là. Saul, le Seigneur qui t'a apparu en route m'a envoyé pour que tu recouvres la vue. À partir de ce moment-là, il s'est levé là qu'on s'approchait de Jésus. Qui lui a appris ça? Était-il né de nouveau? Absolument, il était né de nouveau, pas vrai? A-t-il écouté un évangile pour quelque part pour être sauvé? Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas? Donc, tout ce qu'on prend de la parole peut faire quelqu'un naître de nouveau. J'en ai vu des gens qui sont nés de nouveau au travers des dîmes et des offrandes. Et quelqu'un qui a été même en Arabie Saoudite au point où c'est islamisé. Ils en ont annoncé la Bible quelque part, subitement. Je me vois toujours en train de prêcher sur les offrandes. Je ne comprends pas pourquoi. Il était là, il voulait se lever, il s'est assis. Puis il s'est levé, depuis il est allé en Arabie Saoudite, il allait partout, il n'a jamais écouté ça, il y a des évangiles. J'ai dit, quand j'ai des évangiles, j'ai prêché. J'annonce, je suis en train de dire, les dîmes, c'est comme ça, ça se passe. Il dit qu'il n'a jamais écouté ça, il y a des évangiles. Donc je n'ai même pas parlé de le mystère du royaume. C'est la dîme qui l'a converti. Il a lâché la Bible même pour lui et pour sa femme. Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas? Donc c'est pour cela donc, qu'on ne prépare pas les prédications. Tu vas préparer comment? Que ceux-là-bas, à Yopougon, là-bas, ils aiment trop insulter. Je vais parler de la nécessité des non-insultes. C'est le règlement de compte. Ce n'est pas les oracles du royaume. Les oracles du royaume, c'est que tu te tiens ici et que l'esprit parle le besoin spécifique du peuple. Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas? C'est ça, donc c'est la question des oracles. Donc, si vous commencez à regarder que tel soeur là, il insulte, tel autre soeur, il est vu l'autre jour en bois de nul, tel autre boit un peu d'alcool là. Je vais parler de l'alcool ici, ce que c'est que l'alcool. Tu en as réglé ton compte, ça ne servira à rien. Il faut que ce soit le besoin du peuple. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Oui, mon cher. Pourquoi l'apôtre Paul parle de la honnêteté sur la prédication de la croix? Mais tout tourne autour de la prédication de la croix, tout, même l'Ancien Testament. On a dit qu'on ne peut même pas toucher l'aspect de la croix et puis ça fait naître de nouveau. Parce qu'en réalité, tout de la Bible parle de Jésus. Le mariage qui parle de la Bible parle de Jésus. Jésus est le centre du message biblique. D'accord? On dit les prophètes ont prophétisé ces choses-là qu'on nous annonce maintenant. Donc dans l'Ancien Testament, vous pensez quand l'apôtre Paul entrait dans la synagogue, il n'y avait pas le Nouveau Testament parce que c'est eux qui l'écrivaient. Comment annonçait-il aux Juifs Jésus? Comment? Puisque quand il finissait la synagogue, les gens croyaient. Même les gens qui étaient dans la loi croyaient pour les suivre. Comment il annonçait Jésus? Vous vous souvenez de Acte chapitre 8 là, non? Le nuit éthiopien, il lisait Esaïe. Il dit qu'il a été amené comme les brebis. Dis-moi, de qui est-ce que le prophète parle? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Il dit, partant de là, il annonce Jésus. Partant de là, il annonce Jésus. Donc n'importe quoi de la Bible peut annoncer Jésus. D'accord, on n'a pas besoin de dire qu'il est mort à la croix. En fait, il y a même le prédicateur qui prêche que Jésus est mort à la croix. Hey, il nous a sauvés, mais lui-même n'est pas sauvé. Parce que ça ne fait pas que tu sois sauvé. La connaissance de ces choses-là n'amène pas le salut. C'est que c'est le déclencheur de ce que Dieu a destiné. Ouais. Comprenez ce qu'il s'en est dit? Ok. Et puis quand tu crois, tu as un enseignement. Oui. Là, quand vous êtes sur place comme ça, on annonce que Jésus est mort pour votre péché. Sachez qu'il est mort pour votre péché. Si tu te repens, il va t'accepter. Vous pouvez vous repentir tous là-bas, c'est une personne qui cherche parmi. Vous me suivez ça, frère? Et vous pouvez vous tous repentir, vous fermez les yeux au sol là. Vous pleurez plus que celui qui doit être sauvé. Mais il pêche la personne qui est destinée. C'est ce qu'il a dit. Il a dit le royaume des cieux est semblable à ces filets qu'on jette dans la mer. Quand on prend le poisson. Le poisson qu'on a pris là-bas, si c'est pas le maquereau et que c'est le capitaine qu'on cherche, si tu es maquereau, c'est ton problème. Mais on t'a quand même pris, pas vrai? Donc voilà comment le royaume des cieux. Dieu a ses enfants qu'il a choisi d'avant selon le conseil de sa volonté. Donc il a décidé. Si tu te fâches, fâche-toi. Si tu veux, ne sois plus dans son monde. Si tu fais chip, c'est avec sa bouche que tu fais. Tu dis comme ça, ne bois plus l'eau. Si tu veux, ne reste plus l'air, son air. Vous voyez? Mais vous êtes quand même déjà là. Il peut avancer dans la question suivante. Donc c'est bon avec la nouvelle naissance? Oui, prenons là-bas, oui. Les femmes sont impatientes, alors qu'il dit qu'il veut travailler, hein. Il y a des assez niveaux là. La polygamie. Trois questions. Donc il sent qu'avec les femmes, là, il va avoir chaud là. Trois. Oui. Non, il entend pas ce qu'elle dit. Tu as parlé de dénomination. Dénomination, oui. Ils devront quitter oui. Les dénominations. Tu as parlé aussi des femmes qui ne vont pas porter. Bijoux, pantalons, trucs saucissons là quoi. Et les bagues aussi. Oui. Les mariages. Oui. Ils devront quitter les sites. Mais ça va, si on quitte les dénominations, nous on va dans l'église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire. Donc, quand tu as parlé de ça, ça fait un bon moment oui. Qu'on n'a pas mis pied là-bas. Oui. Hier, nous, on a reçu mon passé, tu es venu demander pardon, on n'a pas voulu. Mais savoir si on peut ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Quand tu es déjà quitté là, c'est maintenant que tu poses la question. Oui. Tu es déjà quitté, tu poses encore la question que tu vas faire comment? Est-ce que tu as dit on doit quitter? Non, mais. Quand j'ai dit on doit quitter, est-ce que je suis venu me te dire que l'église pentecôte, il t'a dit ça à moi? Non, non. Pourquoi tu as quitté? Parce que la vérité, c'est la vérité. Mais si c'est la vérité, comment tu me poses encore la question? Amen. Le but, c'est d'être dans la vérité. La vérité ne se questionne pas. La vérité, c'est vie. D'accord? Si c'est la vérité, je n'ai plus que des choses à dire. Il y a pas de on ne justifie pas la vérité. La vérité se justifie d'elle-même. Mon problème, c'est de savoir si tu as compris le pourquoi tu t'as fait quitter. Parce que je ne suis pas venu dire que t'as là, si tu as fait toi là, quitte l'église pentecôtiste internationale Côte d'Ivoire. Je n'ai pas dit ça. Dans le message, ce n'est pas ce qu'il dit. J'ai présenté la vérité, c'est à qui c'est destiné. D'accord? Si tu es quitté et quitté, connaissant que c'est la vérité, bienvenue. Qu'est-ce que j'ai dit dans le message aussi? Que la mèche, c'est comment? Ça aussi, quand tu as écouté ça, c'est la vérité ou c'est pas la vérité? C'est un peu la vérité. Bon, après d'avoir écouté prochainement, je peux dire aussi, parce que moi, ici, je viens de trouver mes parents dedans, j'ai parlé de percer l'oreille. Oui, tu as trouvé tes parents dedans. Oui, parce que maman a percé mon oreille, moi oui. Aussi, j'ai appliqué ma fille. Tu as aussi percé comme tes parents ont percé. Voilà. Ok, c'est pour ça que tu as suivi. Là, tu connais tes camarades qui ont été prostituées. Tu connais les prostituées. Oui. Pourquoi tu ne fais pas aussi la prostitution comme tu as trouvé? Explique-nous pourquoi tu ne fais pas prostitution aussi comme tu as. On a trouvé aussi la prostitution. Il faut continuer dans la prostitution là. La Bible déclare en 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 5, que nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Il dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la vérité. À moins que vous ne soyez éprouvés. Chaque fois que vous allez prendre n'importe quelle parole, testez d'abord un. Est-ce la parole de Dieu? Est-ce la volonté de Dieu? Si c'est la volonté de Dieu, vous avez deux choix. Soit vous obéissez, soit vous n'obéissez pas. Ce n'est que les deux choix. Et quand vous obéissez, vous allez subir. Vous n'obéissez pas, vous allez subir. Je préfère obéir et subir. Je préfère plutôt obéir à Dieu et subir. Subir par les moqueries, les railleries, les calomnies et tous les autres noms qu'on puisse me donner. Mais pourvu que je sois conforme à Dieu. Donc chaque fois que vous recevez n'importe quoi, vérifiez si c'est la volonté de Dieu. Si c'est la vérité, vous n'avez que deux choix, comme j'ai dit. Soit vous suivez, soit vous ne suivez pas. D'accord? Tu dis mèche là, mais tu appelles ça faux cheveux, non? Dieu lui a donné le frère. Donc on va résoudre le problème des femmes là demain. Donc j'arrive. D'accord? Donc j'avance. Il y en avait, on a fini avec une question concernant la nouvelle naissance. Il y avait une question sur le vin, sur l'alcool, la polygamie. L'église, la polygamie. On commence, tu choisis, on commence par quelle là? Nous sommes par l'église. Pas l'église. L'église. Donc on passe par à l'église là. Ouais. Voilà. Oui. Qu'est-ce qu'on appelle, qu'est-ce que toi tu as, je crois que ça bavarde là-bas derrière, qu'est-ce que vous appelez, on vous a dit que l'église c'était quoi? Non, moi je dis que l'église c'est le corps du Christ, c'est les saints unis. Oui, mais c'est que c'est ça, si tu savais ça, il n'y a plus de poids à donner, c'est la reste. En fait, j'ai écouté une de vos prédications, oui. Une de vos prédications, où tu as dit non que les enfants de Dieu doivent forcément être réunis dans les maisons. Oui. Que si les enfants de Dieu, on se réunissait peut-être dans un bâtiment quelconque, oui, c'est pas ce que tu veux, c'est pas ce qu'il faut. Absolument. C'est pas si c'est ce que j'ai entendu. Oh non, tu as bien entendu, tu as très bien entendu même. Mais c'est pas ça l'église. Donc la définition de l'église, toi-même tu as donné, c'est le corps de Christ, sont les enfants de Dieu réunis. Donc, en fait, il faut bien expliquer le pourquoi, ces choses-là. Il faut expliquer le pourquoi pour que tu saisis, d'accord? Maintenant, d'abord dans la Bible, comment les chrétiens se réunissaient? Ils se réunissaient dans la maison. Mais ça règle le problème, c'est qu'ils ne peuvent même plus avancer. Bon, en fait, quand il y a lu les actes des apôtres, oui, il y a lu, et il y a vu que tous ces rassemblements étaient dus à la persécution. Oui. Les gens se réunissaient dans les maisons. Ok, quand il n'y a pas eu de persécution maintenant, ils se rassemblaient où? Ils ont construit les temples. Bon, ils ont-ils continué? Où? Hein? Dans les maisons. Donc finalement, ce n'est plus à cause des persécutions. Hein? Donc ce n'est plus à cause des persécutions. Bon, comme puisque ils sont maintenant habitués à... Ils sont habitués. Ouais. Ok. Non. Vous voyez, la Bible déclare que toutes les églises de la Judée étaient en paix durant ce moment-là. Mais ils étaient toujours comme ça. Et toi-même, tu dis que c'était toujours comme ça là. Bon, maintenant, dis-moi, ils étaient en persécution, ils avaient des persécutions où déjà? Hein? C'était où ils avaient des persécutions? Ils avaient des persécutions où? Bon, il y avait plusieurs versets où ils étaient en persécution. Où? Hein? Il veut dire de façon... À Jérusalem. À Jérusalem. Est-ce que dans toute la terre où l'église était, il y avait la persécution? Non. Mais à Rome, on voit effectivement qu'il y a 5 maisons là-bas, n'est-ce pas? Quand c'est à Rome, cette fois-ci, il n'y a pas de persécution là-bas. Mais c'était toujours où? Dans la maison. Donc ça veut dire que c'est établi dans la Bible. Maintenant, il y a un verset où ils ont pris dans une école. Allons-y. Qu'est-ce que tu veux dire? Chapitre 19. Oui, acte 19. Ouvre donc. Ah, chapitre 19. Acte 19, verset 10. Oui, l'école de Tyrannus. Ouvre alors, mon frère. Arrête de s'approcher, chapitre 19. Oui. Acte 19, verset 19. On va partir verset 9 d'abord. Verset 9. Oui. Alors il y a. Folie, comme tu disais. Mais comme quelques-uns restaient endurcis, oui, et incrédules, oui, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, oui, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Oui. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Amen. Tu as entendu cela? Oui. Ouvre maintenant Colossiens. Colossiens. Chapitre 4. Versets 14 et 15. Verset 14 à 15. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Saluez les frères qui sont à Laodicée. Oui. Et Niphas. Et l'église qui est dans sa maison. Laodicée se trouve où? En Asie. En Asie. Ah, c'est bien comme toi, tu as répondu. Ouais. Religion en cause là. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Saluez les frères qui sont à Laodicée et Niphas et l'église qui est dans sa maison. Ah, maintenant, ça veut dire que c'est venu qu'en Asie, là-bas, il se réunit aussi dans la maison. Mm-hmm. Voilà. Maintenant, écoute maintenant. Dans Actes des Apôtres, chapitre 19, la Bible déclare que l'apôtre faut entrer dans les synagogues parce que dans les juifs, dans les contrôles, il y avait les juifs, ils avaient toujours des synagogues. quand il vient premièrement, souvenez-vous, le message du royaume concerne d'abord les juifs. C'est d'abord les juifs. Il part d'abord, quand il arrive quelque part, il cherche d'abord là où il y a les juifs. Il leur annonce là, le message juste à ce qu'ils arrivent quelque part, où ils vont rejeter totalement. Il a dit, ok, comme vous vous jugez indigne de la vie éternelle, nous nous tournons vers les païens, car voici ce que nous a ordonné le Seigneur. Il était établi pour être la lumière de nos hommes. Il a sécurisé la poussière, ils sont comme ça maintenant à aller vers les païens. Ça doit d'abord être établi chez les juifs, d'accord? Maintenant, quand ils entrent là-bas, la Bible déclare que quand la foule venait, beaucoup venaient, ils décrivaient la multitude devant le peuple. Il a séparé les disciples qui avaient cru. Ils ont loué une salle. Il y a une école de grec où on a enseigné la philosophie. Il a dit entrez ici, quand vous êtes entrés là-bas, et leur a enseigné la voie du Seigneur, enseigné ce qu'il est en train de dire. Il ne s'agit pas des cadres de l'église, il s'agit des cadres de dispensation de l'enseignement directement. D'autres personnes prennent ça pour faire l'école, mais ce n'est pas l'école biblique. Ils ne donnent pas les diplômes là-bas. Et cela durait quoi? Donc ça ne se peut jamais répéter. Ça veut donc dire que le Saint-Esprit est venu montrer ici que c'est biblique, du fait que tu peux entrer quelque part, si personne n'a pas encore ouvert sa maison, tu trouves un cadre où tu enseignes les gens. Et quand il enseigne les gens, il dit cela, Dieu le dit, que tous ceux qui étaient dans l'Asie crurent. Ils ont ouvert. Voilà l'exemple, Nymphas qui a ouvert désormais sa maison au Seigneur. Amen. Qu'est-ce que tu voulais dire donc? Non, c'est bon, c'est bon. Ça va, c'est bon. C'est tout. Ah, c'est bon, ouais. Maintenant tu sais. Voilà. D'autres personnes prennent ça pour justifier l'école biblique. Il dit que l'apôtre avait une école biblique. Non, je n'ai pas d'école biblique. Non, non, non. Il dit d'autres personnes prennent ça pour dire qu'il y avait une école biblique. Maintenant, moi, je vous pose la question maintenant. Vous avez vu, vous passez partout là-bas, l'église pentecôtiste internationale de la Côte d'Ivoire, l'église Kakoufilou, le seul vrai messager, ainsi de suite que vous pouvez en avoir. Montre-moi un exemple de ce style d'église-là dans la Bible. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Hein? Dans ce cas, c'est nous qui sommes étrangers donc, à la Bible. Nous sommes d'accord. Ça veut dire qu'on est totalement à côté de la Bible. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils feront faire? Il faut revenir, on ne peut pas faire autrement. Il faut revenir à la parole. C'est ça dont il est question. Alors, il faut revenir au modèle de la Bible. Chapitre 20 des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 20. Actes des Apôtres, chapitre 20. Actes des Apôtres, chapitre 20. Donc, venez demain, on va prier. Ceux qui ne sont pas baptisés, qui veulent le baptême, on va aller pour le baptême. Le verset 20, qu'est-ce que ça dit? Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai point craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Vous avez vu ce qui est écrit là-bas, n'est-ce pas? Regardez le verset 17. Des milliers. Cependant, de milliers. Oui. Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Donc ça, c'est cette fois-ci à Éphèse. Et Éphèse est situé où? En Asie. Éphèse, c'est en Asie. L'Odyssée, c'est en Asie. Et on a dit clairement dans ce chapitre 19 que cela durait 2 ans, de point que tous ceux qui étaient dans l'Asie ont écouté la parole. Et l'apôtre Paul donne le renseignement ici qu'il les enseignait publiquement et même dans les maisons. Donc il donne le renseignement qu'en Asie, il y avait des maisons où les chrétiens se réunissaient. N'est-ce pas mon frère? Voilà, je crois que c'est fini avec la question de l'église. Oui, mon cher. Concernant le salut, oui. Vous avez tantôt dit que le Seigneur s'est dirigé vers le peuple juif. Oui. Et puis quand une partie a rejeté. J'ai parlé de l'apôtre Paul. Oui. Le Seigneur s'est appris certaines personnes de différentes nations. Oui. Est-ce que dans la Bible, il y a un nombre défini de personnes qui sont sauvées? Est-ce que c'est dit? Oui. Il y a un nombre de personnes. Exactement, prenez le nombre de personnes. Oui. Oui. Tu veux qu'il te donne le nombre? Il faut que ton cœur batte, hein? Voici le nombre. Acte chapitre 2. Donc, vous notez Acte chapitre 2 et puis Romains chapitre 11, versets 25 à 26. Verset 40. Qu'est-ce que ça dit? Acte 2, verset 40. Il est écrit. Et par plusieurs autres paroles. Non, prends verset 39 d'abord. 39. Car la promesse est pour vous. Oui. Pour vos enfants. Oui. Et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Voilà le nom. Vous avez vu ça, frère? Voilà. Vous avez vu le nombre, non? Voilà. Donc. Il y a un nombre connu des dieux. Amen. C'est ce que la Bible déclare là-bas. Oui. Oui. Tu as parlé du baptême. Oui. On a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui. Non, tu dois te baptiser maintenant, vrai, vrai. Tu n'es pas encore baptisé. Amen. Voilà. Il y a la Bible qui déclare qu'il y en a seulement qu'un seul baptême. Il y a un seul baptême, donc c'est le seul baptême là qu'il faut se baptiser. Baptême au nom du Seigneur Jésus. Oui, mon cher. Très bien. Parcourant les actes des apôtres, j'ai remarqué que c'est lorsque le prédicateur envoyé par Dieu prêche la parole, oui, que tu crois et qu'on te baptise. Oui. La question est, est-ce que croire au message du prédicateur envoyé par Dieu, oui, quelqu'un d'autre qui n'a pas l'Esprit Saint peut te baptiser? Comment quelqu'un n'a pas l'Esprit Saint? Il vient faire quoi dans cette œuvre-là? Il vient faire quoi dans cette œuvre-là au juste? C'est les disciples du Seigneur Jésus qui doivent baptiser. Je le dis pour mon cas personnel. Je comprends. Ça veut dire que si tu doutes, il faut te baptiser, frère. Si votre expérience n'est pas alignée avec la Bible, faites que ça soit aligné avec la Bible. Il ne faut pas qu'il y ait une interrogation quelque part. Quand vous savez qu'il y a une interrogation et que ça vous pousse au doute, faites ce qui est droit. Pour que pour une fois, plutôt que le doute se dissipe. D'accord? Si vous dites que je ne sais pas si c'était au nom du Père, du Fils, le type là même qui m'avait baptisé vivait dans l'adultère. Qu'est-ce qu'il cherche dans sa vie? Si ce n'est pas bon, fais ce qui est bon. Comme ça, tu fermes la page une fois pour toutes. Si tu doutes, avance, fais ce qu'il faut faire. Parce que maintenant, vous savez ce que la Bible demande de faire. D'accord? Celui qui m'a baptisé, qui m'a prêché l'évangile, le jour, quand il me prêchait l'évangile, je ne sais pas comment vous dire cela, je savais par révélation que le baptême se passe au nom du Seigneur Jésus. Or, lui, baptisé au nom du Père et du Fils Saint-Esprit. Quand on est allé à l'eau, je lui ai dit, baptise-moi au nom du Seigneur Jésus. M'a baptisé au nom du Seigneur Jésus. Longtemps après, lui, il vient, je lui explique le pourquoi. Il dit, la personne qui m'a prêché l'évangile. Longtemps après, il vient, je lui explique le pourquoi. Les nouvelles naissances, je vous explique comme ça. Là. Il est étonné, il dit, qu'est-ce que... Ça fait 20 ans qu'il est chrétien. Dieu n'a pas besoin de l'âge chrétien, d'accord? Des questions? Quelqu'un voulait poser une question quelque part? Ou bien j'avance? Donc on a fini avec l'église là maintenant. Ouais, c'est bon. Voilà. Maintenant on passe au vin ou bien à la polygamie. Tu choisis quoi? La polygamie ici. Mais pourquoi vous aimez toujours la polygamie comme ça là? Juste parce que vous bougez la tête comme ça. Non, on sait pourquoi. Ok, vous savez pourquoi. Bon, maintenant je veux que tu. En fait, si je te réponds directement, ça n'aura pas des sonorités que je veux. Je veux que tu poses de ta propre bouche encore la question que tu as posée. Allons-y. Par rapport à la polygamie, tu as dit voilà. Quoi? La polygamie, je veux savoir. Oui. Un chrétien né de nouveau. Oui. Peut prendre une soeur, plusieurs soeurs, s'il a les moyens. Non, faut pas juste qu'il a les moyens. C'est moi qui pose ma question. Mais c'est pas comme ça qu'il avait posé la question tout à l'heure. En fait, ouais. Tout à l'heure, est-ce qu'il a posé la question, est-ce que la polygamie est biblique? Biblique, ouais, voilà. C'est la question. C'est ça, n'est-ce pas? Est-ce que la question est biblique? Oui, la polygamie est biblique. Voilà. Ouais. Biblique comment? Bonne question encore. Le vol est biblique. L'assassinat est biblique. Le meurtre est biblique. N'est-ce pas, frère? Frère, oui, c'est pas ça? C'est clair. Tu avais nous ou bien tu es en train de recevoir le message? Non, je veux couper même. Alors, le meurtre est biblique. La guerre est biblique. Le mensonge est biblique. Tu vois ça, frère? Non, à ce moment, tu ne réponds pas à la question. Non, je suis en train de répondre à la question. Non, il a posé la question, est-ce que c'est biblique? En fait, la question, c'est oui ou non, c'est biblique. Il a répondu, puis il dit la polygamie est biblique. Oui, la polygamie est biblique, oui ou non, c'est biblique, parce qu'on trouve ça dans la Bible. C'est quelque chose qui est biblique. C'est ce que voudrait dire. Non, non, je comprends, on arrive. C'est un processus. C'est pour cela qu'il est tenu à dire que je veux que la question ait la même sonorité, parce que la question, ce qu'il veut dire n'est pas la façon dont il pose. Vous voyez, quand vous posez la question, est-ce que le vol est biblique? Le vol est biblique, parce qu'on voit les voleurs dans la Bible. Tout ce que vous dites qui se trouve dans la Bible est biblique. La dîme est biblique. Mais si on pose la question, est-ce que les chrétiens doivent payer la dîme? C'est une autre chose maintenant. La femme peut-elle prêcher? Oui, elle peut prêcher. Si on va dans la Bible, elle ne doit pas prêcher. Il faut bien dire la chose. La polygamie est biblique, oui. La polygamie est biblique, parce qu'en réalité, on voit qu'Abraham a été polygame. Jacob a été polygame. Samson, Salomon et autres là ont été des polygames. Jésus-Christ lui-même était un polygame. Dieu lui-même était un polygame. Il peut poser maintenant la question. Oui, maintenant pose la question. Ouais. Mais est-ce que le chrétien, oui, peut prendre plusieurs femmes? Voilà. Plusieurs soeurs, plutôt, voilà. Voilà, oui. Sur la façon dont tu as posé la question, c'est oui. Il faut que vous me poussiez dans l'écriture. Non, je ne vais pas te prouver, je vais te prouver. Écoutez très attentivement, ne répondez pas à rien. Il a encore dit une fois de plus, est-ce que le chrétien peut? Oui, il peut, parce qu'il y a des chrétiens qui ont. Est-ce que le chrétien doit? Ah, voilà. Vous voyez, j'essaie de vous aider à poser bien les questions. Poser les questions bien pour avoir les bonnes réponses. Est-ce que, bibliquement parlant, le chrétien a le droit de prendre plusieurs femmes? Si c'est droit, le droit, vous me dites, est-ce que c'est normal? C'est normal. Ça veut dire que c'est pas normal. Aucun verset biblique ne donne aux chrétiens d'avoir plus de deux femmes, parce que la Bible parle d'un homme, une seule femme. Vous voyez maintenant? Maintenant, on peut aller maintenant dans la Bible. Et on peut regarder maintenant les pieds d'achoppement qui ont conduit les gens à se marier avec plusieurs femmes maintenant. Allons dans la Bible. On peut aller dans la Bible maintenant. Éphésiens chapitre 5. Je vais vous donner plusieurs versets. Hein. Je vais vous donner plusieurs versets. Et certains, je vais citer, vous les connaissez déjà, d'accord? Maintenant, écoutez maintenant très attentivement. Je vais corriger quelque chose que je corrige toujours. Lorsque quelqu'un est chrétien, avant d'avancer dans ce domaine-là, il commet le péché. Lorsque quelqu'un est dans ce domaine, dans le domaine de la polygamie, avant d'être chrétien, il ne commet pas de péché. C'est pas ce que vous me saisissez. C'est-à-dire, mais voici. Avant que l'évangile ne me rencontre, j'ai trois femmes. Les pentecôtistes ne comprennent pas la pensée du Seigneur. Disent que quand tu crois au Seigneur, il faut te séparer de tes deux autres femmes. C'est la première qui est ta femme. Qui te dit que c'est la première qui est la femme? Regardez dans votre Bible, si vous lisez le cas de Jacob. Qui est la première femme de Jacob sur le plan premier? C'est Rachel. C'est Rachel. C'est Rachel. Suivez attentivement. Qui, avec qui il s'est connu? Léa. Donc c'est Léa qui normalement est la première femme. Oui, mais qui est sa femme? C'est Rachel. Vous voyez que si vous prenez la pensée humaine, vous allez fausser là-bas, n'est-ce pas? Donc la vraie femme de Jacob, c'est Rachel. Mais la première femme, c'est Léa. Et donc vous vous trouvez donc devant quelqu'un qui a trois épouses. Vous lui dites, si tu es chrétien, tu dois te séparer des deux autres femmes. La première qui est ta femme. Qui t'a dit? Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Qui t'a dit que c'est la première qui est l'épouse? La sagesse des dieux révélée dans les Écritures veut que, comme il l'a compris, ils avancent dans la paix comme ça. Interpellation. Oui. Mon frère suit maintenant. Oui. Là, il est choqué. Il a mis la tête. Non. J'ai dit, il suit maintenant. Que tu veux. Moi, il suit maintenant. Tu vois, il est en train de suivre maintenant. Ouais. Là, il est choqué. Ses yeux sont ouverts maintenant. Ses yeux sont ouverts. Voilà, il ne dort plus maintenant. Il ne dort plus. C'est la différence, je vais montrer. Là, il dormait. Non. Donc maintenant, quand ça touche le fond, là, il a les yeux ouverts. Il a les yeux ouverts. Oui. Il est choqué. Il a raison. Tout ce que tu dois. Il dormait. Ton style, il dormait. Je comprends. Je le connais. Ton style pour mieux comprendre. Ok. Écoutez très attentivement. Oui. Que vous soyez n'importe qui devant moi, n'importe où, je dois dire la vérité. Parce qu'il serait jugé parce qu'il s'en est le dire. Ça veut dire que même si c'est une vérité qui vous choque, vous devez vous arranger à cette vérité. La vérité ne peut pas s'arranger par rapport à vous. C'est à vous de vous arrimer à la vérité. Et je suis prédicateur de la vérité, je dois dire la vérité, nonobstant la personne qui est devant moi. D'accord, frère? Donc, ça veut dire que si vous êtes. Je suis en train de dire ceci. Il faut qu'on corrige quelque chose. Quand on est chrétien déjà, on ne doit pas s'aventurer déjà parce que ça serait un péché, une désobéissance. D'accord? Maintenant, écoutez très attentivement. Mais si vous n'êtes pas chrétien et que vous étiez déjà dans la polygamie, puis vous devenez chrétien, je suis en train d'expliquer ce que les pentecôtistes ont fait pour gâter beaucoup de familles. C'est ces choses qu'il faut corriger. On dit. Madame, si tu es mariée, parce qu'il y a des femmes, c'est généralement les femmes qui sont influencées ainsi. Les femmes croient d'abord. Elle était peut-être quatrième femme. On dit, madame, sache que comme tu es quatrième femme, tu dois quitter cet homme. Vous voyez comment on crée des problèmes dans des familles. Et Dieu n'a pas de problème avec ces foyers-là. Un être vient prendre le nom de Dieu pour créer des problèmes là-bas. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, une femme qui a cru qu'elle a été huitième ou neuvième femme, elle doit demeurer dans son foyer, elle doit être soumise à son mari. Un homme qui a cru qu'il y a 800 femmes. Il ne doit pas chasser les 799 femmes et rester avec une femme. Ce n'est pas biblique. Ouais. C'est le problème, c'est que s'il a cru, il a 800 femmes. Après avoir entendu vraiment la parole telle que c'est prêchée, la vérité qui se trouve en Christ, s'il prend le 801e femme, à partir de là, il pêche. Vous comprenez ce que ça nous dit, n'est-ce pas? Donc, vous allez trouver des chrétiens qui sont polygames, pas qui sont devenus polygames. Je comprends qu'il y a beaucoup de perversions qu'on a à cause de faux enseignements. Les gens se trouvent à terminer là-bas. Donc, normalement, puisque l'évangile, avant de venir quelque part, des gens ont des coutumes. Vous voyez? Il y a des coutumes qu'on peut s'en séparer. Et des choses que vous ne pouvez pas vous en séparer. Quand l'évangile trouve des jeunes filles qui ont des enfants non mariés, et n'étaient pas mariés, vous faites comment avec l'enfant? Vous faites comment avec l'enfant qu'elle a accouché là? Devenez père. Comment? Devenez père de son enfant. On donne le père de son enfant, ça change de la fornication. Non. Vous allez faire comment avec l'enfant? Vous allez le jeter. Non. Il doit se séparer de son enfant. Non. Donc, quand il accepte dans l'évangile, elle fait donc avec l'enfant. Vous comprenez ce que ça veut dire? Elle garde l'enfant. Pourtant, elle a obtenu l'enfant par la fornication. Parce que c'est le geste qu'elle a fait que le Seigneur réprimande. L'enfant n'a rien fait pour faire cela. Elle a été conduite dans le péché, dans l'ignorance. Le péché étant ôté, Dieu ne le regarde plus comme péché. Vous comprenez? Ainsi en est-il de ces cas-là. Vous trouvez avec quelqu'un où vous le rencontrez, il est polygame. Il est polygame. Il ne connaissait pas, il était dans l'ignorance. Chacun de nous avait un train de vie d'ignorance dans sa vie. Et quand on confronte l'évangile, on doit se conformer. Ah, je ne devais pas faire cela. Oh, Seigneur, pardonne-moi. Oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Si ce n'est pas maintenant, c'est des vies et des cœurs que tu as brisés. C'est des désordres que tu as créés. Parce que si cette femme-là qui m'appelle aller quelque part, elle devient adultère, d'après la Bible. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu gardes dans cet état où tu te trouves, sans plus continuer à faire comme ça. Ça veut dire que sans plus chercher en quoi avoir d'autres femmes. D'accord? Éphésiens chapitre 5, verset 22 à 31. Notez, puis je vais donner un autre verset où on va lire. Maintenant, prenons Matthieu chapitre 19. Donc, si vous êtes chrétien et vous avez l'appétit pour les femmes, il vous faut leur délivrance. C'est-à-dire, vous avez une femme, vous n'êtes pas satisfait, vous voulez encore une deuxième. C'est la délivrance qu'il vous faut. La délivrance de qui? La délivrance. De qui? Des deux ou bien de qui? Non, c'est la Dieu. J'ai dit. Dieu doit te délivrer. Ça veut dire que tu as un problème. Vous me suivez, n'est-ce pas? Je suis chrétien. J'ai dit, ah, ma femme, c'est même Gaëlle, elle est belle. Ah, Chantal est belle. J'ai un problème. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Bon, ben, frère. Oui. En fait, je. Bon, en fait, moi, j'ai lu. Oui. Dans une brochure de Frère Branham. Oui. Mariage et divorce. Oui. Où Frère Branham a expliqué comment la polygamie a été introduite. Non, il n'y a pas de problème. Attendez. Oh, okay. Je vais dire quelque chose. Je suis en arrivée. Je veux qu'on lise quelque chose avant d'avancer dans la polygamie. Parce qu'en réalité, c'est pour ça qu'il dit que la polygamie est biblique. Donc Dieu a toléré ça jusqu'à un moment donné. D'accord? Parce que le péché est entré d'une certaine façon. Voilà. Quand le péché est entré d'une certaine façon, la polygamie s'est instituée. Oui. Dieu a laissé la chose aller. Même, ça ne veut pas dire que, comme il a laissé la chose aller, il a accepté. Il a seulement laissé que ça aille jusqu'à ce qu'il restaure les choses comme il se doit. Parce qu'il y a un moment de restauration qui devrait arriver. Ok, maintenant, dans le livre de Matthieu, chapitre 19, prenons-y et on va voir ce que le Seigneur a dit. Chapitre 19, le verset 1, on va s'arrêter au verset 9. Qu'est-ce que ça dit? Il est écrit. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu dans n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Amen. Mais... Ça va. À deux reprises ici, le Seigneur Jésus-Christ s'est référé au commencement. Donc il veut dire, à cet instant, si que je suis devant vous, sachez que les choses sont faites d'après le modèle du commencement. 1. Est-il permis, oui ou non, pour un motif quelconque de divorcer de sa femme? N'avez-vous pas lu? Il est renvoyé où? Dans les écrits? Les écritures. Donc c'est là des écritures qui sont la référence. Et le Créateur a prévu une réponse par rapport à la question qu'on lui a posée. Y a-t-il une possibilité de divorce pour quelque motif quelconque? N'avez-vous pas lu? Vous voyez la façon que le Seigneur traite, n'est-ce pas? N'avez-vous pas lu qu'au commencement, le Créateur fit l'homme et la femme? Avez-vous entendu Jésus dire l'homme et les femmes? Parce que ce n'est pas le modèle du commencement. Ne pouvait-il pas faire un homme et plusieurs femmes? Est-ce que Dieu, à la création, ne pouvait pas faire un homme et une femme? Et plusieurs femmes? En fait, il a pris une seule côte. Combien de côtes avez-vous? 12 pères, n'est-ce pas? Donc ça dit qu'il pouvait faire même 12 femmes une fois. Mais il a fait combien? Une seule femme. Vous voyez? Maintenant, si vous regardez la Bible, vous lisez dans Genèse chapitre 4, vous allez voir que c'est dans la lignée de Caïn que sort la polygamie. Et après, il y a une mixture avec les fils de la lignée, les fils des dieux. On a pris cela pour modèle. Mais Jésus vient, il se tient là-bas, il dit qu'au commencement, il n'en était pas un ainsi. Donc, ça veut dire que si on veut regarder n'importe quoi, on regarde dans l'original, dans le modèle du commencement. C'est ce que Jésus vient de nous dire là. C'est l'enseignement qu'il vient de nous donner au commencement. Et donc, le Nouveau Testament va développer dans cela. L'apôtre Paul, dans Ephésiens chapitre 5 dont je vous ai donné, il a dit que femme, que chaque femme soit soumise à son mari, que chaque mari soit, aime sa femme. Il n'a pas dit que chaque mari aime ses femmes. Vous voyez là, n'est-ce pas? Tu dois aimer ta femme, pas tes femmes. Vous me suivez? Voilà. Donc c'est un homme, une femme. Maintenant, il y a une conséquence dans la mise en pratique de ces choses dans l'église. Les anciens de l'église qui ont été mariés à plus d'une femme sont disqualifiés. Si quelqu'un veut aspirer à la charge d'évêque, il est disqualifié pour être évêque dans l'église. C'est là où l'handicap arrive. Donc même si tu connais les écritures n'importe comment, la Bible ne te permet pas d'être ancien quand tu as eu plus d'une femme. N'est-ce pas mes frères? Comment vous êtes fâchés? Non. Mais c'est écrit dans la Bible, non? Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit mari d'une seule femme. C'est l'une des premières conditions. Qu'il ait des enfants qui ne soient pas accusés ni de débauche ni rebelles. Donc, si tu es un évêque, si tu es un ancien qui doit diriger, si tu faisais l'ancienat et que tu as eu mamie et papi mamie et mamie mamie, tu es disqualifié. Il faut quitter. Sinon, tu vas rendre compte au Seigneur. D'abord, même comment tu y es arrivé? Parce que ce sont les conditions pour que quelqu'un soit ancien de l'assemblée. Vous me suivez, frère? Donc, c'est un homme, une femme. Chaque fois, ce sera comme ça. Vous ne verrez pas dans le Nouveau Testament un homme, plusieurs femmes. Ça ne se trouve pas. Ça se trouve nulle part. Comment, mon cher? C'est dit célibataire aussi exclu, là. Non, célibataire n'est pas exclu. Parce que la Bible déclare en 1 Corinthiens chapitre 7 que chacun détient de Dieu un don particulier. Celui qui a été appelé à marier, qui s'est marié. Il a même dit que les gens, que chacun est sa femme. Il n'a pas dit chacun est ses femmes. Dans 1 Corinthiens chapitre 7. D'accord? Mais si quelqu'un peut rester comme ça sans se marier, qui se marie, mais chacun a sa part de grâce devant le Seigneur. Oui. Est-ce que le célibataire peut être un ancien? Comment? Est-ce que le célibataire, quand il est femme mariée, est-ce qu'il peut être un ancien? Mais on a un type de la Bible qui est l'apôtre Paul. C'est Paul, c'est un ancien, il n'a jamais été marié. Est-ce que Paul n'était-il pas apôtre? Paul était apôtre, mais ancien. Qu'est-ce que tu appelles ancien? Bon, ancien, c'est des... 1 Pierre chapitre 5. Waouh! 1 Pierre chapitre 5. Vous y êtes. Lis le verset 1 du chapitre 5. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Oui. Moi, ancien comme eux. Stop. Qui écrit? C'est Paul. Il est ancien ou il n'est pas ancien? C'est Pierre qui écrit. Oui, mais il est quoi donc? Il est ancien. Comment il est ancien? Il est ancien parce que c'est un évêque. Ancien de Jérusalem. Ah ah. Mais comment tu me poses la question? Il est apôtre ou il est ancien? Non, je parle du cas de l'apôtre Paul. Les apôtres sont des anciens. Les prophètes sont les anciens. Y a-t-il un passage qui montre qu'un ancien était un apôtre? Non, j'ai pas dit qu'un ancien était un apôtre. J'ai dit les apôtres sont les anciens. La réponse n'est pas vraie. Non, c'est vrai. Non, quand quelqu'un dit non, là le pourquoi, laissez les gens s'exprimer. Souvenez-vous de ce qu'on a lu ici dans 2 Timothée. Voilà. Parce que ancien, hein, c'est par rapport à la localité. Il y a l'âge qui compte. C'est plus. Attendez, non. Laissez-le d'abord s'exprimer. Bon, moi, je ne suis pas venu. Oui. Maintenant, apôtre, ça vient de la Dieu. C'est-à-dire que c'est une mission. Non. Il faut écouter. Écoute-moi. D'abord, c'est toi qui dis. Ce que tu dis, tu apportes contradiction. Oh, tu dis que je ne pas, moi je suis venu l'écouter. On m'a dit que écoute, je dis. Comment quelqu'un peut écouter ça? Ancien et apôtre. Tu as vu ça où? Apôtre, c'est une mission, c'est spirituel. Ancien, il y a des conditions. Paul même donne les conditions. Il faut qu'il soit marié. Voilà, et c'est les gens qui choisissent. C'est-à-dire, on essaie de voir les conditions, son comportement. Attends, le mari, il peut même ne pas être marié. Comme Paul dit, il faut qu'il soit mari d'une seule femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est mieux même, c'est de ne pas avoir de femme. Ouais. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que cette femme. Bon, laissons-le s'exprimer maintenant là. Voilà. Donc, voici ce que j'ai dit de la Bible. Oui. J'ai dit les apôtres, les évangélistes, les docteurs, les prophètes sont automatiquement... Oui. Lorsqu'il dit une minute, il va s'exprimer, il doit bien le comprendre. Oui, je vais d'abord dire cela pour qu'il comprenne ce que je viens de dire avant d'avancer. Parce qu'il a dit, j'ai dit un sens, il a plutôt dit l'autre sens. J'ai dit, ils sont les anciens. Tu as dit, est-ce que c'est écrit dans la Bible que les anciens sont les apôtres? J'ai dit, non, c'est pas, j'ai pas dit que les anciens sont les apôtres. J'ai dit, oui, oui. Voilà, dis-nous donc. Voilà. Non, mais comme moi je l'ai dit, je ne suis pas, moi je suis, j'ai été invité. Oui. Je suis venu écouter, quoi, on m'a dit que quelqu'un arrive. Je suis venu l'écouter. Non, mais j'arrive. Je ne suis pas obligatoire d'être d'accord avec tout ce que, mais non. Je n'apporterai pas du trouble ici. Donc, non, non, c'est pas le trouble. Je me dois de rester écouté. Oui, c'est, voilà. Mon frère, ce que je n'ai dit, c'est ceci. Oui. Tu as semblé dire que ce qu'on a de dire là n'est pas de la Bible, que les apôtres ne sont pas des anciens. C'est ce que tu as bien compris. Ce sont les écritures, mais je ne veux pas apporter que voilà, c'est tout. Bon, ce sont les écritures établies, c'est la vérité, non? C'est la vérité. Ou bien vous ne voulez pas croire à ça? Bon, par exemple, vous avez parlé du problème de la polygamie. Votre conception de la polygamie n'est pas aussi ma conception de la polygamie. Oui. Aussi, il y a sur le problème d'ancien. Ce n'est pas comme ça que moi aussi je vois. Bon. Mais je ne voudrais pas, comme je l'ai dit, respecter au moins ma volonté. Mais donc, calme-toi. Oui. Oui, mais je me suis calmé. Est-ce que moi j'ai parlé? Au moins, ça fait que. Non, au moins ça fait qu'il ne dorme pas. Donc, en fait, tu es venu à une conférence. Attends. Conférence veut dire donner. Conférence, c'est donner. Toi, tu penses que ce qu'il a traité. Toi, tu es là, on va te donner. Mais je me calme. Mais c'est pas comme qui a parlé de ce qu'il va expliquer. Je vais parler. Oh, il va expliquer. Oui. Moi, le problème, c'est quoi? Tout est en besoin. Bah, ici, quand on pose question, on prend un verset pour élucider. Oui. Maintenant, on dit de prendre une pierre pour élucider. Je ne sais pas pourquoi on discute. Mais juste là, il a dit que c'est l'écriture, mais il a dit que c'est. Si Pierre, c'est apôtre. Il dit que moi-même, je suis ancien. Ancien. Donc, apôtre, c'est pas ancien. Bon, j'arrive. Apôtre, j'ai dit, Paul Pierre, par exemple, dit que lui, l'ancien. Oui. Un ancien, qu'est-ce que les écritures disent? Les écritures sont formelles sur l'établissement des anciens. Oui. Mais s'il se trouve déjà marié à une seule femme, oui. Irréprochable qu'il soit ancien. Oui. L'apôtre Pierre, il est ancien de l'église. Un ancien est un ancien d'une église, d'une localité. Oui. Il n'est pas un ancien de plusieurs églises. Oui. Très bien, un ancien. Mais l'apôtre Pierre, quand même, était un ancien. Oui, il était ancien de l'église de Jérusalem. Oui. Très bien. Oui. Mais Paul, lui, il était un apôtre. Oui. Pierre était un ancien, en même temps un apôtre. Oui. Donc il était un apôtre, en même temps un ancien. Oui, il était ancien de sa localité. Non, attends. J'en viens. L'apôtre Pierre est d'abord apôtre. On connaît d'abord depuis comme oui, apôtre. Oui, il est apôtre, oui. Il se présente comme un ancien. Voilà, ancien parce qu'il est marié, sa femme, il a sa famille là. Jean aussi, Jean, l'apôtre déjà était marié. Hein? L'apôtre Jean était marié. Le mariage n'est pas une condition. Attends, non, attendez. C'est là, il faut présenter seulement. C'est les écritures qui sont présentées. Mais c'est les écritures. Bon, est-ce que l'apôtre. Tu es marié? Bon, tu as une contradiction. Suivez. Suivez, mon frère, est-ce que l'apôtre Jean était marié? L'apôtre Jean? Oui. Est-ce que tu as. Comment on appelle? Tu as le CV de Jean. La Bible ne nous présente pas le CV de Jean. Vrai ou faux? Donc, dans ce cas, comment tu sais que l'apôtre n'a pas été marié jusqu'à sa fin? La Bible présente le CV de l'apôtre Paul. Mais Paul il dit que Dieu veut que tout le monde soit comme moi. Oui. Parce qu'il est célibataire. Les écritures. Là, il est vivant. Après, il a fait plus de 30 ans par la suite. Qui te dit que par la suite, n'a pas. Il a dit par exemple qu'il a engendré qu'un enfant était dans la chair, dans la chaîne. Onésime qu'il a engendré. Paul n'avait pas. Bon, comme j'ai dit, oui. Je ne suis pas venu pour, comme dans l'esprit de l'autre là. Oui. Donc, je préfère. Donc, on a. Donc, voilà. Jean était ancien, n'est-ce pas? Jean, l'apôtre Jean. Ça dit, ne m'oblige pas à aller au-delà de. Non, je crois. Non, que... je comprends. Ils sont les 10 ici. Ils sont les 10 ici. Jean. Deux Jean. Puisqu'on va discuter. Deux Jean. C'est ça, il faut communiquer. Deux Jean. Même polygamie, là. Moi, on va parler de Jean. Deux Jean. Le verset 1 de deux Jean, qu'est-ce que ça dit? Le verset 1. L'ancien. À Kyrias. Je lui et à ses enfants. À ses enfants. Qui a écrit ce. Qui vient de la vérité? Qui a écrit cela? Il se présente ici comme quoi? Jean n'était pas marié. Est-ce qu'il y a un passage qui nous dit que Jean n'était pas marié? Il n'y a pas un passage qui dit que l'apôtre Paul n'était pas marié. Non, mais si tu vois pas ça dans la Bible. Si tu ne vois pas ça dans la Bible aussi, il ne faut pas inventer. Mais là, c'est inconscient. Les anciens, je ne peux pas comprendre. Ma préoccupation, c'était pour l'apôtre Paul. Donc, oui. Pour que Paul dit simplement que voilà, chercher une femme. L'ancien doit être marié d'une seule femme. Oui. Ça suppose que l'ancien. Doit être marié. Ouais, son mari, il ne peut pas être polygame. Oui. Bon, on dit qu'il soit. Non, suivez attentivement. Ça veut dire que la condition pour être ancien, c'est que s'il est marié, qu'il soit marié seulement une seule femme. C'est ce que la Bible est en train de dire. Si tu es marié, que tu sois marié à une seule femme. Parce que la Bible dit clairement qu'il y a des gens que Dieu a appelés comme étant des eunuques. La Bible dit qu'il y a les gens qui l'appellent comme étant des eunuques. Chacun des eunuques de Dieu, un don qui lui est propre. Voilà. Saverne dit par exemple que il n'est pas, le mariage n'est pas une obligation. Le mariage n'est pas une obligation. Mais si tu es marié, la condition que ça doit être respecté dans ces conditions des enseignants, c'est que ce soit avec une seule femme. Quand tu prends le test. Tu vois maintenant, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'ancien avec plus d'une femme. Oui, là je suis d'accord avec toi. Voilà. L'ancien doit être marié. Non, ce n'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Lorsque la personne dit, oui. S'il y a chez vous là-bas des gens mariés à une seule femme, oui. Ça décrit noir sur blanc. Non, non, c'est écrit, mais ce n'est pas ce que tu es en train de dire. Il n'a pas dit des mariés, donc tu es en train de dire. D'accord? Avance là. Avance là. Suis attentivement. Puis, suis mon cher. Ne pas te cacher derrière cette phrase chaque fois parce que c'est l'échange. D'accord? Si c'était des instructions qui sont venues vous dire, quand il va vous dire les instructions, ce sera indiscutable. Il ne discuterait pas avec vous. Suivez très attentivement maintenant. Quand il va sortir la voix pour dire ce que je suis venu vous dire, il ne poserait pas de questions sur vous là-dessus. Parce que ça ne vous engage pas, ça m'engage et avec Dieu. Vous voyez? Donc je ne vous poserai pas de questions si vous dites quoi que ce soit contre cela. Ici, il s'agit des gens. Vous avez des préoccupations, j'y réponds. Donc, si vous vous cachez comme ça, il dit que moi, il pense que je ne peux pas dire quoi que ça ne marchera pas. Nous devons nous entraîner. Peut-être je peux être dans l'erreur. Tu m'amènes la chose et puis je corrige. Peut-être c'est toi qui peux être dans l'erreur comme celui-ci. On corrige. Mais quand il s'agit de l'instruction du Seigneur, l'instruction du Seigneur est indiscutable. Alors maintenant, quand vous lisez dans la Bible, il déclare que première condition, il faut qu'il soit irréprochable. Mais tu n'as pas regardé la condition là, que premièrement, pour vous conduire l'ancien, tu dois être irréprochable. Donc, on doit être reproché de rien. Donc, il faut que tu respectes la condition là avant de postuler au poste d'enseignant. Oui. Donc, l'irréprochabilité est exactement obligatoire. Oui. D'accord? Oui. Mari d'une seule femme, ayant des enfants. Donc, si tu es marié et que tu n'as pas encore d'enfants, qu'est-ce que tu as en fait? Tu ne dois pas être ancien, n'est-ce pas? Bon, j'arrive. Oui. À ce titre, la personne est mariée. Oui. Il n'a pas d'enfants. Donc, il ne peut pas être ancien. Si nous voulons prendre la chose de façon légaliste, oui. Alors nous dirons qu'il n'est pas capable d'être ancien. Mais. Si une assemblée est née, oui. Et qu'il y a des gens capables d'enseigner, oui. Qui sont mariés, oui. Même s'ils n'ont pas d'enfants, on peut le faire oh. Parce qu'ils sont supposés avoir des enfants. Oui, on peut tolérer cette marche. Voilà, mais comment tu vas tolérer alors que tu dis, parce que tu as dit, parce que tu as dit tout à l'heure là que c'est écrit noir et blanc qui doit être marié. Et c'est après l'écriture, il doit être marié, il doit avoir les enfants. Eh bien, comment tu commences à tolérer? S'il n'a pas d'enfant, ça veut dire qu'il est discavé pour être ancien. Bon, d'accord, j'arrive. Oui. L'apôtre Paul, moi, oui. Je ne vois pas un passage où l'apôtre Paul se présente comme un ancien. Vraiment? Aucun passage. Il n'a pas besoin de se présenter ainsi. Non. Il n'y a pas un. Par exemple. Il s'est présenté comme ancien. Non, attends. Et Jean aussi s'est présenté comme ancien? Non. Attendons. Oui. S'il avait la nécessité de se présenter comme tel, il se présenterait. D'accord? Maintenant, regarde, suis attentivement maintenant. Ouais. Si tu lis Actes des Apôtres, on a lu au chapitre 20. Quand il s'est mis parmi les anciens pour parler, il est ancien. Tu n'as jamais lu ça dans les écritures. À sa qualité d'apôtre, faut pas expliquer. Qu'est-ce que tu appelles apôtre? Non, laissez l'autre frère s'exprimer. J'ai arrêté. D'accord. Dans Actes chapitre 20, le verset 17, on dit qu'il était à Milet. Il a envoyé de façon spécifique appeler les anciens de l'église. D'accord. Là-bas, il a dit que. Pendant des années, une année, je suis passé au milieu de vous, vous exhortant les uns les autres, un à un. Donc, il joue la qualité d'ancien là-bas. Il n'a pas besoin de dire que je suis ancien. Il s'est présenté comme apôtre, parce qu'il se présente comme apôtre. Paul n'a jamais eu monde de voir. Bon, je crois que je vais poser la question pour que ça essaie de les résoudre. Oui. Ancien, il faut que tu expliques ancien. Non. Ancien parce que je suis ancien par mon expérience. Ancien en tant qu'évêque d'église, c'est différent. Non, voilà. Voilà, je crois qu'il va falloir que j'explique ces termes-là pour que ça règle le problème. Mais je vais te dire quelque chose. Je vais ajouter quelque chose. Oui. Parce qu'en fait, ancien, moi je pense que ce n'est pas lié à une localité. Non. Ancien, c'est constitué d'une localité. En fait, il y a un problème. C'est cette base-là. Paul étant apôtre. Alors, comment Paul peut être vraiment ancien? Ancien, ancien, de quelle localité? Ne vous inquiétez pas, j'en viens. C'est pour ça que vous allez lire votre Bible. Maintenant, regardez-moi maintenant attentivement. Ce sont des apôtres? Non, regardons. Je peux y aller maintenant. Je peux y aller. Allez-y. La structure de l'église. Qui est la tête? Christ. Nous sommes d'accord que Christ est la tête. Ouais. N'est-ce pas? Ok. Christ est la tête. La plus grande et haute poste de l'église locale, c'est qui? Les évêques. L'église locale. Je vais donc me positionner l'apôtre et le prophète. Positionnez-les. L'évêque, l'apôtre, il est ce que l'évêque est dans la localité. C'est-à-dire, l'apôtre, lui, il dirige plusieurs, il supervise plusieurs localités. Oui. Alors que l'évêque, lui, c'est-à-dire qu'il suivait seulement sa localité. Bon, l'apôtre Paul, Pierre était apôtre de quelle localité? Il suivait quelle localité? L'apôtre Pierre, oui. C'est-à-dire qu'il était évêque à Jérusalem. Non, tu parles de l'évêque. Oui. Tu as défini l'apôtre comme celui qui suivait plusieurs localités. Voilà. L'apôtre Pierre donc, et Jacques qui était le grand comme le colonne de l'église de Jérusalem. Oui. Ils sont apôtres de quelle localité, plusieurs localités? Paul était non, parle pas de Paul. Suivez bien la question. Suivez bien. Oui. Ok. Nous sommes à Jérusalem. Ils sont regardés comme les colonnes. Les premiers apôtres, oui. Pierre, Jacques et Jean. Oui. L'apôtre Pierre, de façon spécifique, suivait quelle localité? Bon, l'apôtre Pierre, oui. En tant qu'évêque. Oui. Non, pas en tant qu'évêque. Je parle de l'apôtre. Nous parlons du traitement des termes apôtre d'une façon et puis évêque d'une autre façon. On va y arriver, d'accord? Oui. L'apôtre Pierre, parce que qu'est-ce que les assemblées sur lesquelles il surveillait? Toutes les assemblées, oui. Qui étaient en Israël, tu les juifs, oui. Il était leur apôtre. Parce que lui, il a dit, je suis apôtre des juifs. Donc, ça Paul a fait, de la même manière que Christ a fait de moi apôtre des juifs. Oui. Et comme on appelle Paul, lui, l'apôtre des païens. Voilà, maintenant, écoutez très attentivement. Et l'apôtre Paul, nous avons lu partout là, dans les localités où ils entraient, il allait dans la synagogue pour aller prêcher aux juifs. L'apôtre Paul s'empiétait sur le territoire de l'apôtre Pierre. Nous sommes d'accord. L'apôtre Paul... Attends, ça, pas des synagogues, là. C'est les juifs. Comment les juifs, certains juifs se trouvaient... Dans les localités je comprends très attentivement. Voilà. Suivez-moi attentivement. Voilà. Suivez très attentivement. Sachant que les juifs aiment les synagogues. Oui. Quand ils vont, ils vont. Non, suivez très attentivement. Voilà. Suivez très attentivement. L'écriture. C'est hors de Jérusalem. Parce que dans tout, on a vu aujourd'hui à Corinthe et ainsi de suite. D'accord. L'écriture prévoit que c'est Paul qui est l'apôtre des gentils. Oui. N'est-ce pas? C'est ça. L'écriture prévoit que c'est Pierre qui est l'apôtre des juifs. Oui. Donc partout où il y a les juifs, c'est l'apôtre Pierre. Nous sommes d'accord. Oui. Dans les synagogues qui partaient prêcher, qui partait prêcher dans les synagogues dans les contrées étrangères? Qui? Je parle en termes de surveillance des églises. Oui, là, c'est avez... Paul. C'est qui? C'est Paul qui le faisait. Pourquoi c'est Paul qui allait faire chez les juifs? Pourquoi? Parce que ceux-là ne sont pas dans les locales, ne sont pas, ils se sont séparés, ils sont pas dans à Jérusalem. Attends, donc attendez, suivez, vous voyez, oui. Il faut qu'on développe pour qu'on voit là où il y a les erreurs. Lui qui a pour des païens, là. Pourquoi il allait chez est-ce que Jésus a dit que il est, est-ce que Jésus, notre Seigneur, a dit que l'apôtre Pierre est apôtre des Juifs dans la localité des Juifs, c'est-à-dire qu'en Israël. Voilà. Il a délimité son territoire où il a dit qu'il est apôtre des Juifs tout court. Je ne sais pas si vous me comprenez. Pierre. Est-ce que le simple fait que le Seigneur a dit que Pierre, tu es l'apôtre des Juifs, toi tu es l'apôtre des gentils, ça veut dire que partout où il y a les Juifs, c'est celui qui t'annonce. Partout où il y a les païens, c'est celui qui annonce, c'est ça? Ce n'est pas de cette façon, comme je le disais. Oui. Suivez-moi très attentivement. Oui. Je disais, lorsque les Juifs sont installés oui. sur le territoire des nations, oui. alors Paul, il les évangélise plus que ceux-ci. Ils sont considérés là-bas comme les nations ou bien comme les Juifs. Ils sont considérés des Juifs, mais c'est pas pour cela qu'il va appeler Pierre. Pierre, ben, il y a des Juifs ici, hein. Viens, tu as. Non. Alors, dans ces cas, je réponds d'où ma question. Quelles sont donc les églises? C'est là qui se trouvait. Où est-ce que l'apôtre Pierre, quelles sont les églises donc, ou l'église ou l'apôtre Paul, en tant que l'apôtre Pierre, en tant qu'apôtre suivait? Parce qu'il a dit que, d'après la définition qu'il a donnée, que l'apôtre a plusieurs localités oui. où il suivait en tant qu'apôtre. Laquelle des localités l'apôtre Pierre, en tant qu'apôtre des Juifs, suivait? L'église. J'arrive. Lorsqu'il y a eu des convertis, dans une localité, je ne sais pas, c'est quoi, c'est Thiers. Des gens sont allés convertis. Voilà, Samarie. Oui. C'est les Juifs. Oui. Rapidement, Pierre, on a appelé les Pierre. Attends. Ce sont les Juifs qui sont convertis en Samarie. Hein? En Samarie, la HP, oui, ce sont les Juifs qui sont convertis là-bas. Donc, ça veut dire que tu m'as compris. Non, je pose la question. Je pose la question. Ça veut dire que tu m'as compris. Quand Pierre, quand Paul, par exemple, les Juifs sont sur le territoire des païens, Je suis mon frère. Quand Pierre part même là-bas avec Jean de HP du Nord, l'apôtre Paul n'est même pas encore converti. Oh. Nous sommes d'accord, non? Oui. Dans HP du 8, c'est au chapitre 9 que se trouve la conversion de l'apôtre Paul. Oui. Donc je recommence encore. Lorsque l'apôtre Pierre et Jean vont sont envoyés, et c'est Philippe qui peut évangéliser là-bas, et il croit au travers de Philippe. oui. L'évangile de Philippe, mais c'est même pas l'apôtre Pierre qui avait évangélisé là-bas. Oui. Ils ont entendu que la Samarie avait reçu la parole. Ils ont envoyé Jean et Pierre pour qu'ils prient pour, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire? Qu'est-ce que tu voulais dire? Mais ce ne sont pas les Juifs qui ont été crus. Ce sont les Samaritains, c'est un autre peuple en dehors des Juifs. Très bien. Voilà. Si tu te trouves dans la localité, comme c'est qui me rejoint. Oui. Si tu te retrouves dans la région des Juifs. Oui. Il est de bonne guerre qu'on appelle Pierre et autres, c'est-à-dire un juif des juifs pour aller les évangéliser. Oui. Et en ce moment encore, Paul n'était pas encore, oui. Comment on appelle, apôtre. Oui. Oui. Même et si c'est Paul ça? Était apôtre même, il oui. était de bonne guerre qu'on appelle Pierre et autres, les juifs pour aller. C'est dans la localité. Deux pieds, chapitre. Le pacte, alors, tiens. Oui. D'abord, si tu es un homme de Dieu, sache que les pactes sont partagés. Oui. Lorsqu'il y a des apôtres, oui. les pactes sont partagés. Oui. Quand Dieu appelle un apôtre, il lui montre. Les limites de son travail. Oui. S'il travaille en dehors de ses limites, oui. Dieu ne considère pas ça. Oui. Non, c'est les territoires qui sont partagés. Donc, l'apôtre Pierre qui part à Césarée annoncer à Corneille. Corneille est juif. J'arrive bien. Parce que de façon spécifique, son territoire est tracé. Il doit annoncer, il est appelé apôtre des juifs. N'est-ce pas, mon frère? Oui. Vous voyez, Pierre n'était pas un juif. Pardon? Pierre n'était pas. Enfin, je vais dire, non, Pierre, il n'était pas habilité à annoncer l'évangile aux Juifs. Parce que pour eux, dans leur tête, l'évangile là, oui. On doit annoncer qu'aux Juifs. Oui. On ne doit pas annoncer aux païens. Voilà pourquoi, quand Dieu voulait envoyer Pierre dans la maison de Corneille, il lui a fallu une vision. Non, suivez-moi très attentivement. Corneille n'est pas juif. Lui, en tant que Pierre, oui. il avait reçu les clés du royaume. Oui. C'est lui qui devait ouvrir en même temps pour les Juifs et en même temps pour les païens. Oui. Donc en allant chez Corneille, c'était une manière d'ouvrir l'évangile aux païens. Afin que par la suite, Paul vienne prêcher. Voilà. Oui. C'est donc, comme ça. Donc tant qu'il ne fait pas ça, l'apôtre, vous ne pouvez pas prêcher. Mais c'est l'ouverture. C'est l'ouverture. Oui. Le frère Bakmani le dit clairement. Oui. C'est clair, c'est l'ouverture. C'est l'ouverture de l'évangile pour les païens. Acte chapitre 15. La réunion a pris un caractère conventionnel et non conférencier. C'est ce que je voulais éviter. Souvenez-vous de ceci. Souvenez-vous de ceci, c'est dans l'ordre des choses. Parce que de ce que nous sommes en train de dire, la vérité jaillit et les choses sont mises de côté. D'accord? Acte chapitre 15. On a fait le pain, mais pas. Acte chapitre 15. Acte des apôtres chapitre 15. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Après, quand vous allez prendre Acte chapitre 15, vous après tout à l'heure, j'ai deux pieds. Regardez, je suis dans chapitre 15. Verset 13 et suivant. Oui. Lorsqu'il eut cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Homme frère, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Oui. Et avec cela, s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. Oui. J'en réparerai les ruines. Oui. Et je la redresserai. Oui. Afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur. Oui. Ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué. Ça, c'est Jacques qui parle, n'est-ce pas? Quand ils ont fini de parler. Revenons maintenant au verset 7. Verset 7. Je veux que tout le monde suive maintenant. Le verset 7 dit. Oui. Interpellation. Oui. Le repos, c'est à 14h. Oui. Le mois 10. Dans 10 minutes. Oui, oui, dans 10 minutes, donc on va entrer dans le repos. On va respecter. Le mois 10. Oui. Rapidement donc. Le verset 7 dit. Une grande discussion s'étant engagée. Oui. Pierre se leva et leur dit. Homme frère, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous. Afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils puissent. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Maintenant, alors, allons-y. Qui a parlé ici? C'est Pierre, n'est-ce pas? Oui. L'apôtre Paul a parlé au milieu de la conférence. Et là, dans cette conférence, se trouve l'apôtre Paul. Nous sommes d'accord? Il dit à cette conférence, se trouve l'apôtre Paul. En fait, verset 5 raconte comment Barnabas et Saul vont raconter comment Dieu a été manifeste dans les différents ministères au travers des païens. Ici, il se tient debout, il dit Il y avait une grande discussion qu'on a eue tout à l'heure, mais leur discussion était constructive, pas destructive, n'est-ce pas? Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit, « Homme, frère, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils crussent. Et Dieu qui connaît le cœur leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme en nous. » L'apôtre Pierre parle de quoi ici? Ici, il parle d'abord de l'ouverture, c'est-à-dire ce qui s'est passé à Corneille. Oui. C'est de ça. Oui. C'est de ça qu'il parle. Oui. Où il allait, Dieu a permis qu'il fasse une ouverture. Oui. Une ouverture à je connais. Oui. C'est de ça qu'il appelle ici. Oui. C'est ce qu'il appelle ici. Il dit, Dieu a fait un choix longtemps parmi eux afin que ce soit par sa bouche que les païens écoutent la voix. Il n'a pas dit que les païens écoutent la voix pour la première fois. En fait, j'arrive. Mais lorsque Paul a dit, lorsque Paul dit que Dieu a fait de Pierre apôtre des Juifs, il dit, et moi, il dit apôtre que, des nations. Il dit, n'est pas un Dieu de désordre. Non, c'est pas un Dieu de désordre. Il est loin de là. Voilà. Loin de là, d'accord. Ce que son vous l'a dit, c'est ceci. C'est que notre frère a dit ceci, n'est-ce pas? Qu'un apôtre est établi sur beaucoup d'assemblées. Oui. C'est ça, non? Oui. Il y avait Barnabas, par exemple, qui était un apôtre. Oui. Il y avait plusieurs apôtres là-bas. Oui. Est-ce qu'on peut voir les églises où ils sont établis par rapport à leur étendue? Bon, c'est vrai. Oui. Vous voyez, Paul, lui, vous voyez, parce que les évangiles là, oui. Comme on appelle Actes des apôtres, oui. Ça a été écrit par Luc. Luc, oui. Luc était un collaborateur direct de Paul. De Paul. Mmh. C'est pourquoi il a suivi les voyages de Paul et il a retracé. Oui. Voyez, il n'y avait personne pour suivre pour les autres. Les autres étaient suivis par d'autres personnes. Mmh. Mais comme eux, ils n'ont pas eu. Un écrivain, un script. Un script pour écrire. Oui. Voilà pourquoi leur temps ne se trouve pas dans les écrits. Oui. Il est né à enlever tout ça. Oui. Voilà. Donc, moi, c'est comme ça. Vous voyez, sinon, chacun a eu son terrain. Oui. Barnabas, après qu'il y a eu une séparation entre Barnabas et Paul, oui. Paul est parti de son côté. Oui. Et Barnabas est parti de son côté. Barnabas a créé des églises. Paul a créé des églises. Mais comment tu... Non, là, l'église, l'écriture ne dit pas. Comment tu peux savoir que là, parce que partout où Barnabas passait déjà avec l'apôtre Paul, Barnabas n'établissait pas une église. Comment vous dites maintenant que c'est lorsqu'il s'est séparé de l'apôtre Paul qu'il a commencé à créer une église? Parce que dans la Bible, là, on suit Barnabas. Partout où il passe, il fortifie l'esprit. Il est un apôtre exhortateur. C'est ce qu'on voit dans l'écriture. Quand il passe partout, il fortifie l'esprit des disciples. Et le Saint-Esprit dit au chapitre 13 des Actes des apôtres que mettez-moi à part Saul et Barnabas. Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Il a dit Paul, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Oui. Quand ils ont été envoyés par le Saint-Esprit, ils sont allés à une première mission. Oui. Et pendant leur première mission, ils ont associé, comme on appelle là, Jean-Marc comme aide. Oui. Ils ont fait la première mission. Oui. Ils ont été convertis. Oui. Mais à Pamphylie. Oui. Ils vont se séparer à cause de la dissension. Non, non, non. Puisque Marc ne les a pas suivis. Non, non. À Pamphylie, Jean-Marc les a abandonnés. Abandonnés, oui. Donc, il n'a pas continué le reste de la mission. Oui. Maintenant, un jour, Paul dit bon, ceux qu'on a convertis là, oui. allons les rendre visite. Oui. Maintenant, Barnabas. Veut prendre Marc, qui les avait abandonnés depuis. Allons-y avec Jean-Marc. Mm-hmm. Paul dit non, Jean-Marc, c'est un plaisantin, il nous a abandonnés. En cours de route, oui. On ne peut plus aller avec lui. Oui. Et on dit que la discussion a été tellement vive qu'ils se sont séparés. Mmh. Paul a pris Silas, qui était prophète, pour aller de son côté. Oui. Et, comment on appelle Il a pris son cousin. Lui, il a pris son cousin, oui. Jean-Marc, pour aller. Oui. Mais quand il est parti, il a travaillé. Oui, mais je voici la question. Il a travaillé, mais seulement comme je l'ai dit. On n'a pas retracé ce qu'il a fait. Il n'a pas retracé ce qu'il a dit. Bon, mais ça veut dire que l'écriture nous présente le modèle. Il n'y a rien d'absent dans l'écriture qui peut nous donner peut-être une obscurité. C'est-à-dire que la façon de fonctionner, le Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit a permis que nous ayons, c'est ce qu'il veut qu'on sache. C'est parce que Paul était l'étoile de son temps. C'est pourquoi Dieu a permis qu'on le suive. Parce que son modèle allait servir pour l'Église tout entière. Voilà, ça veut dire que c'est ce modèle qu'on doit suivre, n'est-ce pas? C'est ce qu'on lui dit. Il voulait dire que si la Bible n'a pas dit quelque part, on ne peut pas supposer, parce que du temps où Barnabas était avec l'apôtre Paul, on n'a vu nulle part où Barnabas, lui, il a fondé une assemblée. Mais la Bible nous présente qu'ils allaient travailler en collaboration. À chapitre 14, l'apôtre Paul annonçait, on a même appelé qu'il était Jupiter, parce que celui qui portait la parole, l'autre était Mercure. Oui, mais ça, c'est au moins ils étaient ensemble. Ensemble. Mais au moins quand ils étaient séparés là. Oui. On n'a plus fait les commentaires de ce qu'il fait. Voilà. Mais ce que j'en ai dit, c'est que, est-ce que c'est que. En fait, voici la question que j'en ai cachée derrière. Est-ce que tous les apôtres fondent les églises? Tous les apôtres, en principe, doivent fonder des églises. Non, doivent. Un apôtre. Non. C'est ça? Oui. Un apôtre, son rôle, c'est de fonder les églises. Si tu ne peux pas fonder l'église, c'est que tu n'es pas un apôtre. Donc, on peut dire que l'apôtre Pierre a fondé l'église de Jérusalem. Après, c'est lui qui a fondé l'église. Puisque sa soeur, il a fait deux prédications, il était 5000 personnes. Oui. Qui a fondé l'église. Donc, ils étaient ensemble. Oui, ils étaient ensemble, mais c'est lui qui était le porte-parole. C'est lui qui a ouvert la bouche pour la première fois. Première fois, 3000 sont convertis. Deuxième fois, 2000 sont convertis. Ça fait combien? 5000 personnes. Et on a, il y en a besoin de combien pour l'église? Et à Samarie, qui a fondé l'église là-bas? À Samarie, quand il y a eu la dispersion, les gens en fuyant. Ils sont allés annoncer l'évangile. On de quand façon ils annoncer l'évangile, des gens sont convertis. Non, on dit de façon spécifique, qui l'a fait? On dit qui dans, pour le cas des Samaries? C'est Philippe l'évangéliste. Il a fondé l'église ou il n'a pas fondé? Il a fondé l'église. Donc, est-ce que les évangélistes fondent aussi l'église? Les églises, ils fondent les églises. Donc, finalement, ça dit que la fondation de l'église n'est pas seulement l'apanage des apôtres. Mais les évangélistes, eux s'arrêtent au baptême. C'est pourquoi quand il a fait le baptême, il n'a plus. C'est pourquoi tu fais deux. Non. Il a fallu les apôtres pour venir imposer les mains. Non, là, c'est une autre chose. Il parle de l'église. L'église, c'est pour la constitution. La question, il y a le avoir. Donc, écoutez très attentivement. Je veux parler que les églises locales sont organisées par les apôtres. Non, ça c'est clair, parce que c'est eux qui ont la doctrine avec les prophètes. Mais je parle en tant que fondation, parce que même si à n'importe quelque chose quelque part, c'est la correction amenée par les apôtres et les prophètes. Mais ce qu'on a dit, c'est ceci. Vous avez moi? Allons-y maintenant. Vous avez lu, on a lu Acte chapitre 15 là maintenant, n'est-ce pas? Allons-y dans 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1. Verset 1. Verset 1. Oui. Il est écrit. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Oui. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Amen. Maintenant, au chapitre 1, le 1 Pierre maintenant. 1 Pierre. Pierre. Oui. Chapitre 1 encore, verset 1. Il est écrit. Oui. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, 2, la Cappadoce, 3, l'Asie, 4, et la Bithynie. Oui. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père. Amen. Par la sanctification de l'Esprit. Il est où le frère ici? Afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Donc, de façon spécifique, on voit ici les destinataires que l'apôtre Pierre écrit. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Parmi ces destinataires, il écrit aux Galates. C'est ça qu'il a écrit là-bas, n'est-ce pas? Est-ce qu'il est habilité à écrire à l'église des Galates ou c'est le rayon de l'apôtre Paul en tant que païen? En tant qu'apôtre, il a aussi le pouvoir d'écrire à ses églises pour les autres. Ça pose un problème que nous avons eu dès le départ ici. Vous voyez, je crois que le frère n'a pas suivi. Vous voyez le problème là, n'est-ce pas? Les parkings sont partagés. Parce qu'il a dit que les parkings sont partagés et on ne doit pas empiéter sur le territoire de l'autre. C'est ce qu'on a dit ici, n'est-ce pas? C'est ce qu'on a dit ici. Et on se voit ici, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul écrit à l'église de Corinthe, à l'église ici. Mais c'est ça. Nous voyons l'apôtre Pierre faire la même chose ici. Il dit à tous ceux qui sont dispersés dans le pont. La Galatie, la Bithynie, ainsi de suite. La Galatie, Galate, c'est la région des païens. Et voici un apôtre des Juifs qui s'adresse aux païens là-bas, à tous ceux qui sont dispersés là-bas dans ces zones-là. A-t-il le droit de faire cela en tant qu'apôtre des Juifs? Tu me poses la question. Comme je dis, les parkings sont partagés. Ouais, c'est bien comme ça, pas suivi, ça va en avenir. Là, voilà. Je n'ai pas suivi. Maintenant, tu dis qu'est-ce que tu dis? Bon, je crois que. Je crois, hein? C'est l'autre qui a dit parking partagé. Sinon, c'est pas toi. Oui. Il a dit. Il a lui-même l'a dit. C'est moi qui l'a dit d'abord. Oui. Voilà. C'est bien comme tu as dit, c'est encore, réitéré. Parce qu'il faut qu'on lise maintenant ces passages-là dans la ligne. Oui, j'arrive bien. Oui. Quelqu'un peut lire, frère, tu peux lire là, haute voix pour qu'on l'entend. Oui, toi qui lis, suis ce que l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 1, verset 1. Allons-y, frère. Oui, allons-y. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus qui sont étrangers dans la dispersion. Oui. Au pont, en Galaxie, en Cappadoce, en Asie. En Asie. Oui, en Asie. Oui. En Bithynie, dans 5 localités différentes. Oui. Et il écrit en Galaxie. L'Asie, c'est la zone des païens. Il leur écrit des lettres, lui donner les exhortations. Il va même dire que c'est la deuxième lettre qui est écrite dans l'une et dans l'autre. Je tiens à vous tenir dans votre sainte intelligence parce qu'il va bientôt quitter la tente, comme le Seigneur me l'a révélé. A-t-il le droit de faire ça? Qui écrit ça? C'est Pierre. Il a dit la Pierre. Jésus. Y arrive bien. Je vais te répondre quand même. Oui. Pierre écrit cette lettre. Oui. Ce que tu oublies, c'est que quelquefois, cela se rencontre. Qui ça? Les Pierre et les Paul se rencontrent. Ça, c'est clair. On a vu ça dans Actes des Apôtres, chapitre 15. Voilà. Ils se rencontrent. Oui. Et quelquefois même, il arrive des moments où ils peuvent travailler ensemble. Où ça? Y a du bien. Je viens. Maintenant, Paul travaille. Il n'y a pas de réunion où il travaille. Comment on travaille là? Moi, ma partie, c'est moi qui dois m'occuper de ça. Les réunions, ils sont rencontrés. La Bible nous a donné de façon spécifique les réunions, ils sont rencontrés. Et la Bible nous a dit que c'est par révélation. Donc, c'est Dieu qui leur a demandé de se renseigner, de se réunir. C'est les disciples de Jérusalem qui sont partis par la persécution. Tu vas aller convertir des gens là-bas. Est-ce que tu vois? C'est, par exemple, je prends le cas de même Samarie. Oui. Samarie où l'autre est parti Philippe. Prêcher. Philippe est parti prêcher. Quand il est parti prêcher, Barnabas n'était pas un apôtre. Mais quand les gens ont vu qu'il y avait des croyants là-bas, ils ont envoyé Barnabas pour aller exhorter ceux qui sont convertis là-bas. Et c'est lorsqu'il est arrivé qu'il allait chercher Saul de Tarse. Et ils ont commencé à encadrer les églises qui sont donc, c'est à ce moment-là que Barnabas devient apôtre ou comment? Non, il n'est pas. Est-ce qu'on l'avait appelé à ce moment apôtre? Il n'est pas. Ils sont des blagues. Non, mais Galate, là, est-ce que. Donc, c'est à ce moment que ça devient comme ça. Paul lui-même ne pouvait pas écrire. Regarde, même le cas même dans notre temps moderne. Voilà Franck. Franck, il est, comment on appelle, c'est un serviteur pour l'Allemagne. Mais quand il fait ses lettres circulaires, il s'adresse au monde entier. Non, ne dites pas que les parkings sont pas. Non. Mais quand toi, tu dis que moi, je suis à point des païens, ça veut dire quoi? Non, mais c'est là qu'il faut comprendre. Quelle vision d'esprit? Quelle vision d'esprit? Quand tu vois l'homme, tu veux savoir si les païens ou bien ceci. Alors. Dieu te dit que quand tu seras apôtre, tu verras que Dieu va te montrer ta localité, dans quelle zone tu dois travailler. Mon frère. Tu verras ça. Mon frère. Tu verras ça. Mon frère. Pour le cadre spécifique de l'apôtre Paul voilà. Et de l'apôtre Pierre. L'apôtre de Dieu peut parler partout. L'apôtre Paul. Il y a besoin que Dieu t'a imparti pour travailler. Et alors, l'apôtre Paul. Pour son cas spécifique. On peut avancer. Pour le cas spécifique. Branham voulait aller en Afrique du Sud. Pourquoi Dieu l'a empêché? L'apôtre Paul voulait aller en Asie. L'apôtre Paul voulait aller en Afrique. Il voulait venir en Afrique. Mon cher. L'apôtre Paul voulait aussi entrer en Asie. Dieu l'a empêché. Simplement, il est parti en Afrique du Sud parce que. Une partie des Japhétistes était là-bas. C'est pour ça que Dieu l'a envoyé là. Il dit, n'est-ce pas hein? L'apôtre Paul aussi, dans la Bible. Non, c'est pas des mystères. Ce n'est pas des mystères. Dans la Bible, dans Actes des Apôtres, chapitre 16, l'apôtre Paul lui-même voulait entrer en Asie. Le Saint-Esprit l'a empêché d'entrer. Pourtant, là-bas, il y a les païens là-bas. Pourtant, il est apôtre des païens. Non, là, attends, il y a rien. Oui. Ce que tu es en train de dire, on a qu'à lire le passage. Lisons et puis viens t'expliquer. Il y a ce que tu es en train de dire, c'est le passage. Le passage, nous allons lire. S'il vous plaît, laissez le bras là. Je te dis, dans ces actes, dans ces 1 Pierre, n'est-ce pas? L'apôtre Pierre écrit en tant qu'apôtre aux Galates. À Éphèse, en Asie. C'est vrai, et la Bible déclare qu'il est apôtre des Juifs, selon ce que vous avez montré. Est-ce que la Bible déclare? Oui. La question que je vous pose, c'est pourquoi écrit-il aux gentils? C'est là, moi, je vais te répondre. Oui. Lorsqu'on dit que, par exemple, oui. Quelqu'un est apôtre de, par exemple, la région de... Ici, nous sommes en... La Yopougon. Bon, la région de... Là, bon, Yopougon, c'est un peu petit pour le cas d'un apôtre, pour le travail d'un apôtre. Oui. Abidjan. Voilà, mettons, l'apôtre d'Abidjan. Oui. Cela ne veut pas dire que d'autres apôtres... Si le Seigneur les envoie spécialement, il peut venir faire un travail. Non, ça c'est pas le travail dire quand on passe. Mais lorsque le type te dit que moi je suis apôtre des. Moi, Dieu m'a envoyé, moi je suis apôtre des païens, comment tu interprètes ça? Mais Dieu n'a ça dit que partout il y a les païens, ça le concerne. Voilà. Ça ne veut pas dire que. Ça dit dans les régions où tu te trouves, dans les zones. J'ai dit, frère, c'est pas la peine de discuter. Même Paul, quand il va, je dis là-bas. Les gens veulent le tuer, il ne peut pas prêcher là-bas. Il peut même pas prêcher là-bas. Mais parce qu'on le connaissait comme lui, on le considérait comme traître. C'est pas pour cela parce qu'il ne va pas prêcher. Donc tu penses que même dans les régions, tu penses que les apôtres, c'est-à-dire il s'élève, un apôtre, il s'élève, il va où il veut. Il y a des zones où quand tu veux partir, le Seigneur te dit non, ne va pas. Il a fait ce que l'apôtre Paul. C'est le Seigneur. Peut-être que là-bas, il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas des gens de Dieu là-bas. Ou bien peut-être que c'est pour cette raison. Ce n'est pas encore le moment. C'est pas le moment. Peut-être que le moment n'est pas encore imbibé. Là, tu es d'accord avec moi. Oui. C'est le Saint-Esprit qui guide. Oui. Donc le Saint-Esprit peut te dire. Que ne fais pas telle chose, ne va pas là. Oui. Quelque part même, les gens voulaient arrêter Paul. Le Saint-Esprit dit non, il faut partir à Jérusalem. Oui. Ou les gens même voulaient. Guidé par le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit seul qui connaît le mobile. Oui. Lorsqu'il te dit ne va pas ici, c'est. Oui. Est-ce que la Bible t'a expliqué pourquoi il a dit ne pas aller là-bas? Alors, les prédications de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre dit dans sa prédication, il dit que c'est les mêmes choses. Il y a bien. Toi-même, tout de suite, tu viens de me dire que Dieu t'a donné 4 pays. Il n'a pas dit ça ici. Il m'a pas donné. Vous voyez, j'ai dit qu'il m'a donné mes pays. Il m'a pas dit que là où je vais évangéliser. Voilà, oui. C'est deux choses différentes. Si tu veux la dispersion, je t'en donne. Non. Ce sont mes pays. Il y a mon pays de naissance. Oui. Ça n'a rien à voir avec l'évangélisation. Voilà. Ça n'a rien à voir avec ce que nous sommes en train de discuter. Ce sont mes pays que Dieu m'a donné. Israël, oui. Absolument. Le Nigeria, mon Cameroun. Là, ça, c'est mon secret avec le Seigneur. Il m'a donné 4. Il n'a pas dit 3, il n'a pas dit 5. Il a dit 4, il est cité. Je vais te dire que si tu es apôtre, Dieu va te montrer. Non, non, non, je ne suis pas présenté devant vous comme apôtre. D'ailleurs, même je ne crois pas d'ailleurs. Absolument. Si tu l'étais, oui. Alors Dieu allait te montrer les limites de ton travail. Tu ne sais pas ce que j'ai eu avec lui, tu ne me connais pas. Il va te montrer les limites de ton travail. Mais tu ne... Dieu ne travaille pas dans un désordre. Lorsque c'est un apôtre, lui montre. Je te pose une question. Je te pose une question, n'est-ce pas? Je veux que tu me regardes bien dans les yeux avant de répondre. Oui, tu te regardes. Tu lis les écrits de l'apôtre Paul aujourd'hui. Oui. Tu lis pour l'apôtre Pierre, tu es juif. Hein? Pour l'apôtre Pierre, tu lis pour l'apôtre Pierre, tu es juif. Je ne suis pas juif. Mais tu sais très bien que l'apôtre Pierre te dit des choses que tu obéis, pourtant il ne t'a pas envoyé vers toi, oui. N'est-ce pas? Oui. L'apôtre Paul, dans toutes les églises du monde entier, on lit toujours ses écrits. Oui. Donc il est apôtre de tout le monde entier. Nous sommes d'accord? Qui ça? L'apôtre Paul. Apôtre du monde entier, ça dit quoi? Ça veut dire que vous, là maintenant, tu tiens la Bible où il donne les écrits. Suis attentivement. Faut pas expliquer la chose de cette façon. Non, non, suis attentivement ce que je viens de dire. Parce que tu lis. Tu viens de dire. Qu'il est l'apôtre du monde entier. Non, non, non. Mais tu as dit. L'apôtre de Jésus-Christ. Non, attends. Ça, c'est clair que c'est l'apôtre de Jésus-Christ. C'est pas ça. Je parle du domaine. Je parle du apôtre des nations. Je parle du domaine d'influence. Oui. Quand quelqu'un est apôtre, il est apôtre entre les mains du Seigneur. Le Seigneur peut l'envoyer où il veut. Justement, moi, je t'ai dit ici tout de suite que. Le Seigneur pouvait particulièrement envoyer, comment on appelle l'autre là, Pierre, pour travailler avec travail. Alors, mais Pierre est apôtre de façon chaude, Pierre est apôtre des, comment on appelle, des juifs. Des juifs. Mais on voit le Seigneur l'envoyer n'importe où, n'est-ce pas? Mais donc, quand il dit que l'apôtre des juifs, comment tu comprends? Ça veut dire que spécifiquement, il a reçu le message pour les juifs. Mais ce que tu ne vois pas dans les Écritures, ce que tu sembles ne pas voir les Écritures, c'est qu'en réalité, c'est la personne qui explique même aux juifs, c'est l'apôtre Paul. Tu ne vois pas cela. L'épître aux Hébreux. Pour expliquer la loi, l'apôtre Pierre n'a jamais fait cela. Il n'y a aucun épître où l'apôtre Pierre s'est adressé aux Juifs. Au nulle part où il a expliqué le mystère, c'est l'apôtre Paul qui l'a fait. Oui, mais attends, tu pourrais poser la question pourquoi? Il y a dit bien. Paul ne pouvait pas expliquer. C'est quand tu vois dans les épîtres. Non, il dit Pierre. Il dit Pierre, qui est apôtre des Juifs, envoyé chez les Juifs, n'a jamais expliqué aucune écriture aux Juifs en expliquant ce que la loi voulait dire. Il y a lu bien. Mais plutôt, il a utilisé le judaïsme jusqu'à ce que Dieu le convainc qu'il parte de païens. C'est pourquoi moi je t'ai dit que je ne voudrais pas qu'il y ait une polémique. Oui. Mais je voudrais quand même te dire quelque chose. Oui. Ce que tu voudrais savoir, tu dois savoir, oui. C'est que regarde les écrits de Paul oui. Au sujet de comment on appelle la loi, la grâce là. Oui. Tu penses que Pierre pouvait prêter ça aux Juifs? Alors, mais je pose la question. Donc Jésus, ça veut dire que Jésus a permis les gens alors. Ça veut dire que la personne qui devait annoncer, pouvait annoncer chez les Juifs, si il a plutôt de demeurer chez les païens. Il va le faire comment? Oui. Les apôtres et les Juifs, tu sais que c'est des gens de quoi? Même, quand Pierre est allé là-bas, oui. Tu as vu comment Pierre s'est comporté? Quand il arrive dans la région des païens, oui. Il a été obligé de jouer à l'hypocrisie oui. En manger. Ça veut dire, quand il a vu les frères venir, il s'est retiré. Mais tu viens de lui dire la même chose que je dis. Laisse-moi parler. Oui. T'es un homme de Dieu. Non, c'est bon. Au moins, ça va nous tu ne dors pas. Donc, vas-y, c'est bon. Vas-y, mon frère. Voilà. Quand Pierre est allé là-bas, il a commencé. Parce qu'il a vu les Juifs là. Il a eu déjà peur. Oui. Et il a commencé. Quand il a vu les Juifs là, il a vu que les Juifs devaient venir là. Mm-hmm. Il a changé de comportement. Oui. Et Pierre là. Pierre. Paul lui a fait des reproches. Mm-hmm. Il dit toi qui veux judaïser les gens. Mm-hmm. Ça veut dire quoi? Tu dois mener les gens. Le tyrannie appartient en réalité aux Juifs. Oui. Tu veux faire des gens. Des chrétiens oui. Et des juifs, si tu veux, dans ce bâtiment. Des judaïsants. Voilà, judaïser les gens là. Mais tu te comportes comme si un païen. Tu te comportes comme un païen là. Oui. Lui a fait des reproches. Oui. Donc tu penses que lui là, il pouvait prêter la loi. Dieu sait ce qu'il fait. Alors, mais nous arrivons au même niveau. Voilà. La personne qui est envoyée chez les juifs ne sait pas prêcher la loi. La personne qui est entrée chez le qui a envoyé chez les païens, c'est lui plutôt qui prêche la loi. Voilà. Donc est-ce que l'apôtre Paul a reçu une mission d'aller prêcher chez les juifs? L'apôtre Paul. Mission pour aller prêcher chez les juifs. Il n'a pas reçu la. Dans ce cas, qu'est-ce qui lui donne l'autorité de décrire même épître aux Hébreux? Jusqu'à ce qu'il arrive que j'ignore, je vous parle selon qui sont qui créent la loi. Attends, cette affaire depuis des Hébreux là, c'est ça que jusqu'au début c'est la discussion. Hein. Je n'ai pas dit que ce n'est pas Paul. Et quoi qu'il impose, c'est une pause maintenant. On fait la pause. On fait la pause. C'est le seul épître qui n'a pas été signé. Bon, à l'issue de la pause, donc tu vas devoir nous exposer ton plan donc, sur la polygamie bibliquement. Ça ne me gêne pas. D'après le Nouveau Testament. Non, ça ne me gêne pas. Oui. Non, le frère. Mais moi, il faut dire. Voilà, je viens pas exposer. Non, le frère. Ok. Et puis, je crois qu'à la suite, maintenant, j'ai dit ce que j'avais à dire pour la première chose. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Amen.